Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce 81e podcast du collectionneur. Alors on est tout à fait à l'heure hein, et ne vous inquiétez pas, on finira aussi à l'heure. Voilà. Oui, la base. On est bonsoir parti. Les enfants. Et bonsoir. Bonsoir à tout le monde qui nous écoute. 10 secondes de live est déjà un mensonge, c'est terrible. Donc voilà, on est parti, on ne sait pas trop pour combien de temps, on va voir. On a décidé donc dans notre série les podcasts des années, ce soir de parler d'une nouvelle année. On a choisi donc après avoir fait 1991 et 1998, on s'est arrêté sur 1996. Alors pourquoi pas, parce qu'on avait envie. Voilà. Pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas. C'était l'année des 70 ans de Monsieur Pell. Seulement ? Voilà. Seulement ? Eh ben, oui. Et donc cette année, ce soir, on va faire un petit tour donc de ce à quoi on a joué en 96, ce qu'on a écouté comme musique, les films qu'on a vus au cinéma, ce qui nous a marqué d'un point de vue culturel pendant ces années-là. Et voilà. Culturel, ouais, c'est le mot. Ouais. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Vous allez voir la culture, grosse culture. J'essaie de cacher ce que je bois, mais c'est pas facile. Et donc sur le coup, parce que évidemment, on n'aura absolument pas le temps de parler de tout sans déborder totalement. Personne ne va présenter de jeu à la fin. On va juste commencer tranquillement avec les news, les petites new news. Oui, c'est vrai, il y a les news. Et sur le coup, on va commencer avec la news qui va prendre plus de temps. On va en parler en premier, ça ce sera assez fait. Les fameux 60 ans de Sega. Sega qui met à disposition, sur le coup, qui a décidé, ils ont dit, allez, on fait des cadeaux. Voilà. Et des jolis cadeaux. Bon, il y en a un qui est joli, il y en a un autre qui est sale. Très sale. Ouais. Très, très sale. Alors, on a d'un côté, d'une part, on avait déjà Sonic 2, Mega Drive. Hein, si vous n'avez pas encore assez joué à Sonic 2, vous pouvez acheter encore. Hein. Voilà, vous pouvez encore reprendre Sonic 2. Alors, sur Steam gratuitement. Sonic 2 sur Steam gratuitement. Et grosso modo, tous leurs jeux Mega Drive sortis sur Steam, il y en a plus de 50, pour genre 10 balles. Mais il faut savoir un truc, c'est que ces jeux, c'est pas des portages ou quoi que ce soit, c'est des ROM. C'est-à-dire que vous pouvez acheter légalement des ROM pour ensuite les mettre sur des Everdrive ou des émulateurs ou n'importe quoi, mais légalement. C'est voilà. Ce qui est pas mal en fait. Pour 10 balles, t'as 52 vrais jeux. Il suffit juste de changer l'extension et vous avez légalement acheté une ROM. Voilà. Ok. Et je dis que c'est pas mal parce que pour 10 balles, 50 jeux et Mega Drive, ça va, c'est pas. Ça va, tout va bien. Mais également, la grosse surprise, je pense, d'hier, c'est la fameuse l'annonce de ce Streets of Kamurocho. Oui. Oui, effectivement. Où donc Sega a décidé de faire un mash-up entre Streets of Rage 2 et Yakuza. Basically. C'est ça. Et donc on se retrouve avec Streets of Rage 2 avec les personnages de l'univers Yakuza. Et on pourra jouer à deux joueurs simultanés avec Kiryu et Majima. En gardant la même pâte graphique 2D, hein, très pixel Mega Drive, je trouve, hein, quand même. Et ça fonctionne bien, hein, de ce que je voyais, ça fonctionnait bien. Ah, moi j'ai hâte. Je suis pressé aussi. Hein. Ouais. Ouais. Oui. C'est dispo tous les jours, donc dépêchez-vous de le récupérer, mais... Alors, le mode de distribution a l'air un peu obscur, c'est-à-dire qu'apparemment Sega a dit que vous avez donc deux jours, le 17, 18, pour l'ajouter à votre bibliothèque Steam. Le 19 aussi. Le 19 aussi, donc trois jours. Sur le coup, on est dans un mode de distribution, le même coup que Nintendo nous fait avec des jeux en démat, mais dispo qu'une courte période. On n'a pas trop compris le move. Bon, évidemment, ce ne sera pas perdu, même après, il n'y a pas de souci, je pense que... Oui. Il y aura toujours moyen. On balance tout, mais en fait, il y a 4 mini-jeux qui sont gratuits. Hein. En fait, voilà. Eh ben alors, vas-y, sur le coup, parce que voilà, je vais parler dessus, mais vas-y, parlons des autres alors. Ouais, voilà, donc après Streets of Kamurocho, il y a également, là, justement, celui qui fait peut-être un petit peu plus polémique, le Golden Axed. Hein, là, on est au-delà de la polémique, là, c'est de la fuite de poterie. Mais quand même, il y a une histoire pour ce jeu. C'est que c'est une version inédite d'un projet qui était annulé, quand même, qui s'appelait à la base Golden Axe Reborn. quand même, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, ces gars, ils ont quand même voulu le faire partager. Alors, voilà, ce qui s'est passé, le fond de l'histoire, c'est quand même Sega qui a demandé à deux programmeurs, enfin un programmeur et un type qui s'occupait du design, de leur faire un prototype de ce que serait une réimagination de Golden Axe en 3D. Et en gros, ils leur ont donné 2 semaines pour ça. Ils ont travaillé sous la contrainte de temps extrêmement sévère, ce qui les a obligés à faire énormément d'heures pendant 2 semaines. Pour voir avec un marketeur qui leur cassait les couilles en permanence. Pour avoir en plus voilà, le projet totalement rejeté par Sega à base de « Ah mais non, mais c'est pas vraiment ce qu'on voulait ouais. ». Bref, l'idée c'est que bon, les programmeurs se sont longuement exprimés sur Twitter quant à ce qui s'est passé. Et par contre, lorsqu'on leur demande « Mais ça veut dire quoi ? Vous dites aux gens d'y jouer ou de pas y jouer ?» Le programmeur principal a dit non, jouez-y. Faites-vous plaisir, regardez ce que ça donne, tout ça. Mais il tenait à dire que ne perdez pas de vue dans quelles conditions ça a été fait et c'est pas bien. Voilà. Bah, c'est surtout qu'ils ressortent le truc sans les avertir. Et on a eu droit, oui, encore une fois. Et sans les payer, quoi. Ils ont fait ça gratos, ils se sont fait avoir, on leur a dit non et 7 ans plus tard, ils sortent le truc. Il se passe la même chose que lorsque Nintendo avait sorti Star Fox 2 à peu près et que le programmeur principal revient en disant « Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ?» Voilà. La différence près, c'est que là, Sega ne se fait pas d'argent dessus, quoi, puisqu'il est offert. Tu vois, alors que Nintendo le met quand même dans le pack. Oui, ils se font pas d'argent dessus. Après, bon, ils font pas non plus. Enfin, c'est toujours pareil. Hein, c'est... C'était une plus-value pour la Super NES Mini, quand même, ce titre, le titre du Star Fox 2. Oui, clairement. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme autre jeu, PEL, sur le coup? Alors, le troisième, il y avait, qui est disponible aujourd'hui, d'ailleurs, hein, il me semble, c'est Armor of Heroes. Donc, c'est un jeu de tank multijoueur, assez rétro. Ça joue en versus ou en coop. Ouais, c'est un petit jeu sympa avec des tanks, tu vois, où tu dois dégommer l'adversaire. Et le quatrième, qui est plus intéressant, je trouve, qui lui sera disponible à partir de demain et aussi jusqu'au 19. Là, tous les jeux, c'est jusqu'au 19 octobre. Oui, d'accord. C'est Endless Zone de Amplitude Studio. Et lui, il mélange les univers donc, de Endless et de Fantasy Zone, le shoot'em up. Okay. Et du coup, ça reste un shoot'em up en scrolling sur le côté, exactement dans le même schéma. Et lui, disponible à partir de demain. Voilà. Et quelle plateforme ? Steam toujours. Les 4 sont disponibles sur Steam gratuitement. Ok. Voilà. Bon, bah, je vais essayer de le choper. Hein. Et on a quand même une dernière carotte intéressante. Ouais, si vous vous inscrivez sur le site des 60 ans, des célébrations des 60 ans de Sega, vous allez pouvoir avoir une copie gratuite de. Hop, je vais le sortir. Ce jeu-là. Night into Dreams. Ah oui, Night, ouais. Alors, je le montre parce que on va peut-être en reparler tout à l'heure. Allez savoir, peut-être qu'il est sorti en 96, je ne sais pas. Ah, ce serait fou. Ah, j'ai oublié de sortir mes jeux. Ah, catastrophe. Bah, tant pis, vous aurez pas mes jeux. Non, mais tu peux te lever. À la limite, le temps des news, tu peux y aller, moi. Pas de soucis. Bah, non, j'ai des trucs à dire sur les news, moi, non. Okay, oui. Là, mais il y a une question qu'on peut se poser en anniversaire. Qui c'est les plus forts ? Sega ou Nintendo ? J'allais dire évidemment c'est les verts, désolé. Bah en termes de Sega ils te filent des trucs gratos quoi. Enfin Nintendo ils te font des coupes payantes. Le gratuit c'est la victoire. Le bah, gratuit ouais, donc déjà problème. De base quand c'est gratuit c'est gagnant. Bah oui. En fait chez Nintendo c'est toujours plus compliqué en fait. Eux en fait ils fêtent un truc mais ils essaient de te piquer du pognon quoi. Bah, après moi j'étais content de l'avoir ma compile Mario mais. Je l'aurais dit, c'était un peu du foutage de gueule, donc voilà. Là, t'as des trucs gratos. C'est juste une simple question, hein. J'ai ma réponse. C'est super. D'ailleurs, Compile Mario qui, tiens, je vais faire peur aux gens, pendant en pleine partie de Mario 64, ma console a glitché. Ah. Je me suis mis à avoir des parasites sonores, j'ai cru que c'était mon ampli qui avait claqué, puis j'ai cru que c'était ma console qui avait claqué. Et quand j'ai voulu mettre ma console en veille, elle m'a fait un code d'erreur en me disant si ça persiste, contactez Nintendo. Je fais ah. Très bien. Ah bon. Ah bah voilà. Ok. Et eh bah parfait. Bon. Mais depuis, c'est bon, ça marche. C'est pas tout à fait. Et oui, parce que tout n'est pas gratuit quand même dans les célébrations Sega. Et donc, sur le coup, je vous parle de ce tweet comique, entre guillemets. On peut acheter des boîtes très chères. Personne au Japon. qui donc relaie le fait que certaines personnes ayant commandé le superbe pack avec 4 Game Gear micro plus un modèle d'exposition supplémentaire ont reçu leur pack vide. Ouais. Voilà. 240 euros la boîte vide, ça fait cher. C'est un peu onéreux. C'est un peu onéreux. Bon, alors oui, évidemment, on se doute qu'il n'y a pas de soucis qui vont rectifier le tir. Hein. Mais je me doute que les premiers à avoir reçu ça. Bah, en vrai, c'est ce que je disais sur le Discord, on peut en rire. Mais putain, quand tu ouvres un truc que tu as payé bonbon et que tu as une boîte vide. Ouais. Bah oui, ça fait chier quoi. Ça devait venir. C'est-à-dire qu'on voit les gens salés sur Twitter. Moi, je pense que j'aurais tout cassé dans la piole. Ouais, non. Ouais, parce que ça devait contenir donc la boîte Game Gear Mini, plus des fausses petites cartouches en fait. Hein, c'est ouais. Ça l'idée. Ouais. Ouais. Comme ils avaient fait pour la Mega Drive Mini, je trouve. Alors par contre, tout ce qui est goodies à côté qui ne sert strictement à rien, moi je trouve ça drôle. Hein. Moi, je trouve ça bien. C'est les fausses cartouches. Ouais, ah mais c'est pas mal l'objet hein. Enfin, s'il existait vraiment quoi. Oui bah parce que là pour le coup. Ouais. Après la Game Gear Mini a l'air d'être sortie quand même dans une relative confidentialité. On a vu des photos au Japon, effectivement c'est minuscule et je pense qu'il y a aucun plaisir à jouer sur quelque chose comme ça. Ouais. Voilà. Si ça avait été un gars de Japon, tu vois un petit truc pas très cher. Ouais, bon, bah d'accord, bah, t'aurais pu dire ouais, ok, d'accord. Là, par contre, le tarif est. Bah, d'ailleurs le pack dont on parle là, il venait avec une loupe aussi. Oui, effectivement. C'était la blague, c'est te donner une loupe avec ton truc collector. Microscope, tu vois, c'est terrible. T'en as besoin de la loupe et même de plusieurs. Hein. Ah, bah là, des trous, avec des lunettes double foyer, hein, tout. Hein. Du coup. Avec Hubble, le télescope. Avec Hubble, ça passe. Oui, Billon, tu peux enchaîner sur une. Non, bah, je disais que pour en finir, oui, avec justement les salvations de Sega, il se pourrait que donc Yosuke Okunari, le producteur de la Game Gear Mini, ait évoqué la possibilité de voir un jour apparaître une Dreamcast Mini. Ça, voilà. Par contre, ça m'intéresse. Alors, mais je vois pas comment il pourrait la faire. Enfin, après, moi, je ris parce qu'il parle éventuellement aussi d'une SG-1000 mini. Ouais, non, mais ça, il faut pas. Attends, ça, je suis désolé. Moi, je me suis fait il y a pas longtemps l'intégralité de la ludothèque en une soirée, enfin même en une heure. Non, le Wonder Boy est dégueulasse. Honnêtement, le meilleur jeu de la machine est le portage de Space Invaders, qui est très fidèle à la version arcade. Et il y a quoi d'autre aussi? Mais tu te rends compte que même une Master System, ça marcherait pas. Pourtant, Dieu sait que j'adore la Master System. Ah bah oui. Mais une Master System, jamais ils en vendent. Bah, en fait, il a évoqué deux consoles dans l'interview. Hein. Oui. Il parlait de la Dreamcast Mini et de la SG-1000. Oui. C'est ce qu'on vient de dire. Oui. Je crois qu'il ne nous entend pas très bien, monsieur. Est-ce que tu as mis ton chronotone? C'est ce que j'allais dire. Chronotone. C'est là. Mais bon, t'imagines, il pourrait faire ça bien quand même avec une Dreamcast, parce qu'il y a quantité de titres qui pourraient. Le problème de la Dreamcast, c'est la mémoire, hein. Les jeux. Le problème de la Dreamcast, il est double, c'est que et déjà tu fais pas tourner un émulateur Dreamcast avec ce qu'aujourd'hui on nous vend à 100 balles dans une console mini. Donc sur le coup, il faut quelque chose de plus puissant qui va coûter d'autant plus cher. Et en plus, les jeux Dreamcast prennent considérablement plus de place, donc plus de mémoire, donc beaucoup plus cher. Aujourd'hui. Ils vont pas vendre une console mini 200 ou 250 euros. Ça n'a aucun sens. Quand tu vois déjà le prix de la PC Engine Mini qui pique, alors qu'elle est quoi, on va dire, juste, c'est quoi, 120 euros? C'était 110 et Amazon a déjà baissé autour de 90, je crois, à deux reprises. Donc, déjà à 110, les gens et même moi, disaient c'est quand même un peu cher pour une console mini. Après, une PC Mini à 200 euros. Je me fais la réflexion, mais d'ailleurs, on peut en parler vite, mais Recalbox 7 est sorti, mais il fait pas la Dreamcast, lui? Je sais pas. Je suis troublé. S'il l'a fait, il l'a fait de manière assez peu probante. J'ai pas testé parce que très sincèrement, même pour avoir acheté un Pi 4, je me suis dit de toute façon ça sert à rien. Déjà la 64 c'est déjà pas émulé correctement. Alors pourquoi je testerais la Dreamcast? Non, mais il y a masse de machines qui passent pas sur un Pi de base de toute façon. J'ai testé vite fait la Saturn. Bon, on laisse tomber. La 3DO, putain, c'est Jean-Guy Sature, quoi. C'est horrible le son est dégueulasse. Après, il faudrait voir sur PC ou sur les Odroid, voir si avec le 7 ça peut bien la Dreamcast. Ouais. Ouais. J'ai pas testé. Je pourrais pas dire, moi, j'en sais rien. À la limite, je peux regarder en attendant. Pour voir. Non, c'est bon. C'est juste pour voir si ça tournait sur un Pi 4. Peut-être que ça coûterait pas si cher que ça. Impossible de tourner sur un Pi 4. Ouais, ok. Et pour revenir sur un Dreamcast, je rappelle qu'à l'époque, un Dreamcast tournait sur un Windows CE. Et que donc, les portages PC ne sont pas non plus les trucs les plus difficiles du monde à faire. Et qui dit portage dit que, enfin, aujourd'hui, à une époque, donc, Sega avait recommencé à sortir des jeux vendus à l'unité. Ils avaient donc Jet Set Radio notamment été réapparu. Je veux dire, ils peuvent très bien continuer dans cette voie-là et porter des jeux de. Enfin, la gamme Sega EG, c'est fini pour l'instant sur Switch. Mais, je veux dire, les gens, voir des jeux Saturn ou des jeux Dreamcast apparaître à l'unité comme ça, à payer à l'unité sur une Switch ou sur une PS4, PS5, ils attendent que ça. Donc, après, on sait que Sega veut mettre ou ne veut pas mettre d'argent là-dedans. Pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, j'espère qu'à l'avenir, ils vont retourner leur veste. On va voir des choses apparaître. Ouais, affaire à suivre. Bon, alors maintenant, il est temps de parler d'oignons. Ah. Des gros oignons. L'oignon de qui? L'oignon de Terra. Oh. Ah, lui, d'accord, oui, effectivement. Donc, sur le coup, Terra Onion nous fait un petit tweet d'annonce disant que donc la future version du mod va supporter la PlayStation. C'est ça. Alors, en plus de la Saturn et la Dreamcast. Plus précisément, là, l'actuelle version du mod, en fait. Mode 2, en fait. C'est multi-optical disc emulator. Donc, qui permet maintenant. Non, c'est upcoming mode support. C'est moi qui ne sais pas parler anglais ce soir. Oui, c'est ça. Donc, là, actuellement, présentement, ça permet de jouer au jeu. De remplacer le lecteur CD d'une Saturn et ou d'une Dreamcast. Ça marche bien, j'en avais déjà parlé et tout. Et il prévoit, via une mise à jour, que ça soit compatible avec la PlayStation. Mais non seulement il faudra faire une mise à jour du dispositif, mais il y aura également quelques trucs à souder sur la console. Pour des problématiques purement hardware, en fait. Hein, ils ne peuvent pas faire autrement en l'état. Il existe des alternatives aujourd'hui, mais il n'y aura rien de comparable en termes d'installation à la Saturn et la Dreamcast, qui sont quand même très aisées. Sur PS1, il va falloir mettre plus des moines dans le cambouis, mais ça reste quand même le problème de la de faire en fait du mod. Il y a pas mal de gens qui le disent, ça, c'est que ce qu'il aurait reproché beaucoup à Terra Onion, c'est de vendre quelque chose de très cher, donc ça fait 240€ environ. Si vous voulez l'avoir en France avec les taxes incluses, comptez 300 balles. D'accord, voilà. Et le truc, c'est que 240-260 en fait, pour être honnête. L'idée, c'est que vu qu'il est compatible avec les trois consoles, on s'imagine qu'on pourrait le prendre d'un côté, le mettre de l'autre et le faire passer d'une console à l'autre. Mais en fait, c'est vraiment pas aussi simple que ça. Et beaucoup de gens disent en gros, mais pourquoi avoir rendu le truc compatible avec tout à la fois, alors que finalement, une fois qu'il est dans une console, il bouge plus et qu'on a juste l'impression de payer quelque chose d'extrêmement cher pour des possibilités qu'on peut pas atteindre, quoi. C'est exactement ça, parce qu'en fait, moi, je l'ai mis dans ma Saturn. J'ai pas envie d'ouvrir ma Saturn, de débrancher le truc, d'ouvrir ma Dreamcast, de rebrancher le truc, de tout refermer, puis ensuite quand je rejoins la Saturn, de rouvrir la Dreamcast, et puis après il y aura la PlayStation. Non. Pour moi, le vrai avantage de ce truc là, c'est pas qu'il soit compatible avec plusieurs dispositifs, c'est qu'il peut lire des cartes SD, des trucs en USB, que ce soit des USB sticks ou des disques durs externes USB ou des disques durs en SATA. Et ça, c'est vachement bien, surtout la troisième, parce qu'un disque dur SATA, tu peux acheter un truc de 2 Tera en 2 pouces et demi et ça te reviendra moins cher qu'une carte SD de 256 Go, quoi. Enfin, Ça a été dit, ouais, c'est petit détail. Ne mettez pas un SSD là-dedans. Hein. Ça sert à rien en termes de débit. En fait, vous pouvez. Ça marche, oui. Ça marche, c'est sûr. Ça marche. Le débit ne sera pas amélioré. Il y a même un avantage à mettre un SSD quand même, c'est que du coup, il consommera moins de courant. Parce que si vous mettez un disque dur, là j'ai mis un disque dur mécanique, il faut brancher un petit truc, c'est pas compliqué, hein, mais il faut brancher un petit truc sur le plus 5 volts de la console. C'est très simple à faire, mais il faut le faire. Ce qui n'est pas nécessaire si vous utilisez un SSD par exemple. Voilà. C'est le même délire que dans le truc pour la Dreamcast, le truc pour. Ah, je sais plus comment ça s'appelle ce machin là. Enfin bref, où il faut mettre une résistance en fait sur à un endroit. Non, même pas. Là, c'est vraiment. C'est même pas le délire. Ils ont fourni un truc, tu le branches sur le mode 2, il y a deux fils qui dépassent, tu mets ces deux fils dans un truc qui est déjà présent sur la Saturne de base en fait, donc voilà, à croire que c'était fait pour. Et c'est tout, il n'y a pas de. Pas de soudure, okay, rien. Mais voilà. Pour la Dreamcast, pour terminer ce que je disais, c'est pas vraiment soudé. Hein. T'as juste une résistance à mettre et encore, moi j'ai un pote qui ne l'a jamais mise. Et... D'accord. Je sais pas. Mais le truc, c'est quoi ? Vu qu'il existe des solutions pour chacune de ces trois consoles séparées, la Dreamcast, il y a, je sais plus, c'est GDMU, je crois, un truc comme ça. La Saturn, tu as par exemple le. Projet Fenrir, tu vas avoir le Satiator qui va sortir bientôt. Ouais. Enfin, le Satiator, il coûte très cher. Hein. Il coûte plus cher que le Mode 2, je crois. Enfin, c'est un truc un peu débile. Et tu as pour la PlayStation, le X-Station que j'ai commandé, qui arrivera peut-être un jour. Alors, ça, c'est qui coûte deux fois moins cher. Ouais. Donc, quand tu l'auras reçu, n'hésite pas à nous faire un retour parce que c'est intéressant. Je ferai un retour, mais je l'installerai sans doute pas moi-même. Donc, quand j'aurai reçu, il faudra que je trouve quelqu'un qui me l'installe. Et ensuite, je ferai un retour. Il y a quoi à faire dedans ? Il y a de la soudure. Mais il y a de la soudure qui m'inquiète moi-même. Donc, je ne vais pas le faire moi-même. Beaucoup. Envoie-moi la doc, je regarderai. Aloca, si tu as le temps, envoie-moi la doc. On fera ça. Je regarderai. Enfin, voilà. Après, ça fait toujours une solution de plus. Hein, voilà, ça intéressera qui s'intéressera. Donc, passer rapidement aux autres news qu'on en boucle assez rapidement. On nous annonce donc une borne Neo Geo. Pouf, je mets le lien dans le chat. Borne d'arcade Neo Geo MVS, façon bar top. Donc, Monsieur Chou, t'en avais déjà parlé de la version de la version Pac-Man, c'est ça ? Le spécial, c'était quoi ? De quoi ? De Oui, c'est Pac-Man, qu'on voit d'ailleurs dans le décor. Et donc là, c'est la version MVS qui y arrive. C'est pas la même chose, en fait. C'est pas la même chose. Non, en fait, bon, l'arcade one-up, tu dois assembler toi-même, donc le Pac-Man qui est derrière. C'est pas compliqué. Hein. En une demi-heure, en trois quarts d'heure, c'est torché. Là, par contre, ça arrive déjà monté. Ce qui est très bien, parce que t'es pas emmerdé à assembler le kit. Par contre, comment dire, il y a le côté un peu ludique de l'arcade one-up qui est très sympa à monter soi-même et tout. Ce qui fait que si un jour tu as un souci, tu peux très bien, en prévision météo, te dire bon, si j'ai un problème avec un bouton, comment je vais devoir faire à l'avenir. Là, c'est pas vraiment le cas. Et apparemment, les boutons ont l'air plutôt de bonne qualité, mais au prix où c'est annoncé, vous attendez pas à avoir du sanois. Vous allez avoir du joystick à contact à lamelle. Qui dit contact à lamelle dit avec le temps, ça s'use. Et avec le temps, vous allez avoir une zone morte en fait dans le joystick. Je ne sais pas si vous voyez vraiment de quoi je veux parler. En fait, la tige, tige bouge beaucoup plus jusqu'à temps que, comment dire, ça que vienne l'action se fasse, ouais. Le contact. Voilà, effectivement. Ouais. Bon. À part seul, ça a l'air plutôt bien. Et apparemment, ceux qui l'ont démonté... La sélection des types, c'est sympa aussi, non ? Ah, complètement. Et apparemment, ceux qui l'ont démonté ont même dit un truc genre... Il y a peut-être moyen de modder, mettre un meilleur joystick dedans. Donc genre, si tu l'achètes, tu joues à un maximum d'heures, et quand tu as un souci, tu vois par la suite pour mettre un Sanwa JLF ou un petit Semitsu. Ouais. Moi, honnêtement, c'est la seule truc qui m'interpelle, c'est le prix. C'est combien déjà, ma chère Maryse ? 500 euros, je crois. 500 balles ? Ouais, 500. Voilà. Et 500 balles avec le rehausseur, avec le pied. Non, le rehausseur, il est à 100 euros de plus. Mais par contre, il me semble qu'il fait pas... Oui, il est à 100 euros, 99 euros, le rehausseur. Ouais. Bon. Attendons de voir peut-être ce qui va se passer à la sortie. Parce que bon, quand il y a un truc comme ça qui sort, généralement, ça ne met pas bien longtemps avant que ça soit piraté. Donc, pour le peu que quelqu'un arrive à hacker le truc, à mettre un petit truc sympa, genre rajouter des jeux ou même rajouter des corps d'émulateurs, étant donné que tu as 6 boutons, non, mais étant donné que c'est tout, ouais. Mais étant donné que tu as 6 boutons, et pour le peu que tu peux jouer au jeu CPS 1 et 2, et à quelques jeux MAME. Bah, t'as même 2x6 boutons, hein. C'est une borne de joueurs. Donc, ouais. 2x6 boutons. Ça peut être rigolo. Après, techniquement, ouais, si on fait le calcul, 500 balles pour 50 jeux Neo Geo, c'est pas mal. 10 balles le jeu Neo Geo, c'est pas mal. Je suis désolé. Hein. On retrouve évidemment, comme d'habitude, les KOF, les Metal Slug. Super Sidekicks, parce qu'apparemment les autres n'existent pas. Hein. Mais le 3, c'est le meilleur, putain. Et c'est vrai. Ouais, Jean-Pierre Pépin, Eric Carton, mais bordel, respectez. C'est vrai, tu as vraiment Pépin et Carton. C'est bon, ça. C'est la mesure rituelle. Je joue tout le temps un jeu, je l'adore. Il cartonna. C'est vrai qu'il cartonnait, Eric. Hein. Et tu peux même mettre le jeu en français dans le BIOS. Et tu as la voix, en fait, sur l'écran titre qui dit Super Sidekicks 3, la prochaine gloire. Et tu as même, voilà, les trucs, genre quand tu marques un but, ça dit but et tout. Non, mais voilà, le jeu est full en français. Le 2 aussi, il me semble, mais peut-être pas sur l'écran titre avec la voix digite. Enfin, voilà. Okay. Sans transition, une petite traduction totalement obscure d'un jeu, alors Valholian. Valholian, c'est un jeu qui est sorti uniquement au Japon, sur Saturn. Mais genre, il est confidentiel, même au Japon. Ah oui, c'est ça. C'est un TRPG. Et il y a quelqu'un qui s'est dit qu'il allait faire une traduction anglaise pour ce jeu que personne ne connaît. Voilà. Il y a des gens, ils ont du courage. Il suffit que, tu sais, il l'ait trouvé au pif quand il était gamin ou je sais pas quoi. Enfin, c'est le hasard, quoi. Et il s'est dit, mais je comprends rien à ce jeu. Quand je serai grand, je vais le comprendre. Et voilà, paf, une traduction. Je sais pas, mais du coup, c'est vrai, il en faut pas plus. Mais du coup, c'est pour ça que je l'ai partagé, parce que je me dis, ça fait déjà un jeu que je connaissais pas, ouais. Et en plus, il sera jouable en anglais. Et puis aussi, c'est un tactical. Les TRPG, c'est pas le genre surreprésenté. Non, sur Saturn, il y en a beaucoup. Ah ouais. Ah ouais, effectivement, les robots Tizen et tout. Sur Saturn, il y en a énormément de tactical RPG. Les Mysteria, les Shining Force, les Dragon Force, il y en a plein. Les robots Tizen aussi, non? C'est pas, c'est les Tizen. Sakura Tizen aussi. Sakura Tizen, ouais, sur Saturn, il y en a beaucoup. Ah, d'accord. Beaucoup. Ok. Ensuite, on va parler du retour de la quenelle, tiens. Donc, Darius, les deux Darius Cosmic Collection ne contenaient pas tous les titres. J'avais notamment évoqué l'absence de G-Darius en la déplorant, en disant « mais c'est pas possible, ils n'ont pas pu oublier G-Darius ». Et ben, il se trouve qu'ils ont retrouvé G-Darius, c'est que sur le coup, ils le mettent avec Darius Burst Another Chronicle. Darius Burst, c'est dur à dire ça. Et donc, sur le coup... vous vous retrouvez donc à acheter un troisième jeu au tarif fort, édition normale à 60 euros quand même. Viens me le dire ici qu'il est pas frais, mon poisson. Voilà, avec G-Darius et Darius Burst. Darius Burst qui est régulièrement en promo à moins de 20 balles sur le PSN, voire à 15 balles. Bon, bref, voilà. C'est surtout la façon de le commander qui est sale. Et donc, ils font une édition spéciale Famitsu DX Pack, dans laquelle ils incluent un bonus qui est quand même un joli truc, qui est la reproduction de la cartouche de Darius Extraversion Mega Drive. Et le problème, comme tu dis, Taddy Bostic, c'est que donc, le jeu apparemment n'est commandable que pour les résidents japonais. Ah, bien, parfait. Sans faire rien, surtout. C'est ça, Buzz, tu confirmes? Oui, non, mais en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu veux précommander le jeu chez nous, l'édition limitée, t'as 2 jours. C'est pour Amazon Prime Day, 13 et 14 octobre. C'est-à-dire... What? Ah, je savais pas ça. C'est fini, putain, c'est fini. Hier et avant-hier. Ouais. C'est fini. D'accord. Donc, les bâtards, ils ont fait ça pendant les Prime Day. Oui. Putain. 2 jours. Oh les connards. Après le jeu, tu pourras le commander plus tard quand ils le sortiront, mais si tu voulais le précommander, t'avais 2 jours pour l'édition limitée. Oh. Monsieur... D'accord. Voilà. C'est un peu pas gentil quand même. Très sale. Donc, je trouve que les moves de ces collections ouais, commencent à... Enfin, ça commence à... Moi, je trouve que c'est un foutage de gueule, mais véritablement, ouais. C'est un énorme foutage de gueule. Il y a un marché, ils le savent. Mais en vrai, toutes ces histoires de... Ces histoires, ça commence vraiment à devenir agaçant et lourd, quoi. Ah, ouais, c'est un euphémisme, ouais. Ah. Complètement, enfin, je dis ça pour dire de me contenir, pour pas dire, mais vous foutez de la gueule du monde, bande de voilà. Mais non, mais c'est n'importe quoi. C'est à croire, en fait, qu'ils font tout, en fait, pour dire, bon, bah, allez, on se débarrasse de ça au plus vite, on prend le pognon maximum, comment dire, un maximum et très très vite, alors qu'en vrai, il y a vraiment pas lieu de se presser. Non, mais. Ce que je veux dire, c'est quand tu produis un truc comme ça, tu sais le stock que tu vas avoir. Ouais, donc, mais sauf. C'est ouais. Différent là parce que c'est un produit de niche et ils ont très bien compris que quand tu fais un produit de niche, tu crées le besoin, les gens ils y vont. Mais dans ce cas-là, fais pas ça le 15 du mois. Oui, mais je suis d'accord, mais c'est d'assez d'assaloté. Hein. Si vous voulez commander la version de donc la grosse version Famitsu des X-Pack, elle est en vente, ils en ont apparemment, vous pouvez la prendre chez Ninin Game, mais c'est 200 euros hors frais de port. Voilà. Ouais. Ah, ça pique ma chère Marie. Et d'ailleurs. Soit dit en passant, je vais faire juste un petit pont rapide, puisqu'on est en train de parler de ça, du fait que marché de niche et du fait qu'on s'attaque à un marché de niche où il y a des gens fortunés qui sont prêts à mettre des sommes folles pour quelque chose. Pour signaler la sortie, alors là on est dans le récent, on n'est plus du tout dans le vieux, de ceci en France, Les Enfants du Temps. Ah oui. Le nouveau Makoto Shinkai. Oui. Après donc Your Name, tout ça, bref, peu importe. Qui est sympa. J'ai acheté la version Blu-ray et je voulais juste dire que j'ai voulu acheter la version Blu-ray 4K et qu'il se trouve que la version Blu-ray 4K n'est pas en vente dans le commerce. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, ça veut dire qu'elle n'est pas en vente. Ça veut dire que si vous la vouliez, il fallait obligatoirement acheter une édition limitée sur le site de l'éditeur à 75 euros, qui est la seule et unique édition à 350 exemplaires précisément à contenir le Blu-ray 4K. C'est-à-dire que même en ayant accepté de changer une télé, de changer un Amplium Cinéma, en ayant un lecteur 4K, en ayant accepté de payer les Blu-ray 4K à 30 euros pièce pour pouvoir les regarder, même là, on vient encore nous dire derrière « Ah mais non, ça ne suffit pas, là vous allez le payer 75 euros votre film pour pouvoir le regarder. » Et après, ça viendra chouiner derrière qu'ils n'en vendent pas assez. Je ne sais pas, je ne comprends pas trop le move. Non, mais c'est surtout que... Enfin, je ne sais pas. Je dois pas avoir suivi les cours d'économie ou j'en sais rien, parce que quand les gens ils veulent un truc et qu'ils veulent l'acheter, pourquoi pas les laisser l'acheter? c'est pas très libéral, c'est pas très le capitalisme libéral, ça, je trouve, j'ai l'impression, mais... Bah, il crée l'envie. Bah ouais, oui, mais ça sert à rien de créer l'envie si tu la satisfais jamais. On est d'accord. Ah, ils vont la satisfaire. Un jour. Bah, oui, parce que là, là, j'ai acheté le Blu-ray. Et même s'ils nous disent, alors finalement, on voit que vous avez envie d'acheter en 4K, les gars, c'est trop tard. Hein. Je ne le rachète pas. Ah c'est... oui. Bah oui. c'est fini. Hein. C'est... Hop, terminé. voilà. Et donc, voilà, c'était juste une petite parenthèse sur. Ce qui est en train de se passer avec des choses très modernes. Dernière petite news, BuzzDix, petite vidéo YouTube qui nous montre un Homebrew Mega Drive qui est fabuleux. Par contre, on n'a aucune information dessus. ZPF, voilà. On a juste un petit extrait. Et... C'est Jamie Vance qui le fait. Rogears et MX256. Ils ont sorti ça. C'est fabuleux pour la Mega Drive. Mais date. On ne sait pas le jeu, combien de niveaux, quoi que ce soit. On a juste 50 secondes. Mais c'est 50 secondes de bonheur. Hein, pas. Alors, j'avoue, ça a l'air stylé. Ça a l'air pas mal. Après, ouais, un jour peut-être. Les commentaires, ils ont été désactivés sur la, sur la vidéo. J'ai réussi, j'ai pas d'informations, je ne sais pas. Ah, oui. Juste, parenthèse, Orif, tu dis changer l'home cinéma pour le lecteur 4K, c'est pas trop utile. Bah si, parce que moi, mon home cinéma, sur le coup, il gérait que le HDMI 1 et pas le HDMI 2. Donc le problème, c'est que à partir du moment où tu mets ton lecteur en passe-through, si ton ampli il veut pas faire le passe-through sur la 4K, il veut pas. Hein, donc c'est ça le souci. Oui, les Home Cinema ne gèrent plus que l'audio maintenant. Ils permettent des choses avec la vidéo aussi. Hein. Le passe-through, etc. Et puis problème, ton truc qui était vieux, il faisait pas Atmos, je suis sûr, là, c'était terrible. Et justement, le truc, c'est qu'évidemment, tu peux pas tu peux ni en optique, ni en coax balancer aujourd'hui. Voilà, ça, on est limité au DTS et donc au débit du DTS, grand maximum. Enfin, après, je suis d'accord, c'est l'enculage de mouche pour 4 pixels de plus, parce qu'en vrai, même en Blu-ray, j'ai beaucoup apprécié de regarder des dessins animés. Hein. Mais c'est juste le principe que on se dit, tiens, on a envie de passer, comme moi, on en a parlé plein de fois, l'édition des Blu-ray 4K chez Disney. On comprend pas le move. Ça sort aux États-Unis. Nous, on n'y a pas droit. On comprend pas. Parce que nous, on pue. Alors que je demande que ça, hein. L'intégrale Marvel Avengers là, de 21 Blu-ray à 400 euros, je sais pas quoi. Enfin, moi, je demandais que ça, hein. Je la voulais. Hein. Il dit sortait, j'achetais 500 balles, je crois. Hein. C'est pas grave. Ben non. Bah, du coup, voilà, je vais acheter une PS5, c'est pas grave. Et tu joueras Marvel Avengers. Bref. Bon. Moi, je crois que c'est à peu près tout. Hop, je avant crois, de faire le sujet principal, je suis allé chercher ça aujourd'hui, c'est sorti. Ah ! Voilà, Prini 1 et 2 sur Nintendo Switch. Oh là là, je l'ai que demain, moi. D'accord. Ça, c'est l'édition collector, mais c'est une édition normale, et ils sont en achat à l'unité sur le store. C'est juste pour dire que Prini... Tu l'as pris où, celui-là ? Parce qu'il est quasiment en rupture dans pas mal de magasins, maintenant. Je l'ai eu chez Auchan. Pendant Auchan, il l'a mis à 50 balles, j'avais voulu partager le bon plan, il n'avait déjà plus. J'ai dit bon, bah, c'est pas la peine. Voilà, dommage. Et donc, sur le coup, j'ai eu chaud au champ, mais le truc, c'est que voilà, Prini 1 était sorti en Europe sur PSP. Il fait partie de ceux aujourd'hui qui sont très onéreux. Je l'ai vu, moi, il y a 4 ou 5 ans en magasin à 40 balles sans notice, déjà. Bon, j'imagine aujourd'hui. D'accord, et Prini 2 n'est jamais sorti en Europe. Sans moi, c'est clair. Donc, je rappelle, c'est les jeux de plateforme avec le petit pingouin. Pof, petit pingouin de Disgaea. C'est l'univers de Disgaea. Ah, c'est des jeux qui sont, attention, réputés extrêmement difficiles. Ah, c'est pas réputé, hein. Pour avoir joué aux deux, c'est pas réputé difficile. D'accord. C'est difficile. Tu vas roter du sang pendant tout le jeu. Alors tu vois, j'y ai jamais joué, moi. Les versions PSP, même émulation ou tout ce que tu veux, j'y ai jamais joué. J'y ai joué, j'en ai chié. Hein. Ouais. C'est très dur. Hein. Je comprends toujours pas pourquoi ils les sortent maintenant, honnêtement. La particularité de... Bah, parce que les Disgaea ressortent sur Switch et tout, donc tu vois, ils... Ah d'accord, oui, ils essaient, oui. Voilà, surfer, c'est commercial en fait. Et, la particularité de ce petit bonhomme, dans le jeu de plateforme, je sais pas. Vas-y moi. Je disais ça. La particularité quand même des premiers des IA, c'est qu'il y a un humour très japonais quand même, mais qui est assez accessible. C'est vraiment très drôle, hein. Le personnage a beaucoup de mimiques et tout. Accessible. C'est vraiment rigolo. Il faut quand même avoir un peu du lore de Disgaea. Si jamais tu prends les jeux tels quels, tu connais rien du tout. Oui, un petit peu, ouais. Tu vas te sentir un tout petit peu largué parce qu'il y a des références. Ouais, mais je veux dire, dans les mimiques et tout ça, tu sais, maintenant on est rodé, tu sais, avec l'humour un peu à la japonaise. Oui, depuis ça, ouais. Tu sais, et du coup, c'est vraiment super rigolo, quoi. Ils vont pas rigoler beaucoup, les gens. En fait. Dans les Disgaea, dans le jeu de plateforme, je sais pas, je pense qu'ils ont gardé ça aussi, mais la particularité de ce personnage, c'est qu'il explose dès qu'il touche un truc. Enfin, du coup, bah, dans un jeu de plateforme, voilà, vous imaginez bien que. Mais exactement. Mais t'as raison, moi. Mais aussi, l'autre truc à dire, c'est qu'en fait, le Prini, il n'y en a pas qu'un. Il y en a des milliards, des milliards. Ouais. Du coup, il pourrait en mourir un million, c'est pas grave. Il y en aura toujours derrière. Ce qu'il faut savoir dans ce jeu, c'est que vous n'avez pas qu'une vie, vous en avez 100. Hein. C'est pour c'est ça. Difficile de base. Hein. Ouais. Vrai. Voilà. Ouais, voilà. Parce que les Prini, ils sont complètement dépersonnalisés, quoi. Ils peuvent mourir, ils s'en fichent, quoi. C'est de la. Tu vois, c'est. Dude. Enfin, bref, c'est rigolo, quoi. Dude. Donc tout ça pour dire que donc voilà, c'est sorti. Je vais tester ça, mais peut-être pas tout de suite parce que je viens de reterminer Mario 64 et Sunshine à 100%. Je suis sur Galaxy et en même temps, je suis en train de roter du sang sur Crash Bandicoot 4 à PS4. Ah. Il est fabuleux, lui. Hein. Les jeux de plateforme dur, là je commence à l'avoir un peu ma tasse. Voilà. Mais ça va venir, voilà. Tu vas faire le 100% juste pour savoir. Alors pour l'instant, avec les cassettes et tout. Alors honnêtement, les cassettes et les niveaux des cassettes, c'est facile. Les NVC, qu'est-ce qu'ils ont fait, mais au secours. Pardon. Je... 100%, tu penses, c'est... du coup, c'est SAG. Oh non, mais non, non, le jeu. Non, il est le... Je crois que le 100%, c'est l'un des 100% les pires que j'ai vu dans un ah jeu. Ah ouais, non, mais c'est très sale aussi. Hein. C'est vu. Très violent. Le platine est toujours à 0,1%. Ah, vous me donnez envie de l'acheter, bordel. Ah, bah, attention, il est excellent. Il est excellent. Ah, il est bien, il est très très bien. Non, mais en vrai, j'achète pas parce que j'ai pas le temps d'y jouer. Du coup, je me suis dit, je vais. Bah, c'est pareil. À la limite, si je me dis, je vais attendre qu'il sorte sur PC ou j'en sais rien. Parce que. Enfin, j'ai toujours pas fait la Spyro Trilogie, par exemple. Et je l'ai eu dès la sortie. Hein. Tu peux le faire. Hein. Le NI%, le jeu, il est un peu plus dur que les autres, mais tu peux le faire. Si tu t'attaques à d'autres choses, par contre. Non, moi, je fais le. Moi, j'ai fait toutes les reliques de platine là, sur le trilogie, là. C'est bon, moi. Bah, vas-y, achète-le et fais. Vas-y, prends-le. Je fais tout, moi, je me dis, là. À la limite, prends-le et préviens-nous quand tu le fais, quoi. Stream. Ah oui. Et donc voilà, dernier petit shoot-out rapidement à notre ami Fantomoto, en tout cas. Nodoka 75 qu'on peut voir à gauche et à droite sur les streams, des fois petit avion qui dit tout ça, qui m'a réparé donc qui m'a fait des micro-soudures pour réparer les nappes de mon Virtual Boy qui ne fonctionnait plus. Mon Virtual Boy revit, ça fonctionne, je suis très content et voilà. Excellent. Faut dire qu'il a fait super Nodoka. Voilà, il a fait un super taf et tout fonctionne et je suis très content. Eh ben, GG, merci à lui. Et donc, on va enchaîner sur notre sujet principal. Avant que, parce que Pulpi va finir par mourir, à me faire des grands signes en disant allez, allez, on bouge, on passe au sujet principal. Voilà. Ah bah voilà. Mais alors, vas-y. Et donc, sur le coup, l'année à 96. 1996. Alors, on situait rapidement. Donc, moi, la 96, c'est l'année de mes 16 ans. Qu'est-ce que t'es vieux aussi, toi ? Dans ces eaux-là, sauf moi. Moi, c'est l'année de mes 18 ans. Moi. Oh là là. Moi, en juillet 96, je partais à l'armée, mais là, c'est pas une blague. Hein. Je partais vraiment à l'armée. Non. Alors là, monsieur Chou, je partais à l'armée en juillet 96. Non, tu partais pas, tu y retournais. Ouais, non, Pelle, non. Attends, je reprends la calculatrice pour calculer ton âge, là, c'est terrible. Bah oui, mais c'est ça, c'est la vérité. Voilà. Mois de classe à Saint-Malo, voilà. En juillet 96. Putain, j'aurais été à Saint-Tropez, ça aurait été mieux. Hein. Ah bah, juillet à Saint-Malo, c'est cool. Franchement, oui. Le feu d'artifice du 14 juillet à Saint-Malo, enfin, en vrai, ça fait longtemps que je suis pas allé, mais quand j'y allais, c'était ouf. Hein. Sur les murailles et tout, super. Bref, ouais, bon. Voilà. En 96, moi, d'ailleurs, j'y étais, je suis sûr, au feu d'artifice de Saint-Malo, pas de problème. Voilà, à part moi qui est donc le plus jeune d'entre nous, on va dire, le truc, c'est que on va parler de l'année 96 et on va juste avoir l'impression de ne pas savoir où commencer et où s'arrêter, ouais. Tellement. On a, c'est parce que, mais c'est aussi parce qu'on est dans ces années-là où on découvre des choses énormément et où on forge nos goûts. Et il se trouve que bah, ces années 90 vont nous donner beaucoup, beaucoup de grains à moudre, et en particulier cette année 96. Alors déjà, tu as une question rapide. Sur quoi vous jouiez en découvre son corps. Pardon. Mais enfin, ça va pas. Ouais. C'est Icoman. Bah ouais, mais c'est vrai. Sur quoi, hein, jouiez-vous en l'année 1996? Alors, quel joystick jouiez-vous en 96? Oula. Sur quelle machine? Où jouez-vous avec le vôtre? Non, ça, voilà. C'est la Game Boy. Non, allez. Donc, pour faire un rapide tour, allez, de la table, qui jouait sur quelle console en 1996? Moi j'étais pas né. PS1 et Super NES. Voilà. Essentiellement. Pas de la SNES quand même. Bah oui. Pas déconner. Moi la PS1, je l'ai eu après. Hein. Moi c'était. SNES, Game Boy, PS1, Saturn. Ah, Game Boy aussi, ouais. J'avais la chance d'avoir des gens qui avaient les PS1 et la Saturn. Donc. Et en arcade aussi, je peux préciser. Voilà. Moi, c'était Super NES, Game Boy et sans doute mes cousins qui devaient avoir une Mega Drive, peut-être même PlayStation, je pense. Ok. Et moi, en 96, j'avais déjà revendu en fin d'année dernière ma Mega Drive pour acheter une Saturn. Donc, j'avais une Saturn et j'avais Super NES qui était toujours là, mais qui n'a pas survécu longtemps puisqu'en cours d'année, elle s'est fait revendre avec tous ses jeux contre une PlayStation 1 et un jeu qui déclenchera ce déclic dont on parlera un petit peu plus tard. Ok. Donc c'est, voilà. Donc on était donc au tout début de l'avènement des consoles 32 bits. On était vraiment balbutiement, c'est un bien grand mot. Disons au début de l'expansion de la 3D. Mais la question, c'est à quoi est-ce qu'on jouait ? Quels sont les jeux qui nous ont marqués ? Oh. Et le PC, moi, ces années-là, pouf, j'étais loin du PC, oh là là. Moi, 96. Oui, je jouais à l'Amiga aussi en 96. Je viens de m'y faire penser. Et à Sensible Soccer, avec Tony Cascarino. Tony Cascarino. Toujours Tony Cascarino. J'étais comme toi, Bison. Moi, le PC. Non, tu disais que le PC, c'était pas pour toi à cette époque-là. Ah non, du tout, non. Non, mais moi non plus. J'étais console, exclusivement console. Je sortais la Mega Drive, la Super NES, j'étais encore dessus. Et donc, j'avais la PS1. Mais je l'avais déjà dit dans un autre podcast. Moi, en 96, justement, j'ai pris la PS1. Mais j'étais parti pour acheter une Saturn, en fait. Mais tu sais, comme j'avais dit dans le magasin, il n'y en avait pas. Donc, je suis reparti avec la PS1 et Tobal. Tobal numéro 1. Et Tobal, voilà. Pas trou de balle. Hein. Pas voilà. C'est pas pareil. Alors, Tobal numéro 1, c'est donc mon premier jeu PS1. Et du coup, bah moi, j'ai vraiment adoré. Hein. Je me rappelle surtout du test dans Player One où ils avaient fait un gros dossier pour chaque personnage, double page pour chaque perso, où ils montraient toute la liste des mouvements que vous pouvez faire. Et c'était vraiment impressionnant. Hein. C'était d'un niveau strict de Virtua Fighter à l'époque. Hein. C'était fou. Et ce que j'aimais bien, c'était l'idée de justement de chaque bouton. Tu sais, c'était, il faut vraiment s'imaginer le côté emblématique des manettes PlayStation, c'est avec le triangle en haut, le carré au milieu et puis la croix en bas. Et bien en fait, chaque bouton donnait un niveau de coup, de hauteur du personnage. Donc avec le triangle, tu tapes la tête, le carré, tu tapais le ventre, et la croix, tu tapais avec les pieds. C'était logique, tu vois. Et du coup, s'il y avait des combos à faire, tu sais, toujours avec quart de cercle, mais ça se jouait sur les hauteurs, en fait, des coups. Et moi, j'ai adoré cela. Avec un design de Akira Toriyama, en plus, j'ai vraiment... Moi, ah bah oui, forcément. Ouais. Donc oui, ça a très mal vieilli, par contre. Wow. Quand tu rejoues, ça pique. Au niveau, voilà, le jeu était notable parce que donc on avait un design d'Akira Toriyama, on retrouvait le best-of, j'allais dire, à la musique avec du Mitsuda, Shimomura qui était là aussi. Mm-hmm. Ouais. Des très bonnes compos musicales. Un jeu qui tentait des trucs. Oui, Squaresoft, je veux dire. Voilà. C'était l'époque donc de Squaresoft, du Squaresoft de la PlayStation, c'est-à-dire le Squaresoft qui tentait des trucs. C'est-à-dire tout et n'importe quoi. Hein. On parle du Squaresoft qui nous aura sorti un shoot'em up, du Squaresoft qui nous aura sorti Under, qui est très bien, qui nous aura sorti un Parasitive aussi, et donc qui est fabuleux. Ce Squaresoft a tenté une autre approche du jeu de combat de 3D avec Tobal numéro 1, et ce qui a une particularité, le jeu a un mode quête. Et ça aussi, c'était vachement cool. Le jeu était réputé pour son mode quête qui était vraiment sympa. Bah oui, parce que tu pouvais débloquer des personnages, et notamment Toriyama lui-même, tu sais, comme il se caricature tout le temps, une espèce de petit robot avec des pinces, tu sais, c'est comme ça qu'il se dessine dans les mangas. Et bah là, tu pouvais le débloquer, le personnage. Mais c'était vraiment bien foutu, hein, le jeu, franchement, génial. Hein. Ouais. Et il sera suivi donc par Tobal numéro 2, qui lui, par contre, ne sortira jamais malheureusement en Europe. Qui va péter les plombs avec son niveau quête, puisque donc il y a plus de 200 personnages disponibles au final dans le jeu. Et Tobal numéro 2 fait partie de ces, enfin rares, j'ai envie de dire, voilà, ces jeux PlayStation qui tournent à 60 FPS et qui sont encore aujourd'hui très impressionnants à voir. Vraiment. Oui, clairement, les personnages sont beaucoup plus détaillés, plus fins aussi, plus allongés. Mais ouais, le Tobal numéro 2, c'est vraiment un cran au-dessus, hein, c'est clair. Ok. Donc Tobal. Alors Tobal, t'as triché un tout petit peu parce qu'il est sorti début 97 chez nous, mais bon, allez, ça va. Non, mais moi j'avais acheté. Ah ben alors c'était peut-être en 97 que je l'ai eu. Non, mais tu l'avais acheté en version Jap? Non, je l'ai acheté en FR, moi, en PAL. Je l'ai toujours. Alors je dis des bêtises. Donc t'as triché. Ah bah oui, là je dis des bêtises alors. Bon bah on exclut Pelle du. Adieu. Mais du podcast. Non, mais il revient demain alors. Adieu. Bon, sur quoi on enchaîne ? Qui a envie de parler d'un jeu qu'il a connu dans cette année 1996 ? Je crois que Moa, il a plein de trucs à dire. J'ai plein de trucs à dire, moi. Bah, figurez-vous, ah, vas-y. Quand je... Non, mais alors, vous allez vous marrer. En jeu sorti en 1996, j'en ai joué à aucun dans l'année 96. Mais je peux vous parler de jeux qui sont sortis en 96 auxquels j'ai joué un peu après, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. Je vais faire... Alors, ça va être classique de chez classique, par contre, hein, je vous préviens. En 96, si je dis pas de conneries, c'est là qu'est sorti Crash Bandicoot. Oui. Sur PlayStation. Oui, oui. Que j'ai découvert chez mes cousins qui habitaient en Bretagne. Et où je trouvais le jeu d'une difficulté incroyable. Bah, c'était pas toi, parce qu'il était effectivement d'une difficulté incroyable. Hein. On va essayer de pas avoir de reflet. Bon, je suis nul en... Ouais, c'est pas là. Ouais. Donc la version normale... La version normale qui était vendue avec un CD de démo et la version platinum. Qui était vendue avec du platine. Et donc le jeu, donc c'était quoi ? Bah c'était Naughty Dog, hein, à l'époque, et qui tentait le jeu de plateforme en 3D finalement. Je sais pas s'il y en a eu d'autres jeux de plateforme en 3D sur PlayStation avant Crash. Il y a eu Jumping. Ah non, mais cette année, 96, il y a un autre jeu de plateforme 3D dont je vais parler après. Lui, il est fabuleux. Ah d'accord, bon ben voilà. Mais en tout cas, c'est le premier qui a vraiment marqué, quoi. Il y a un autre jeu qui est sorti en même temps que Crash à l'époque. Sur... Je sais pas si c'est celui-là dont t'allais parler. Il y avait également Pandemonium. Ah non, c'est pas celui-là. Pandemonium. Ah putain, c'était 96 aussi. C'était en même temps que Crash. Voilà. C'était en 96, ouais. Pandemonium, malheureusement, qui n'est pas vraiment resté parce que c'était sympa, mais c'était un concept 2D, entre guillemets, transposé en 3D. Crash tentait des choses, même bien. Alors, plus. Il tentait pas mal de trucs, mais finalement, dans son essence, là où Mario 64, ils avaient décidé qu'on allait explorer le monde et tout, dans son essence, Crash, c'est vraiment un début, une fin, et c'est plus ou moins linéaire, quand même. Mais c'était bien fait. Ce qui m'avait, moi, ce que je trouvais cool, c'était les animations du personnage, en fait. Vraiment. Il était hyper expressif. Il avait des animations de mort assez rigolotes. Et ils ont bien fait de faire des animations de mort rigolotes, vu le nombre de fois que tu les vois. Et... C'est vrai. Et non, mais sans déconner. Et j'ai toujours les petites musiques... petite musique du jeu qui traîne dans un coin de la tête, quoi, avec cette espèce de, c'est pas du xylophone, mais un petit truc assez dansant, quoi. Enfin, clairement, Crash fait partie des jeux que j'ai acheté donc fin 96 lorsqu'ils sont sortis, et à l'époque j'avais trouvé ça vachement bien, même si le premier Crash Bandicoot, il est brut de décoffrage, c'est-à-dire que il est pas gentil au niveau de la difficulté, à aucun moment. Le 100% est encore plus immonde, surtout sur la PS1, puisque donc sur PS1, la fameuse quête de toutes les caisses dans le niveau, vous ne devez pas mourir dans le niveau pour pouvoir les faire. Ouais. Ils ont repris ça dans le 4. Oui, voilà, oui. Et donc, sur le coup, c'est le premier Crash, c'est quand même. Voilà, le second sera plus raffiné, mais plus on ira vers un concept raffiné, vers plus de variété, tout ça, et plus on rendra les jeux un petit peu accessibles, surtout avec le 3. Mais effectivement, le premier Crash Bandicoot, moi j'ai passé. Enfin, moi je sais que j'avais beaucoup, beaucoup aimé à l'époque, le principe du jeu, malgré ces niveaux-là de pont suspendu absolument ignobles ou. Très dur, hein. même dans les remakes, très très dur. Hein. Surtout, oh putain, pour avoir le platine sur ces niveaux-là dans les remakes en time attack, j'en ai chié. Mais à l'époque, je l'avais pas. À l'époque, j'y jouais. Enfin, j'ai jamais fini le jeu. J'ai dû jouer 3 heures, tu vois. Mais c'était 3 heures où je me suis dit, ah, ça a l'air sympa quand même. Et par contre, j'ai vraiment découvert la série avec le 3, mais c'était beaucoup plus tard. Donc, ça ne nous regarde pas. Pour l'instant. Pour l'instant. Moi, j'aime pas Crash Bandicoot, t'as pas. Donc, on va supprimer Buzzik du podcast aussi. Ouais. Ah, c'est plus grand monde. Qu'est-ce que tu aimes, Buzzik ? Alors, qu'est-ce que tu as aimé en cette année 96 ? 96 ? Bah, le jeu du traumatisme, Resident Evil. Ah, Tu y as vraiment joué en 96? Alors oui. J'allais en parler tout petit peu plus tard, mais parlons de Resident Evil. Alors, Resident Evil, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, le jeu qui m'a fait virer ma Super NES pour une PlayStation. Ni plus ni moins. Donc j'y ai joué vraiment quand il est sorti, parce que c'est exactement ce que j'ai fait à l'époque. J'ai viré ma... C'est un sacrilège quand j'y pense aujourd'hui. Hein, ça va, peine? Tu supportes Par contre, j'ai pas joué à Resident Evil moi, à l'époque. On enlève aussi Beyond du podcast. Donc, hop. Bon, podcast à deux. Vas-y, tu peux parler. Je montre les différentes versions pour l'instant. C'est le jeu qui m'a traumatisé parce que je savais pas à quoi m'attendre en y jouant. Platinum. C'était mon oncle à l'époque qui m'a dit ouais, j'ai récupéré le jeu, viens jouer. D'accord. Et j'en suis mort. J'en suis vraiment mort parce que on n'avait pas l'habitude de ça sur console à l'époque. Ah, tu m'étonnes, ouais. Voilà quoi. Complètement. Je me souviens avoir été chez un pote, c'est l'année suivante en fait, quand j'ai eu ma PlayStation. Et il jouait en fait en version US. Je crois que le jeu n'était pas encore sorti, il allait sortir quelques temps après. Mais putain, c'était abusé quoi. Me souviens avoir vu le truc, je me suis dit. T'es mytho avec ta version DS, la Beyond. Version DS, c'est Resident Evil 1. Sans déconner. Oui. Je croyais que c'était aménagé pour la DS. Oui, avec tu jouais avec le stylet et tout, et c'était pas très bien. Je croyais que c'était pas. Donc pardon, je vous ai interrompu. Non mais c'est RE1 avec un mode adapté, mais tu peux y jouer en mode normal, mais c'est RE1 sur DS. Hein. Et donc et les remakes PS3, PS4, tu les as? Non, tu les as pas. Hein, voilà. C'est le même jeu. C'est pour montrer les différentes. Voilà. C'est le même jeu. Il sort une version PlayStation, ça tue le machin et. Comme tu dis, Bozdik, voilà, on a un petit peu le même background au niveau cinématographique dans le cinéma de genre. Mmh. Et tu sais, comme moi, à l'époque, on adorait les films d'horreur, les films de genre, les films horrifiques et tout ce genre de choses. Quand j'ai vu arriver Resident Evil, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Genre, c'est les films que j'aime regarder sur Canal+, mais en jeu vidéo. Il me faut absolument ça. Bah, c'est surtout qu'on... C'est vrai que maintenant ça fait moins peur, mais les chiens à l'époque, la manette, elle a volé. Tu soulèves un point important dans le sens général. Mais tu soulèves un point important là, Beyond, en fait, c'est que ça, c'était quand même la marque de fabrique de PlayStation et de Sony à l'époque. Hein. C'était d'engager justement un public, de séduire un public plus vieux, qui pouvait regarder justement ce genre de programme. Et après, on s'étonne que Pell, il a pris la PS1 Day One, en fait, public plus vieux. Oui, non, mais c'est vrai. C'était quand même le truc. Hein. Et après, qu'on m'a dit, Capcom n'en est pas à son coup d'essai. Il a sorti un jeu au Japon des années avant qui s'appelait Sweet Home sur la NES. De Mikami. Voilà, qui prenait déjà le parti du jeu d'horreur. On a eu également le premier Clock Tower, c'est ça, qui est sorti au Japon sur la Super Famicom. Le tueur au ciseau. Aller dans ce sens-là. Et en vrai, c'est juste que là, on avait la technologie pour arriver à représenter des choses plus réalistes. Les personnages, ça valait ce que ça valait, mais les décors en précalculé et les angles de vue... les angles de vue fixes des caméras qui jouaient énormément dans la mise en scène de Resident Evil. Je rappelle qu'il faudra attendre quand même Code Veronica pour avoir Resident Evil en full 3D, c'est-à-dire les premiers sont vraiment avec des angles de vue fixes et des décors précalculés comme Final Fantasy VII par exemple à l'époque. Et, ou Final Fantasy VIII pour BSK, salut. le truc c'est que c'était réussi. Après, le scénario faisait série B, l'intro filmée prêtait plus à sourire qu'à frissonner. Hein, ça c'était génial ça. Il y avait marqué super cool, cette intro, il y avait marqué en dessous, enfin sur tout l'écran, années 90. C'était génial. Mais le gros avantage, c'est le jeu avait une cohérence tout du long dans les différents endroits qu'on parcourt les uns après les autres. Sauf pour les énigmes. Oui, après les énigmes. Voilà quoi. Mais c'est sur Capcom. C'est résolu. Ce que je veux dire par là, c'est quoi ? On avait la maison principale, la dépendance, le labo, tout ça. Enfin, tout s'enchaînait de manière. Enfin, c'est à l'époque, on allait de surprise en surprise. Mais c'est surtout ça pour l'époque. Et surtout, le tyran a énormément marquer les gens en tant que dernier boss. Et puis il y a autre chose, c'est un jeu de survie. Donc tu t'amuses pas à tirer dans les murs avec ton Beretta. C'est ça. Je me souviens quand j'ai découvert le jeu, en fait, il m'a dit par contre j'arrive pas à comprendre comment on récupère des munitions. Mais le jeu, en fait, il n'était pas vraiment encore sorti officiellement. Donc, tu n'avais pas encore dans les magazines 2-3 trucs qui t'expliquaient, machin. Quand il me l'a prêté, en fait, sur le coup, je me suis dit, genre, tu dois tuer un zombie, t'as pas intérêt à te louper, et après, tu fais ta sauvegarde. Mais non, parce qu'en fait, ça marche pas vraiment comme ça. Le jeu qui a défini un genre... On n'avait pas aussi compris le système des mâles aussi à l'époque. J'avais 13 ans, donc bon. Voilà. C'est un maître étalon pour pas mal de choses après. Je n'ai jamais oublié de jouer au remake sur GameCube. Oui, j'ai jamais fait. Je l'ai montré tout à l'heure. Qui est une merveille. Bon, alors sur GameCube et sur à peu près tous les autres supports possibles et imaginables, même sur votre frigo. Hein. Voilà. Oui, c'est vrai. Partout. Il est sobre. Hein. Donc, il ne s'appelle pas Gaiden. Coucou Julien C. Si jamais vous trouvez dessus sur PS1, mais il est plus rare, la version Director's Cut apporte des subtiles modifications. Des nouveaux plans de caméra. Voilà. Et une intro enfin en couleur, ouais. C'est vrai. Et ça vaut le coup. Franchement, c'est pas des jeux qui valent extrêmement cher aujourd'hui du tout. Les Resident Evil, c'est vraiment. Non, et puis vous les trouvez sur le store de PS4, toujours à des prix moindres. Ils sont souvent en promo. Et là, c'est Halloween, donc je pense que les jeux vous allez pouvoir les trouver à prix pas cher. Ah oui, c'est vrai. T'as raison. Ok, bon voilà. Non, mais merci d'avoir évoqué ce. Je me doutais qu'on allait en parler dans les entrevues. Ah, j'étais obligé. Hein, ça fait partie de mes traumatismes de joueur. Juste, pour dire que ce qui est fou, moi aussi, je me souviens, c'est qu'avec une PlayStation 1 en composite sur une télé cathodique de 36 cm, moi aussi, le chien, quand il a passé au travers de la vitre, j'ai fait un bond, quoi. C'était horrible. Et si je vous parlais d'un jeu d'horreur ? Parce que BSK, il nous fait une pelle dans le chat, il jouait à Ocarina of Time en 96. mais il était déjà trop vieux. Franchement, j'ai fait les recherches et moi, je comprends pas. Mais je vais pas revenir là-dessus. Mais moi, Chou, je veux bien que tu me parles d'un jeu d'horreur, je crois que je vais crever, je sais pas pourquoi. Ah, tout à l'heure, on parlait jeu 3D. Jeu plateforme. Oui. Petit quiz. Une mascotte de jeu vidéo rousse. Titus de Fox. Bubsy. Non, Bubsy, merci moi. Putain, j'y rejoue un peu longtemps, Bubsy 3D. Ah oui. Alors, bon. Il est sorti en 96. Je ne l'ai pas pris avec moi, bizarrement. Non, il est sorti en 96. Ah ouais, je t'assure. J'ai vérifié deux fois. T'es un vilain, monsieur Chou. Bah, surtout, on y a joué un peu longtemps. Oui, je sais, t'es un vilain. Lundi dernier, et punaise, c'est terrible. C'est considéré comme l'un des pires jeux. Peut-être essayer de parler ou. Non. C'est ça. Bah, c'est pas ça, c'est considéré comme l'un des pires jeux de tous les temps. C'est un jeu Bubsy. C'est comme ça que tu peux le définir. Les premiers étaient pas fabuleux non plus. Hein. Ouais, non, c'est clair. Bubsy, c'était pas fabuleux dans les jeux 2D, mais c'était jouable. Bubsy 3D, c'est même pas un accident industriel, c'est pire que ça. Earthworm Jim 3D. Mais Earthworm Jim 3D, c'est un excellent jeu à côté. Mais promis. J'ai pas encore fait. Mais alors, en fait, Boss dit que tu ne peux comprendre à quel point le jeu il est tout claquos que quand tu as la manette dans les mains. Ah ouais, quand tu vois la vidéo du JDG et tout, tu rigoles. Mais quand il joue, tu te dis ah merde, les hitbox, elles sont pétées, mais jamais en ta faveur. T'as les trucs dans le jeu, des fois ça marche, des fois le jeu, non. Les contrôles pour revenir dessus. Pouf. C'était avant la DualShock, hein, avant le double stick analogique. Donc, la caméra, comment elle bouge, elle ne bouge pas. Plutôt des fois, elle bouge, mais tu ne sais pas pourquoi. Tu peux faire des pas de côté pour tenter d'essayer de te réorienter. c'est nul, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de direction artistique. Il n'y a pas de musique, mais les bruitages réussissent à te remplir la tête. C'est horrible. Oh oui, non, mais c'est horrible. C'est horrible. Non, Bozik, arrête. Non, c'est horrible. Bozik, tu as déjà quitté le podcast, tu requittes le podcast. Ah non, mais c'est... C'est impressionnant de voir, en fait, que ce genre de jeu, bah, ils n'ont plus le sortir, en fait. C'est... Et comment dire, ça te fait apprécier les autres mauvais jeux d'un tout autre œil, en fait, quand tu joues à des merdes comme ça. Bah, tu sais, en même temps, Bubsy, hein, ils ont sorti un runner de Bubsy. Oui, j'ai pas fait ça, parce que j'ai pas envie. Beyond, il l'a fait. Alors, Pause of Fire est fait par ceux qui ont fait Beat Trip Runner. Oh, et en vrai, c'est bien. Ah. Parce que c'est du Beat Trip. Plus facile que le 3. Bah, plus facile que Beat Trip Runner 3, c'est pas dur. Mais en fait, il est cool. Le runner, il est cool. Franchement, en promo pour pas cher, allez-y. Voilà. Fin de la parenthèse. Mais ouais, puis aussi, t'as un autre truc qu'il faut mentionner quand même dans le jeu. C'est ce putain de lynx roux qui arrête pas de parler. Il parle. Genre, tu t'arrêtes 2 secondes. Genre, tu te dis, bon là, il y a peut-être un saut à faire si je passe là. Et puis, il te balance 3 répliques. Et t'arrives pas à te concentrer. Il t'emmerde. Et c'est chiant. Et c'est nul. C'est voilà. C'était la marque de fabrique d'en suis sur Mega Drive aussi. Hein. Ah putain. Oui. Ce qui sur Mega Drive était une petite prouesse et un argument marketing, je crois, qu'il parlait. Il avait plein de phrases de dialogue et tout. Mais bon, bah, des fois, c'est bien hein, le silence aussi. Bah, en même temps, tu joues à un jeu qui te dit que t'es plein de merde, t'as pas tellement envie de jouer. Hein. Ouais. C'est et vrai. Il me semble d'ailleurs que tu peux couper les voix d'Idjit, mais je suis pas certain. Mais quand j'y ai joué il y a 15 jours, je me suis dit non, quitte à en chier, je veux l'expérience Bubsy 3D. L'expérience super. Pour le chat et les gens qui te regardent. Ah ouais. Mon dieu, ouais. Ah, c'était terrible. On s'est bien amusé, hein. C'est-à-dire qu'au bout de 10 minutes, déjà dans le chat, vas-y, change de jeu, s'il te plaît, change de jeu. Non. Non. Je ne mange pas de ce pain-là. Merci pour ce moment. Ah, c'est pas... Il fallait en parler quand même. Hein. Et sur le coup, moi. Il y a quelqu'un qui a un bon jeu. Je vais parler d'un jeu que j'ai beaucoup aimé. J'ai déjà évoqué, on va en parler plus longuement, parce qu'il est sorti en 1996. C'est le Panzer Dragoon Ausweich. Ah, oui. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer. 2 sur Saturn. Zwei, ça veut dire 2 en allemand. Voilà, j'ai joué avec Xenogears, je connais l'allemand. Merci. Donc c'est bien Panzer Dragoon Zwei ou Panzer Dragoon 2. Voilà, c'est exactement comme c'est pas la montre Yo-Kai Watch. C'est soit la Yo-Kai Watch. Bon, bref. Et donc, Panzer Dragoon Zwei 2. Qu'est-ce que c'est Panzer Dragoon? Alors on le sait, c'est un rail shooter. Et le premier Panzer Dragoon, c'est surtout un rail shooter qui fait un petit peu genre office de vitrine technologique de Saturn. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut pas faire? Les fameuses musiques orchestrales, les décors en 3D, mon disque qui a des petites traces. Et donc, sur le coup, le premier Panzer Dragoon, c'était une démonstration technique plus qu'un vrai jeu dans le sens où, en vrai, le premier Panzer Dragoon, première partie au bout d'une heure, le jeu, il est bouclé. Panzer Dragoon 2 arrive et il va plus loin dans tous les côtés. Alors évidemment, là, l'équipe de développement a eu accès au hardware final de la Saturn. La team Andromeda a pu aller jusqu'au bout dans le développement de son jeu et de faire quelque chose de techniquement hyper costaud et largement comparable avec n'importe quel jeu 3D de la même époque sur PS1. Parce que, évidemment, fait partie de ces peu d'équipes qui ont pris le temps d'apprivoiser la bête pendant la Saturn. Le jeu est plus long, les niveaux ont des embranchements, nos dragons évoluent au fur et à mesure en fonction des choix qu'on fait, et on débloque au fur et à mesure du jeu une boîte de Pandore qui permet de tweaker le jeu, de changer des petites choses, de mettre des petites variations pour changer un petit peu le gameplay et lui donner de la replay value. Et en fait, Panzer Dragoon 2, c'est juste sans doute mon rail shooter préféré. Il est meilleur même, enfin, le Horta était très cool sur Xbox, mais le 2 sur Saturn propose une expérience qui est vachement plus sympa. Et je ne sais pas trop comment dire mieux que ça. Le seul souci de ce jeu, c'est qu'évidemment, il n'est dispo sur aucun autre support que sur Saturn, ce qui va souvent être le cas quand je vais parler de jeux Saturn que j'aime. Ouais, j'en ai un autre en tête. Je ne sais pas si tu en parles. À moins de... Alors, je n'ai pas prévu d'en parler, mais si tu veux le faire, il n'y a pas de... J'ai pas joué, voilà, moi, à moins d'y jouer en émulation, bah forcément c'est compliqué, surtout qu'il n'est pas spécialement donné. C'est... Alors, bonne question, je vais regarder vite fait combien est-ce qu'il peut... Mais c'est, on est loin du saga quand même, malgré tout, hein, on se détend. C'est pas, Mais tout est loin du saga. Les Panzer Dragoon, de manière générale, ont eu tendance à monter pas mal ces derniers temps, sans trop, qu'on explique un petit peu pourquoi. Et voilà, on remarque, hop, on est sur du 60, 70 euros, 80, ouais, quand même. Ouais, bon. Alors on va dire, ça a l'air un peu cher, mais c'est pas fou pour de la Saturn, ouais. Voilà. Mais n'hésitez pas à tester, parce qu'on entend souvent parler du 1, le remake du 1 est sorti, il vaut ce qu'il vaut, bon, je n'ai pas trop aimé. On en parle beaucoup du saga, mais le 2, pour moi, c'est vraiment la petite perle oubliée et le meilleur épisode qui mériterait qu'on... La petite perle. Il a dit perle, pas perlouse. Mais du coup, vu que le remake du 1 a bien marché, il y aura le remake du 2. Alors, vu que le remake du 1 a bien marché, j'ai peur qu'effectivement on ait un remake du 2 et que nos amis polonais s'y collent à nouveau, et j'ai pas envie. Voilà. Ah bah écoute. J'ai pas. Non, le remake du premier, ça marche pas, je suis désolé. Il a beau avoir été vendu, pour moi, ça marche pas et j'aurais effectivement, comme j'ai déjà dit mille fois, j'aurais préféré que Sega nous le ressorte en gamme Sega Ages téléchargeable sur Switch à 10 balles plutôt que faire un remake du premier. Je voyais pas trop le move. Moi, je peux rien dire, j'y ai jamais joué. Mais jamais. Hein. Moi non plus. Jamais touché à ça non plus. Bon, et toi, moi, tu voulais parler de quel jeu sur Saturn alors ? Mais t'y as pas joué, t'as dit. Non, je sais qu'il y a Mr. Bones qui est sorti sur Saturn en 96, alors, je crois. Mais à la limite, vu que personne n'y a joué ici, enfin. Alors, il se trouve Mr. Bones, moi je l'ai, mais j'y ai joué beaucoup plus tard. J'avais joué qu'à la démo à l'époque, qu'il y avait sur un CD démonstration. De la même manière, j'avais joué à la démo de Guardian Heroes, mais pareil, j'y avais pas joué à l'époque. Et j'avais entendu parler de Dragon Force sans jamais y avoir joué non plus. Ah, voilà. C'est ça. C'est-à-dire que je pourrais parler de ces jeux-là, mais j'y ai pas joué à l'époque, quoi. Donc je sais pas trop. Ouais, c'est ça. Mais cela dit, si t'as envie de parler de Guardian Heroes, que t'as joué en live. Je vais quand même mentionner un jeu qui est sorti en 96 et auquel j'ai un peu joué, surtout ces dernières années. C'est Keio Flying Squadron 2. Eh oui, j'ai pensé à toi en voyant la liste. Et bah ouais, parce que ma caméra, elle a décidé de me flouter la gueule quand je parle du jeu, mais le jeu est sorti en 96 chez nous. Alors, donc, est-ce que tu connais le jeu comme il faut, monsieur Roy ? Alors, j'ai deux ou trois connaissances sur le jeu. Donc, alors ce qui est rigolo, c'est que ils disent que moi j'ai des dates 96 et j'ai une date 97 en même temps. Ah, merde. Mais ça change pas grand chose. En fait. Moi j'avais 96, mais bon, bah voilà. Mais du coup, voilà, c'était. Non, il était très tôt sur les CD de démonstration, donc il n'y a pas de. Voilà. Et du coup, bah oui, j'ai joué. Bon, le jeu, j'ai découvert il y a 5 ans, hein, mais c'est pas grave, je m'en fous, je triche. De toute façon, c'est sur ma chaîne, donc je fais ce que je veux. Et oui, donc c'est un jeu de plateforme tout à fait sympathique. Qui est complètement loufoque. On en a déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, donc je vais pas trop y revenir, hein, mais qui est sorti donc en 96, et je sais pas, par contre, est-ce qu'il a bien marché en vrai ? C'est ça la question que je voulais poser, par contre, pour de vrai. Est-ce que ce jeu... Je sais pas. Ce jeu n'est pas connu. La sortie des Keio Flying Squadron en Europe, en Occident, de manière générale, est une énigme, puisque... Oui. Donc, on sait aujourd'hui que le premier est sans doute le jeu Sega CD aux États-Unis le plus cher qui existe. La version PAL de Keio Flying Squadron 2, j'ai dit à l'époque, c'était sur un CD de démo, mais j'ai jamais vu le jeu en magasin, jamais. Et aujourd'hui, c'est un jeu qui a complètement explosé au niveau tarif. Le truc, c'est que est-ce qu'il a marché ? Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'ils en ont fait beaucoup ? C'est ça la question. C'est ça. Mais c'est... par contre, au Japon, je pense qu'il s'est plutôt bien démerdé, parce qu'il a quand même, il y a eu le 1, le 2, mais il y a eu ensuite un party game, il y a eu des suites, quoi. Oui. Donc, et on voit même, tu sais, avec les intros en dessin animé, qui mettaient quand même un truc assez qualitatif et qu'ils avaient envie de croire dans cet univers. Ah, mais le paquet, hein. Et original en plus, quoi. Le petit dragon, je trouve ça génial. Les cinématiques du 2, c'est le studio Pierrot quand même. Enfin, c'est pas. Ouais, voilà. Voilà. C'est pas n'importe qui, quoi. Mais même en 96, celui du 1, les cinématiques. Mais même celui du 1, les cinématiques, je trouvais ça cool déjà. Ouais. Ouais, enfin, bref. Et donc, ouais, ce que il fait partie de toute cette mouvance, c'est du folklore japonais complètement, ah ouais. Complètement déjanté, hein, tu sais, comme les Goemon, ah oui. Et puis les. Là, on en parle. C'est un peu la même filiation, hein, ouais. Oui, mais tu vois, Goemon, ils ont, le premier sur Super NES était sorti chez nous, après ils ont arrêté jusqu'à la Nintendo 64, on l'avait plus jamais revu. Ah. Ouais. Et c'est vrai que la sortie, enfin, Keio, on comprend son existence au Japon et qu'il pouvait marcher au Japon. Mais comment le 2 a pu atterrir en Europe sans passer par la case États-Unis, avec en plus une traduction intégrale, un redoublage même des scènes animées. Enfin, c'est vrai, parce qu'en plus, les jeux Saturn japonais, il y a eu beaucoup d'impasses, quoi. Et lui, il est passé à travers. Ouais. Tout en sachant qu'encore une fois, on a peu d'exclus en Europe, mais on a quelques exclus par rapport aux Américains. On a notamment, nous, eu droit à Megaman X3, sur Saturn en Europe, alors que les Américains l'ont pas eu, ils ont eu le 8 et le X4. Alors je sais pas qui est le plus chanceux. Non, en fait, je sais. Et nous, on a eu à la fin de la Saturn, on a eu le fameux Deep Fear qui n'est jamais sorti aux États-Unis, jamais. Et qui coûte un bras. Voilà, forcément. Et donc oui, Keio, évidemment, moi aussi, je le redirai jamais assez. Jouez-y, alors jouez-y, c'est facile à dire. Ouais. Ah, c'est même la version japonaise. Jouez-y avec tonton émulation. Voilà, quand toi tu l'as acheté la version Jap, Moa, elle n'avait pas encore monté comme ça. Ah non, ouais, non. Et j'ai eu là, à 40 balles, et t'as nickel avec même le spinner prêt pour inclus. Là maintenant, je crois que c'est 100 balles plus même, je sais plus. Enfin, plus. Non, c'est plus que ça. Oui. T'es débile. On a perdu Pelle. Ouais. Non, je suis là. Moi, je t'entendais plus du tout. Oh. En fait, on a eu le début de ta phrase, puis ça s'est fini en comme Giscard dans les films. j'ai des baisses de tension. On va dire. Et du coup, je sais même pas si vous m'avez posé une question alors au final. Non, parce qu'en fait, j'ai tellement rien compris que du coup, je ne sais pas ce que tu disais. Est-ce qu'on continue de parler des jeux ou est-ce que sur le coup, on fait un petit crochet par un des autres médias, un des autres... Bah, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est faire un bref vite fait, citer les jeux. Oui, parce que si jamais on le fait pas maintenant, on le refera pas après. Hein. Ouais, voilà. On peut aller le faire sans bref, ouais. Non, mais tu penses qu'on reviendra pas sur les jeux, c'est ce que tu veux dire? Ah, voilà, totalement, voilà. Parce qu'avec tout ce qui reste derrière comme programme. Il est déjà 22h30. Sur le coup, je vais montrer rapidement, j'avais sorti quelques jeux qui m'ont marqué, je ne dois pas être le seul. Street Fighter Alpha 2 est sorti en 96. Oui. La version Saturn, parce que moi j'ai joué la version Saturn, et j'aime beaucoup Street Fighter Alpha. Je trouve que le jeu est beaucoup plus accessible qu'un Street Fighter 3, par exemple. Là, c'est... Ah, mais totalement, hein. Et disons, là, je t'ai envoyé un truc, c'est pour la date, pour montrer à quel le jour où j'ai joué à ce jeu. Voilà. Mm-hmm. Si tu vois ce que je veux dire. Je crois qu'il a rien compris. Si. Ah merde. Quand j'avais vu ce jeu, il est sorti sur d'autres machines. Hein. Sur PS1. Ouais, j'avais dû voir sur PS1. Et je me souviens, je m'étais dit. Mais je comprends pas, ils ont sorti le 3 et maintenant ils ressortent le 2. La numérotation des Street Fighter jusqu'à pendant longtemps pour moi, c'était une énigme entre les deux, les World Champion, les Turbo, les machins, et puis les Alpha, les 3, les Prime, je ne comprenais rien à Street Fighter, rien. Ce qui fait que c'est quand même moins le bordel que Kingdom Hearts, excuse-moi. Non, parce que Kingdom Hearts, un épisode correspond à un épisode. Même s'il a un nom bizarre, un épisode correspond à un épisode. Alors que là, avec les Street Fighter, des fois, Il avait un nom différent, mais c'était le même jeu. Alors, bon, c'était pas le même jeu parce qu'il y avait des équilibrages. 2.8, mes couilles en ski sur ton front. 3.44. Ouais, mais c'est des jeux, quoi. Après, excuse-moi, mais parler de par exemple, un Street 2 Turbo comme un rééquilibrage, non. T'as les 4 boss en plus. T'as ensuite le super où t'as 4 nouveaux persos en plus. Ah non, mais. Tu as Super Turbo qui, effectivement, est un rééquilibrage avec des mécaniques différentes. T'as Rainbow voilà. Edition qui est ça. T'es un gamin qui arrive, qui a joué à Street Fighter 2, qui arrive dans un magasin et il voit un 2 prime. Pour lui, je disais, j'ai déjà le 2, c'est bon. Enfin, tu vois ce que je veux dire. T'auras beau, en fait, avoir ajouté 4 persos et machin. Voilà. Et donc, quand j'ai vu le Alpha 2, je me suis dit, putain, ils ressortent encore le 2, encore. Alors que je l'ai vu 4 fois déjà sur Super NES. Ouais, et quand tu as joué, t'en es mort parce que tu t'es aperçu que c'était pas le même jeu. Et ben non, parce que je l'ai jamais joué, du coup. Oh. Pourtant, Alpha 2, voilà. C'est la série Alpha, si vous avez l'occasion de vous y affronter, c'est très dynamique et à la fois accessible. C'est très varié, puisque donc on a soit le système... Ah, attention. Oui. Accessible quand tu veux pas faire... Oui. Voilà. Ah, ceci, attendez. J'ai joué à un Street Fighter sur PlayStation, il y avait un perso, il s'appelait Skullomania. C'est peut-être celui-là, en fait. C'est les Alpha. C'est les EX. Non, mais ouais. Oh, bah voilà. Oui, non, mais les EX, c'est les 3D. Effectivement, tu comprenais rien, oui. Ah, non, je... Voilà, c'est pas la même chose. Voilà. Je montre très rapidement, parce que si j'en ai déjà parlé, je vais reparler mon premier tactical RPG, Mystaria. The Realm of Lore sur Saturn, qui lui aussi a pris un sacré coup dans la gueule au niveau des graphiques, au niveau vieillesse. Ouais. Enfin, c'est... J'y ai très très peu joué à celui-là. Mais ça reste mon premier tactical et c'est un très très bon souvenir à l'époque. Et vraiment, c'est un jeu cool qui s'appelle Riglord Saga au Japon, qui a connu une suite, mais que nous n'avons pas eu le droit. Parce que, voilà. Et vite fait, donc le fameux Knights, on en a parlé tout à l'heure. Donc la Sonic Team. Qui revient sur Saturn avec non pas Sonic aux grandes dames de tout le monde, mais avec un Night into Dreams, qui est donc connu pour être le premier jeu Saturn avec ceci, pas d'analogique. Yes. Et donc, particularité dans la boîte du pad analogique que je vais arriver à sortir peut-être. Hop là. La version du jeu, elle est comme ça, dans un boîtier cristal. Et il existe, comme je l'ai montré avant, une version long box qui est un petit peu plus rare, qui était vendue sans le stick analogique. Ce qui n'avait pas beaucoup de sens puisque le jeu tirait parfaitement parti de ce stick analogique. Ah ouais, c'était vachement agréable de jouer avec. L'idée de Night, c'est un petit peu... Alors, comme on verra Burning Rangers quelques années plus tard, toujours par la même Sonic Team, c'est un jeu qui est très court, pas forcément difficile, mais qui est là pour vous inciter au scoring. Ah, c'est totalement ça. C'est des jeux arcade, hein. Voilà, c'est un petit peu dur à comprendre au premier abord, mais c'est vraiment pas le but du jeu, c'est pas une histoire, c'est pas un scénario, c'est juste du scoring et comment faire des enchaînements et apprendre à les faire. Et surtout, il faut écouter les musiques évolutives. Parce que ce sont des musiques évolutives. Et ça, je trouve ça fabuleux dans Knights. C'est un des premiers jeux à utiliser l'horloge interne de la Saturn pour déclencher les événements au jour de votre anniversaire, par exemple. Et il y a une petite curiosité qui s'appelle Christmas Nights. Ah, lui, par contre, tu peux le trouver à des prix défiant toute concurrence. Il voit rien. Ah, voilà. C'est clair. Le truc, c'est que il était alors en Europe, au Japon, il est sorti comme étant payant. C'est quoi ? C'est les deux premiers niveaux du jeu avec plein de bonus, voilà, machin. En Europe, pour avoir ce CD en format cartonné comme ça, il fallait acheter deux jeux Saturn parmi une sélection, c'était Noël 96, et envoyer les preuves d'achat de ces deux jeux pour pouvoir recevoir ce truc-là gratos. Il se trouve qu'on pensait que ça allait sur le coup devenir quelque chose d'assez collector et très difficile à trouver, mais des stocks ont refait surface sur eBay il y a quelques années. J'ai acheté le mien neuf pour, je crois que c'était 10€ il y a quelques années, un truc comme ça. Bah, le prix n'a pas bougé, hein. C'est exactement la même chose maintenant. On arrive à le trouver aujourd'hui, c'est vraiment du bonus pour les fans de la Saturn, c'est pas un vrai jeu complet, mais ça fait toujours plaisir de l'avoir. C'est un peu comme Lemmings et puis le... Ah, comment il s'appelle l'extension de Christmas Lemmings ou un truc comme ça ou... Enfin bref, je me comprends. Et après Star Wars, alors on en parle ? Non, non, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. Et sinon, rapidement, un jeu que j'ai beaucoup aimé en 96 et que je comprends toujours pas comment ça se fait, Fade to Black, la suite de Flashback. Oui, effectivement, comment ça se fait ? Parce que c'est pas... C'est... Ça fait pas, ça fait partie de ces jeux, vous savez, que vous terminez dans votre enfance et que vous dites, mais quoi ? Comment j'ai fait ? Mais comment j'ai eu la patience ? Voilà. Tu sais qu'ils l'ont sorti au Japon, celui-là ? Ah bon ? Je sais. Ah bon ? J'ai une version Jap, je crois, de Fade to Black, à moins que je me trompe. Ah, en fait, je sais pas. Non, est-ce que je peux te poser une question ? Ouais. Est-ce que tu y as joué ? Pourquoi, oui, c'est vrai. Pourquoi je l'ai ? Parce que j'ai acheté un lot de jeux en brocante et il était dedans. D'accord. Me demande pas. Oui, tu n'as pas, acheté de toi-même, genre je veux absolument ce jeu-là. Non, j'ai demandé combien les jeux PlayStation, on m'a dit le prix. Dedans, il y avait un ou deux trucs qui m'intéressaient. De mémoire, c'était genre 5 ou 6 jeux. J'ai vu sur le côté, c'était écrit en jab, j'ai pas vraiment fait gaffe. C'est en regardant plus près une fois dans la bagnole, je fais qu'est-ce que c'est que ça ? Si vous voulez, Malamy, je peux essayer de le trouver. Mais voilà. D'accord, mais je savais pas. Moi non plus. Et je mettrai une photo sur Discord si jamais je veux voir ça. Ouais. Et enfin, puisque 96 c'est l'année des premières fois, c'est aussi l'année de mon premier point and click terminé jusqu'au bout, évidemment. Alors celui-là on le connaît tous. Moi j'en ai un autre moi. Que à chaque fois, donc systématiquement, lorsque et Pulpi peut témoigner, à chaque fois que je dis clown, évidemment c'est ce maudit clown qui m'a traumatisé. Et qui est un jeu qui, malgré son portage PlayStation, et j'insiste, fait avec le cul, avec certains niveaux qui rament, mais alors, c'est une horreur. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le jeu, il démonterait, on aurait Digital Foundry qui dirait « Ah, 3 FPS, c'est pas beaucoup. » Et la tranche du jeu, c'est la suite. Les bouchers des casacoates, c'est la suite. C'est qu'il y a une faute. On aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois. Mais voilà, c'est mon premier point. Pourquoi ? Parce que toi, Boss Dick, c'est pas celui-là ton premier point and click ? Non, mais en fait, il a été sorti plus tard sur PS1, mais c'est Discworld 2. Il est sorti en 96 sur PC. D'accord. Ah oui, Discworld 2, ouais. 96 sur PC. Faut pas oublier Tomb Raider aussi. C'était 96, ouais, Tomb Raider. C'est 96, et je pense que si on passe à côté, on va se faire insulter. Hein, parce que... Bah, j'ai pas joué, moi. Mais genre jamais, par il contre. Il est là. Bah, j'ai joué sur Saturn. Mon nom, c'est la partie de ces jeux absolument incroyables qui ont double boîtier alors qu'il n'y a qu'un seul CD dedans. Coucou les gens qui aiment le méga CD. Et, hop, effectivement, tu l'as dit. Oh, je l'avais pris, pardon. Pouf. La version Saturn, qui est là. Ouais, moi j'avais joué sur Saturn. Et qui n'est pas ridicule par rapport à la version PS1 contrairement. Elle est très bien. Hein. Bah, c'est comme la version RE de sur Saturn. Hein. Oui. Elle est très très bien. Hein. Ils n'ont pas arrêté de faire des jeux après sur Saturn parce qu'ils pouvaient pas passer, surtout parce que c'était pas assez rentable. Bah, c'était trop chiant à programmer. Hein. Effectivement, oui, Tomb Raider qui. Oui, qui est un des jeux qui a défini comment se déplacer dans un univers en full 3D, même si aujourd'hui ça peut faire totalement archaïque. Je me souviens encore de certains niveaux comme le fameux tombeau là qui était très long avec les épreuves, avec le marteau, notamment l'épée de Damoclès et trucs comme ça. La main de Midas. Main de Midas. Oui, quand tu touches la main, tu transformes en or. C'est quelque chose qui m'a traumatisé dans ce jeu. Et le niveau de la citerne aussi, qui est... Enfin, c'est fou. À l'époque, c'est cette liberté de mouvement et la taille des niveaux, c'était... Même si ça se termine un peu what the fuck avec des aliens, avec de... Mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? C'est un jeu qui m'a... Et les bruitages. Ah bon, les bruitages les bruitages ? Bon, les bruitages. Les 1-1. Apparemment. C'était marquant. Bon, est-ce que vous avez d'autres jeux à dire Bah, avant qu'on passe au ciné ou à la musique. Il y a techniquement, c'est le jeu auquel j'ai pas joué, mais je vais quand même le citer, mais Mega Man X3 par exemple est sorti fin 96 dans nos vertes contrées. Enfin, il paraît qu'il est sorti en 96. Et il y avait du Terranigma et Secret of Evermore aussi, hein, qui sont moi, surtout Terranigma, des jeux qui m'ont... Terranigma est sorti en France, oui, en 96. Qui m'ont bien marqué, même si je les ai fait récemment. Bah moi, Terranigma, je l'ai fait aussi bien plus. Et j'aimerais sur la machine, mais bien plus tard. Juste parler vas-y, d'une anecdote. Si. Hop. Il y a un jeu PC et PlayStation qui est sorti, c'est quand même Diablo. Je pense que Diablo a marqué pas mal de gens. Ouais, c'est, oui, pas moi, parce que moi je suis pas un joueur PC. Donc... A marqué le paysage vidéoludique, en fait, tout court, je pense. Mmh, oui. Et c'est un jeu dont j'en ai toujours jamais rien eu à foutre, en fait. Mais genre... Ah la vache. La DA ne m'attire pas, le genre ne m'attire pas. Désolé, jamais de bol. Que ce soit le 1, le 2, le... Alors je vais même dire un truc terrible, c'est que je pense que c'est le 3 qui a été celui qui m'a le plus attiré de toute la série. Mais même là, non. Je n'ai joué qu'au 3, j'ai jamais joué au 1 ou au 2. J'ai joué au 3, je l'ai terminé. Et j'ai demandé à mon pote Angeline, qui est fan de ce genre de jeu, j'ai dit oui, maintenant on fait quoi? Il me dit, mais tu recommences. J'ai dit quoi, je recommence? Oui, et après, mais tu le recommences encore. Et j'ai dit, mais d'accord, mais ça s'arrête quand? Ben jamais, jusqu'à ce que tu aies un super équipement et que tu fasses un très difficile. Et j'ai dit, non, je pense. mais c'est terrible, ça, c'est vraiment le genre qui ne m'attire pas du tout. Mais après, je comprends. En fait, c'est ça que je comprends totalement l'attrait que les gens ont pour le jeu. Que je comprends que les mécaniques de jeu soient ultra développées, que tu puisses faire des builds de fou et tout. C'est juste que moi, je n'ai tellement rien à carrer de ce jeu. Et ça fait partie des énigmes, parce que généralement, c'est le genre de jeu. Je pense que. Dans d'autres circonstances, peut-être j'aurais accroché, je sais pas. Mais là, j'aime pas. Voilà. Et il y a un autre jeu qui est sorti, et ça, c'est plus une anecdote un peu plus rigolote. Il y a quand même un des jeux avec, je pense, la map des jeux open world la plus grande, peut-être jamais créée, à part des trucs à génération procédurale façon Minecraft ou No Man's Sky, enfin, ce genre de truc. Enfin. Daggerfall, pas génération procédurale, mais des trucs vraiment très modernes, quoi, très récents. Mais ouais, Daggerfall, ouais. Il est sorti en 96. Et la map était générée procéduralement, en fait. C'est pour ça que je me suis rattrapé à la fin. Mais je sais pas si vous imaginez, en 96, vous aviez un jeu qui avait une map de 96 500 km². Est-ce que vous imaginez le bordel? C'est un truc... C'est un truc de fou. C'est-à-dire, genre, la map de, je sais pas moi, de Witcher 3, je crois, c'est 83 km², un truc comme ça. Enfin... En même temps, ça je m'étais refait après. Hein. Donc, du coup, ils ont bien dû voir les limites. Ils se sont pas rendu compte que leur truc, c'était de la baise. Bah, ouais. C'est de la bête. FF15 par exemple, j'ai le chiffre là. FF15 c'est 1200 km², pardon. Voilà. 1215 km². 1200 des brouettes. Donc 1215 km² de vide. Fabuleux. Non. On en parle beaucoup. Et c'est fou, quoi. En 96, ils avaient déjà créé un jeu où ils s'étaient déjà dit après coup. On est peut-être allé un peu trop loin, c'est ça. Peut-être idiot de faire une map aussi grande. Ce qui n'a pas empêché Ubisoft de sortir Assassin's Creed Odyssey, mais bon. Ah oui, bah j'allais dire Rockstar avec son GTA San Andreas, hein, qui était quand même abusé. Oui et non, parce que finalement, je sais pas, par exemple, Odyssey, j'ai pas la taille. Origins, 331 miles carrés. C'est pas grand. Hein. Odyssey, 90 miles carrés. Donc c'est pas beaucoup plus que The Witcher 3, par exemple. Hein. D'accord. Voilà. Xenoblade Chronicles X, 154. Alors, on commence à taper, là. Burnout Paradise, 200. 200 maps, 200 km² sur un jeu de bagnole où tu peux tout détruire. C'est beau, ça. Ça, j'aime bien, ça. Alors, Burnout Paradise aussi, c'est la 153e fois que le jeu il te dit eh ben, tu vas au nord-ouest. Encore. Mais ouais, okay. C'est. Daggerfall, ouais. Mais alors, j'avoue que moi, pareil, tu vois ce que tu as dit sur Diablo, moi, ça me fait pareil avec les Elder Scrolls. Voilà, je n'arrive pas du tout à rentrer dans les RPG occidentaux de manière générale, et alors en particulier dans Elder Scrolls. J'ai essayé Morrowind, j'ai essayé Oblivion. Ça marche pas. Niki. Sur le coup, juste moi, ça va rappeler des souvenirs récents pour toi, un petit peu plus vieux pour moi. 96, c'est quand même le rendez-vous des suites manquées. Ah putain. Voilà. Dark Savior et Story of Thor 2. C'est terrible. Dark Savior, encore une fois. Comment dire ? Le jeu n'est pas bien, mais je pense que c'est vraiment un jeu qu'il faut faire. Mais qu'il faut faire genre à 100%, quoi. Enfin, oui. Pas 100%, 100%, mais qu'il faut vraiment en voir le bout toutes les fins, quoi. Il a tenté un truc scénaristique que je trouve fou pour l'époque, mais même maintenant, parce que je crois que personne n'a jamais fait, en fait, de nouveau. Et rien que pour ça, il faut le faire. Par contre, c'est un jeu en 3D isométrique, mais vraiment la 3D isométrique de bâtard, quoi. C'est-à-dire que Landstalker, c'était des petits joueurs. Là, ils se sont lâchés, les mecs. Hein. Oui, bah, les phases de plateforme sont particulièrement difficiles. Les combats sont... Voilà. Les combats, c'est n'importe quoi. Mais c'est porté par un scénario qui a une super idée, qui l'exploite à fond et qui est vraiment unique. Voilà, et ouais. Après Story of Thor 2, le problème c'est que lui, bah, il a été. Bah, le premier était tellement bien. Et le 2, du coup, il était pas. Bah, il était juste moyen. Mais du coup, c'était très décevant. Ils ont pris la même idée. Et le problème de Story of Thor 2, c'est que il veut donner plus de liberté aux joueurs. Sur le coup, il est tordu au niveau de la map et au niveau de ses buts où on comprend pas des fois carrément où aller. Porté par la non-musique de Yuzo Koshiro, on va dire ça comme ça. Ouais, c'était. Voilà. C'est compliqué. Bref. Est-ce que quelqu'un a un autre jeu ? Oui, Pelle, tu as parlé d'un autre jeu ? Bah, c'est compliqué là aussi, parce qu'au final. C'est vrai que j'ai. Moi, je jouais quand même. Super NES, et c'est ça que je t'avais envoyé tout à l'heure, mais bon, oui. Ça n'a pas trop d'importance, c'était pour montrer la date à laquelle j'avais reçu le jeu, justement. Et c'était en avril 96, mais il s'agit d'un jeu de 95. Ok. Mm-hmm. Donc, est-ce que je peux en parler quand même ? Vas-y, dis. T'en as trop dit, là. J'en ai trop dit. Mais c'est un grand classique, on l'a mentionné un milliard de fois, c'est le Chrono Trigger, en fait. Voilà, quoi, en US. Ah bah oui. Oui, mais parles-en vite quand même, parce qu'il faut qu'on passe... Bah voilà, non mais j'en dirais pas plus, juste ça quoi en fait. C'est que en fait, voilà ce que j'avais envoyé à Bion, c'était le ticket de caisse que j'ai gardé, le bon commande de l'époque, pour montrer que je l'avais eu le 17 avril 96. En fait. Ah, voilà, c'était... la preuve. Et donc voilà, c'était pour les jeux de 96, et bah ce jeu-là, il en faisait bien partie quoi. Pour une fois, il ne ment pas. Et bah du coup, voilà. Ouais, mais du coup, voilà, bon bah c'est le meilleur jeu de tous les temps, donc après en 96, ça a dû paraître bien fade quoi. Je veux dire que ça dépend. Oui, enfin bref. Oui, non, il y avait quand même des trucs bien. Je déconne. Enfin, c'est vraiment le meilleur jeu de tous les temps, mais sinon après, oui, il est. Je ne sais rien. Alors, en plus, je le pense aussi. Hein, pour moi, Chrono Trigger, c'est. Ouais. Mais bon, voilà. J'ai l'impression que les autres sont pas d'accord, hein. Mais bon, on va passer à. Non, c'est moi, c'est mon assistante qui m'embête. Et donc, sur le coup, on peut passer donc, parce que apparemment le public nous réclame qu'on passe à la musique. Oui. Ou les films. Vous avez une petite intro. Le public réclame la. Ah bah, toi, Pelle, tu veux parler des films d'abord. Alors, qu'est-ce qu'on tranche, madame l'assistante ? Bah, et Mozdik, parce que c'est Mozdik qui a dit qu'il était peut-être pas capable de retenir jusqu'au bout du podcast. Il veut parler de quoi Ouais, Mozdik, tu veux quoi en premier, film ou musique Musique de film. Oh, non. Eh bah, parfait, j'en ai une, moi. Non, qu'importe, la musique ou les films, ouais, les deux sont intéressants, mais la musique, il y a des trucs velus. Hein. Ouais, la musique... Ouais. Ouais, la musique, allez-y, commençons par la musique. Qu'est-ce qui vous a interpellé dans cette année 96 ? Oui, la musique. Ah, ok, personne commence, très bien. Bah, vous, alors, j'en ai parlé avant le podcast. Je crois que le truc qui s'est le plus gravé dans ma tête, mais genre gravé, c'est même plus. Je la connais. C'est la fameuse musique de Gala, Freed from Desire. Je crois que ce truc, mais j'ai dû l'entendre des milliards de fois. Des milliards. Ah, hein. Oui, bah, c'est 96 ça. Ah, oui, bah, maintenant que tu le dis, forcément. Alors, je tiens juste à dire que j'ai filé la playlist à Pelle il y a une semaine et demie qui m'a dit oui, je vais l'écouter. Salaud. Mais non, oui, cette musique. Mais en plus, cette musique est très caractéristique des années 90. On va pas se mentir. Le espèce de dance un peu dégueulasse avec des paroles composées de trois phrases, quoi. Enfin, c'est... voilà. Les années 90, enfin les miennes en tout cas. Sur le coup, pour illustrer, donc j'ai fait une playlist avec donc les singles, voilà, entre guillemets, de l'année. Je partage, ouais, ça sur le live. Pour l'occasion, on va pas mal de choses dont on va parler, on va sans doute en oublier. J'ai fait, voilà, histoire de partager. Et j'ai fait rapidement une seconde playlist avec des choses un petit peu plus alternatives, un peu plus personnelles à moi, entre guillemets, c'est-à-dire un peu plus axé, on va dire, rock metal. Et métaphore. C'est un grand mot. Parce que pour les gens qui ne savent pas, Beyond et le métal, hein, c'est une longue histoire d'amour. Il a des cheveux, donc il aime le métal. C'est ça qu'elle veut nous dire, Pulpe. Moi, j'ai ça. Pas de cheveux, bon, donc voilà. Après, attention, Phil Anselmo, il a le crâne rasé, c'est un métalleux. Hein, donc, voilà. Et, génial, fabuleux. J'ai même pas le bon CD dedans, ça n'a pas d'importance, je m'en fous, je vais juste monter la boîte. Voilà. Un des albums que j'ai beaucoup écouté cette année-là, c'est le 666-667 Club de Noir Désir. Ah bah ouais. Alors là, il est un peu chelou parce qu'il y a un petit ticket argenté, là, ça c'est ma place de concert quand je suis allé voir à Pau, aux Zénith. Voilà, parce qu'il se la pète en plus, ce petit bâtard. C'est en 97, c'est ça, pour 200 francs, non, moins, 100 francs au Zénith. Bon, je passe. Bref, 666-667 Club Noir Désir, c'est quoi? C'est donc Noir Désir qui revient après l'album Tostaki, qui doit, enfin en gros, l'album Tostaki Noir Désir est un carton à l'époque. Le groupe s'est fait, enfin tout le monde a entendu la chanson de Tostaki, je pense partout. Et ils arrivent, ça fait plus un paquet d'années qu'ils sont en silence complet, silence radio. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Ils reviennent cette année 1996 et le premier single avant même que l'album sorte, qu'on commence à entendre sur les ondes, c'est le titre Un jour en France, avec son clip fait avec des dessins animés, notamment. Yes. Et avec un texte très engagé anti-Front National. Et il se trouve que, bon, après, Noir Désir a toujours été engagé anti-Front National dès les premiers albums. Hein. Et donc, cet album-là va faire un véritable carton à l'époque en France. On connaît 666, on connaît, donc j'ai dit, Un jour en France. L'homme pressé et son fabuleux clip avec la parodie de Boys Band, des quatre, ouais, de Mission Noir Désir qui dansent, de façon, Boys Band. Ou voilà, des chansons comme Elle vient aussi qu'on va énormément entendre. C'est de cet album, L'Homme pressé? Oui. Ouais. Ah bah, j'ai connu l'album alors et je l'ai beaucoup écouté. Ok. Ah bah ouais, c'est un super album. J'avais pas zappé que c'était. Le single de L'Homme pressé, voilà, c'est ça. Avec une chanson dessus, avec la chanson Back to You qui est inédite, avec voilà pas mal de choses, avec Là-bas qui est la chanson sur laquelle se termine un film dont on va parler un petit peu plus tard, d'Albert Dupontel. Ah oui. On n'y dit pas plus, voilà. Et juste signaler par rapport au tour de 666-667 Club, c'est dur de dire vite, le single À ton étoile, qui a une particularité, c'est qu'il contient une version en espagnol du titre qui s'appelle Hasta tu estrella, forcément, qui est un enregistrement studio, et je voulais la mettre dans une playlist et je ne l'ai même pas trouvée sur YouTube. J'ai trouvé une version live dégueulasse, mais je n'ai pas trouvé la version studio qu'il y a sur ce single, donc peut-être que je l'uploaderai tout simplement sur le Discord pour le plaisir. T'as dit que ça s'appelait comment? Detrás de ti, imbécile. Putain. Voilà. Et c'est juste pour dire que voilà, moi, ça fait partie des albums que j'ai. Donc, effectivement, je pense, comme beaucoup à l'époque, énormément écouté. Voilà. Ils reviendront moins énervés quelques années plus tard avec des visages défigurés, mais c'est notre histoire, bien sûr. Il faut enchaîner. Qui enchaîne ? Bon, allez, moi j'y vais. On s'en fout après tout. Oui, vas-y. Puisqu'on ne demande pas mon avis, moi je le donne. Hein, moi, je suis comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai beaucoup écouté cette année-là pour un album de... que j'aime pas en vrai ? J'avais que ça. C'est peu commun, ça. Ouais, non, mais voilà. J'avais que ça. L'Ode de Metallica. J'ai toujours trouvé que c'était de la merde, même à l'époque. Je suis désolé. Oh. Je sais que les gens y aiment bien, mais. Putain. Avec une chanson que Buzz Dick adore. Ah oui, voilà. Jusqu'à mon slip, mais oui, c'est vrai. Slip, c'est. J'ai jamais écouté ça. J'écouterai rien que pour l'amour du slip. Il faut. Voilà. À l'époque, j'avais que ça. Et je trouvais déjà que c'était pas bien. Mais bon. Bah, l'autre, c'est un petit peu l'album Metallica. En gros, ils ont pris une direction avec le Black Album où déjà les fans de la première heure ont dit non seulement c'est de la soupe, mais en plus la moitié de l'album c'est des fillers. Que effectivement, Metallica ne donnera jamais tort puisqu'ils ne les rejoueront en live que 20 ou 30 ans après pour fêter l'anniversaire de l'album. Comme par exemple du Don't Tread on Me ou des chansons comme ça qu'on n'entendra jamais en live, mais jamais. Regarde juste quels sont les trois singles de l'album. Bah, là, y a Until You Sleep, Hero of the Day et Mama Said, je crois. Ouais. Il me semble qu'il y a un clip. C'est pas des réussites. Encore Hero of the Day, encore la moins pire. Disons que le truc, c'est quoi, la Metallica prend un chemin que déjà que tant qu'il perd. Ils perdent et finissent de perdre le vieux public qui, eux, se reconnaissent plus du tout et trouvent que leur thrash metal est vachement trop aseptisé. Ils vont en plus enfoncer le clou avec Reload, où là, les gens vont dire « Mais foutez notre gueule ou quoi ?» Vous avez pas compris ? Puis même l'album, il est mal mixé, je trouve. Enfin, je sais pas, c'est... Il y a un truc qui va pas, en fait, c'est dans cet album. C'est... Voilà. Et c'est ce que tu penses aussi, toi, Beyond, alors ? Oui. Quoi ? Ah oui, que l'Ode, c'est, enfin, c'est pas un album que j'écoute jamais de Metallica. Genre, si j'ai envie d'écouter un album de Metallica, l'Ode, Reload ou Saint Anger. Ce sera jamais cela. Quoi. Oh, Saint Anger. Oh la vache. C'est pareil, c'est les trois que moi j'aime pas trop. Hein. Je suis pas. Ah, comment il pique celui-là, je l'avais oublié. Pouf, voilà. Ah. Et si vraiment vous avez envie de faire du mal à quelqu'un, vous lui faites écouter Lulu, mais c'est une autre histoire. Appel. Quoi ? Mon assistant dit qu'il faut que ce soit Appel qui parle. Ok, d'accord. Appel, il paraît que tu vas parler de... Non, non. De ce que tu as écouté en 96. Moi, j'ai un petit peu ce qui sortait donc, en 96, et là, pour le coup, je pense que c'est vraiment sorti en 96. Ce que j'espère, c'est que vous écoutez... Je suis pas fan de musique à ce moment-là, quoi. Mais quand même, je prenais des fois quelques albums, et je me rappelle avoir pris de... Jamiroquai était sorti. Et moi, j'aimais bien ça. Si tu vois. J'ai entendu Jamiroquai, c'est ça ? Jamiroquai. Oui, c'est ça, Jamiroquai. Ah, parce que là c'est quand même un gros monologue de Nono le robot. Ah bon, d'accord. Ah, ouais, okay. Non, mais moi, j'ai compris en me concentrant. Voilà, pareil. J'ai compris Jamiroquai et je pense que voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir. Et que tu aimais bien et que tu écoutais beaucoup de musique, mais que tu écoutais ça. C'est bon, on a compris. Ouais, c'était cool Jamiroquai. C'est l'album de Virtual Insanity qui est sans doute le titre le plus connu de cet album. Ah ouais. Bah exactement. C'est ça, ouais. Et bien, sache, petite pelle, que tu t'entendrais très bien avec ma mère. Elle adore Jamiroquai. Et du coup, par extension, moi aussi, puisqu'elle a écouté Jamiroquai et que. Bah... Pareil, effet éponge, j'ai écouté aussi et j'adore, ouais. Avec son chapeau. Ouais, non, mais je veux dire, c'est des trucs qui étaient vraiment sympathiques, ça restait bien. C'était joyeux, quoi. Moi, j'avais. Alors, Virtual Insanity, évidemment. Parce que l'album qu'il a sorti en 96, il y avait quand même trois gros tubes, mais on les connaît tous. En plus, c'est Cosmic Girl. Et puis, All Right. Donc, voilà. C'est vraiment les trois machins qu'on retient surtout lui, parce que même les albums suivants, je pense pas qu'il y ait eu un succès autant qu'avec celui-ci, en fait. Du coup, moi, ça me plaît bien. Je crois qu'il en avait sorti qu'un d'album, donc tu vois, c'est... Voilà. Mais c'était son troisième, déjà. Tu vois. Putain, je... Ouais. Moi, perso, je préfère son premier album, mais après, c'est une question de goût. Ouais, ah, ça se trouve, je mélange tout, en plus. Hein. C'est possible, ouais. Ça. Mais t'en pensais quoi, alors, de celui-ci, là, de cette année-là il est fabuleux. C'est un album qui est fabuleux. Après, JK, c'est un bon danseur, un bon parolier. Il a des musiciens de malade derrière. Ouais, et puis il y avait une belle, enfin une bonne mélodie, quoi. Ça bougeait bien, tout. Franchement, je trouvais ça cool, quoi. Vraiment, quoi. Puis le son était original en plus. C'est un truc qui m'avait frappé à l'époque. Tu sais, ça faisait, il y avait un côté plus frais, tu vois, Ah, de cette original, nouveauté. non, quand t'écoutais beaucoup de R&B et de hip-hop, c'est pas quelque Oui. chose d'original. Ah bah peut-être. Moi, j'étais pas du, Original par j'ai rapport à ce pas que été faisait Jamiroquai très. avant, oui. Parce que Ouais. Jamiroquai avant, il faisait du Baba Cool. Faut jamais l'oublier. Hein. D'accord, ok. Et Écoutez ça a un son peu premier énervé après, hein, album. quand même. Et ouais, non, mais c'est vrai, t'écoutes son premier album avec When You Gonna Learn. C'est différent. C'est vraiment différent. Après, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Hein. Donc voilà. Et c'est grâce à Jamiroquai que Amélie Nothomb met le chapeau maintenant. Tu penses? Non, non, du tout. Et donc, toi, Buzz Dick, qu'est-ce que tu écoutais en 1996? Parce que Pulpy, elle est à côté, elle me dit, mais maintenant, il faut dire Buzz Dick et tout. Elle sert à... enfin, vraiment, mais tu devrais. 96? Ben moi, c'est le deuxième album de Snoop, Dogfather. Ben parce qu'il n'y a pas que Putain. celui-là, il y en a beaucoup d'autres derrière. Mais moi, c'est Dogfather que j'ai C'était écouté énormément en 96, 96. ça? C'est 96, Dogfather. Oh la vache. Donc, c'est un album qui n'a pas particulièrement marché en France. Même, je suis même pas sûr que les gens se rappellent un seul des titres. Bah ouais, je me souviens du nom de l'album, alors c'est que j'ai dû le voir quelque part quand même. Ouais, tu l'as vu parce qu'il te fait une pause à la justement bah, Dogfather, c'est le Godfather, quoi. Oui, bah oui. C'est le parrain. Mais pour les chiens, c'est Snoop. Donc Bah t'as oui. dû voir l'image où il est assis dans un fauteuil sur un fond noir et tout. Ah ça, oui, ça par contre, ouais, mais... Et la seule chanson, je crois, qui est sortie, le single, c'est quoi? C'est Snoop's Upside Your Head, qui est sorti en France, hein, en 96. Hein. Je suis même pas sûr qu'il y ait un autre album qui est sorti. Donc c'est le deuxième album qui est sorti après Doggy Style, qui lui, je pense, tout le monde connaît. C'est de la G-Funk, quoi. C'est vraiment un album sensationnel, mais bon, il a pas beaucoup marché. Et je l'ai écouté beaucoup. Ok, ouais, je vais Je quand l'écoute même. encore maintenant. Ah oui, okay. Tu veux dire, c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui est largement écoutable, entre guillemets. C'est du Snoop. Snoop, ça vieillit pas. Snoop Dogg, Snoop, il a... oui, je Snoop, trouve aussi, hein. il a un côté, il a réussi à passer à travers les âges sans jamais que sa musique elle vieillisse vraiment. Après, si t'es pas quelqu'un qui écoute du hip-hop, ça va peut-être pas te toucher tant que ça, mais musicalement, ça reste toujours super carré. Après lui, c'est un excellent rappeur, donc il est capable de rapper sur n'importe quoi. Même la musique des Pâtes Lustucru, il arrive à te faire un truc dessus. Donc ouais, Dogfather, album que j'ai beaucoup écouté, entre autres. Et Momo? Moi, t'as pas dit. Vous voulez que je vous fasse le podcast en mode je sors toutes les merdes des années 96, comme ça je vous laisse les trucs bien? Oui, Pardon, oui, oui, parce qu'il y Alors, en a tellement beaucoup, je vais j'en ai t'en plein dans mon sortir, frère. je vais vous en sortir une qui est même pas dans Non. ta playlist Beyond, et je suis très déçu. Parce que Vas-y. un truc que j'ai écouté beaucoup dans les années 96 aussi. Les années 96, c'est les années où je découvrais la radio, en fait. Et du coup, j'écoutais ce qui se faisait à la radio. Voilà, c'est pour ça. Et sur M6, le Hit Machine, avec Non, Charlie mais Hebdo. oui, là, j'écoutais aussi beaucoup la radio à cette époque-là, hein, donc. Et du coup, il y a quand même une reprise. Une reprise d'une chanson de Jean-Jacques Goldman, je te donne, par les Worlds Apart. Je te donne. Ouais, je vais vomir là. Tu as voulu les mettre. Bah non, je sais pas. Ça y est, maintenant J'adore. ils sont rattrapés. Non, mais parce que je voulais en parler. Oh, tu voulais en parler? Moi, j'ai une anecdote avec ça. Oula. J'ai été chanteur dans le groupe Worlds Apart. En studio. Alors, c'est indirect, parce que c'est à propos de la chanson d'origine. Donc, elle a été composée par Jean-Jacques Goldman et Michael Jones. Oui, D'accord? oui, oui. Jusque-là, on est Oui. d'accord. On est d'accord. Et ben Oui. Michael Jones était professeur de guitare à Caen dans sa jeunesse. Et un de ses élèves, ben, c'était mon père. D'accord. D'accord, ok. Voilà. Mon père était élève de Michael. Prenait des cours de guitare avec Michael Jones, en tant que professeur. Et si on tend bien l'oreille dans la chanson originale, on entend ton père jouer de Non. la Et guitare c'est derrière. depuis ce temps-là que parfois certaines personnes en argot disent qu'une guitare, c'est une pelle. Ah. Parce que il est si vieux que ça, Michael Jones. Non, mais tout ça pour dire que Michael Jones, j'en ai bouffé plus jeune, voilà, et du coup, je connais un peu ce que je faisais, quoi. Et puis même avec Jean-Jacques Goldman, de toute façon, je te donne, c'est connu, quoi. Donc voilà. Et donc la version de World Apart, elle est très proche, en fait. Globalement, je mets tellement loin. Globalement, ils ont traduit les couplets. Ils ont laissé le refrain en français et ils ont mis de la musique de boys band de merde. Mais bon, ça, c'est la musique de boys band de merde des années 90, quoi. S'ils avaient pu chanter en russe pendant l'alternance français-anglais était déjà dans la version originale. Par contre, les parties en français sont vraiment sur le coup chantées par des gens qui parlent pas français. En fait, c'est ça que oui. Alors, c'est sur ça que je voulais dire, c'est qu'ils ont gardé le français, quoi. C'est ça que je voulais dire, en fait. Je me suis mal exprimé. Ils ont gardé le français, mais du coup, effectivement. Alors, quand c'est chanté, ça s'entend moins, mais tu sens. Il y a un truc qui va pas quand il parle. C'est un petit peu les Mike Brandt de 1996. C'est ça. Mais les années 90, c'est génial. Les années 90, c'était génial. Il y avait bien sûr le fameux super hit aussi. Je vais en parler maintenant, hein, tant qu'à le faire maintenant, là, le super hit des Spice Girls. Je le vois dans ta playlist, celui-là. Mais le Wannabe, je laisse tomber, c'est pareil ça. T'as un truc à dire ? Mais pourquoi vous parlez de Wannabe quand tu peux parler de Red Dingue de toi, des G-Squad ? Non, mais voilà, c'est. Non, mais putain, les années 90, c'était génial. Donc, alors, Pelle, du coup, est-ce que ton père a appris à chanter avec les Spice Girls ? C'est ça que je voulais savoir, du coup. Mais il y avait les Texas aussi. Hein. Ça se passe puis, tu veux le casque avec le micro, on échange de casque, c'est ça? Ah bah j'en peux plus. Hein. T'es un putain de vilain, moi. Après, si jamais on me redemande mon avis, j'en ai d'autres qui sont un poil mieux. Promis. Non, parce que j'ai toujours beaucoup aimé le titre, parce que je me suis dit c'est mon titre préféré de l'année, le tic tic tac de Carapiccio, franchement. Qui marquent une année quand même, en vrai, mine de rien. Quoi. Mais c'était les fameux tubes de l'été, ça. Non, mais oui. Sans rire, moi, il y a une chanson, un single en particulier de mon année 96. Moi, c'est Peter Kitsch. Et c'est pas une blague. Peter Kitsch, ouais. Je l'ai pas, ça, c'est quoi? ABC pour. Bah, tu sais quoi, va sur YouTube, c'est à Peter Kitsch, ABC pour casser, et tu verras. Oh non pourquoi... Ça vient de là, ça? J'adore ce chanson, et le clip. Le clip est particulier pour l'année. Hein. Si vous ne connaissez pas, bah, je crois que c'est le connais, clip ouais. Où il y a des images de Tekken dedans. Quoi. Ah oui. Et j'ai jamais compris pourquoi il y avait. Avec ça. Une caméra en mode Gerbotron qui fonce sur toi et qui recule. Le clip est dégueulasse. Et il donne un nouvel clip. C'est la troupe Tekken. Ah ouais. Ce fuck, vous avez eu le droit de faire ça? Bah, je crois qu'ils ont eu le droit. Hein, parce qu'ils s'en servaient aussi pour présenter le jeu derrière. C'était la mode à l'époque. Pour citer Grand-Pierre Simpson. C'est possible. Et j'aime bien la chanson. C'est pas une vanne. Hein. J'aime vraiment bien la chanson. Mais c'est vrai que le truc là de Carapiccio, ça n'existe plus maintenant les tubes de l'été. Mais Carapiccio, c'est pas Patrick Bruel, ça ? Si, c'était Patrick Bruel. Patrick Bruel, il a eu un tube de l'été ? C'est original. Non. Patrick Bruel, il a produit ce truc. Ouais. Ah, ok. Oui, c'est un producteur de tous les tubes de l'été. Là, dans une époque, il a fait fortune avec ça. Oui, oui. Il a fait plus de thunes avec ça qu'avec ses chansons, en fait. Mais parce que. Mais ouais, non, mais il y avait des chances. T'avais TF1 et M6 qui se tiraient la bourre, là, celui qui ferait le meilleur tube de l'été, là, je me souviens. Vous allez me faire crever. Juste un petit mot, on en parlait avant le podcast. Ouais. Il y a un single, enfin, parce que j'ai jamais écouté un album, je sais même pas si c'est autre chose après. Il y a un titre de 1996 qui a cartonné en 96 que j'aime toujours encore beaucoup, on en parlait, c'est le Lemon Tree de Fool's Garden. Oui. Oui, c'est une jolie chanson. Et je l'ai mis aussi l'autre en suivant dans la playlist aussi, qui fait partie de ces chansons que t'entends et qu'en fait tu. Enfin, qui c'est dur sans laisser, c'est le Children de Robert Miles. Mais je l'avais noté. Moi je voulais le parler. Ouais. Que tout le monde connaît et c'est vraiment le morceau, mais pareil, dont Beyond, je ne lasse pas. Je l'avais noté parce qu'en fait le clip m'a tout marqué, le clip en noir et blanc avec la gamine, tu sais, qui regarde par la fenêtre de la voiture. Ouais. Et il y avait vraiment beaucoup de mélancolie, mais la mélodie est restée vraiment en tête, elle. Hein. Et du coup, c'est marrant parce que en faisant les recherches, Beyond, Parce que c'est celle-là que je voulais me rappeler aussi, parce que ça évoquait vraiment l'année. Je pensais que c'était Mark Snow, tu sais, de X-Files, qui l'avait fait, parce que lui aussi avait eu un gros succès cette année-là, en 96, parce que les musiques de X-Files arrivaient dans les meilleures ventes aussi de musique. Parce que c'était l'époque où X-Files cartonnait. En hein. 96, c'était les années 90. Il y a une série à regarder. Dans les années 90, pour moi, c'est vraiment X-Files. Quoi. Et X-Files en 87, musicalement, 96, je veux dire, musicalement, ça avait cartonné, bizarrement. Alors, je ne sais pas si ça avait déjà été le cas pour d'autres séries, mais la musique de Mark Snow, elle avait marqué. Et je pensais que c'était lui qui avait composé Children, en fait. Mais non, c'est Robert Miles. Robert Miles qui, alors je pense pas que ce soit fait exprès, dans alors petite dédicace à Ken Bogart, dans Garou, Mark of the Wolves, il y a une des musiques, j'allais dire, où on entend ça a été fait exprès, hein. C'est fait exprès totalement. T'entends la musique, tu fais ah ouais, quand même ouais. Non mais genre c'est la même musique. Ah oui. Tu entends le même, enfin tu... Ouais. Donc je pense que c'est pas un hasard. Je pense que ça a vraiment été fait exprès. Ils se sont dit ça va passer et c'est passé. D'accord, je savais pas. Et si, je vais même essayer de trouver le truc. Ah bah voilà, je crois que je l'ai. Alors c'est le morceau. Et du coup, Beyond, tu l'as trouvé bien alors cette musique de Children aussi. Ah oui, mais oui, c'est ça. Vas-y, mets le lien dans le chat. Attends. Donc même Wikipédia dit contient quelques mesures. Je vous ai mis un timestamp sur le chat. Vous allez voir. Parfait, moi. Tu l'as mis? Ah bah ok, parfait. Et tout ça, j'ai envie de dire, ouais, ça c'est les singles, moi c'est le truc comme petit qu'on entendait à la radio. Et, ouais, single, il y en a encore des pourris. Hein. Oui, moi j'ai... Cette année. Comme j'ai dit, hein, moi j'écoutais surtout la radio cette année-là, donc j'ai beaucoup de singles. Les albums, je les connais pas trop en fait. Hein. Est-ce que t'as le Where Do You Go de No Mercy? Ouais. Oui, je l'ai tout en merci, madame. Pardon. Sinon, soyons plus sérieux. Juste petit mot sans parler des albums forcément, parce que ce n'est pas les albums qui ont marqué. Niveau rock alternatif, en 96. Il y a eu des trucs vachement cool. Alors là, on ne parle pas de métal hein, encore, vous en faites pas, n'ayez pas peur. Revenez. Donc, on a eu, donc, je l'ai mis dans la playlist, le Popular de Nada Surf. Ah, ça, je connais. Bah, voilà. Mais alors, Nada Surf existe encore aujourd'hui. Hein. Il faut encore de la musique, hein. Faut pas croire. Hein. Parce qu'on pourrait croire que c'est jamais le seul titre qu'ils ont fait, mais ils existent encore. Il y a eu donc le Novocaine for the Soul des Hills, qui, pareil, fait partie des très gros singles de cette année-là. Enfin, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Oh, mais tout ça, c'est dans la playlist. Absolument rien pour moi. Le Spaceman de Babylon Zoo. Ouais, celui-là, je me rappelle. Le clip voilà, pareil, bizarre. Le Not an Addict de Case Choice. Ça me dit oui. Du tout. Case Choice, moi, j'aimais bien. Le If It Makes You Happy de Sheryl Crow, qu'on peut aussi tout à fait classer dans alternatif. Ah ouais, ça, j'aime bien, ouais. Et après, des choses un petit peu moins connues, mais Frank Black a sorti un album avec un single qui était sympa, qui s'appelle You and Me. Il y a les Counting Crows, vous savez, Mr. Jones and Me, qui sont revenus avec un album Recovering Satellites qui a beaucoup moins marché, mais qui était pourtant vachement cool. Il y a eu Cake, qui a sorti un album improbable avec une reprise de I Will Survive, qui est dans la playlist alternative, qui est absolument fantastique. Weezer, qui a sorti un album cette année-là, avec un single El Scorcho aussi, qui est vachement cool. Cake, oui, je me rappelle de ça. Et un groupe que j'aime bien aussi qui s'appelait Bloodhound Gang à l'époque, qui est une espèce de groupe potache américain de rap, rock. Ça, je connais par contre. Avec donc là, le single Fire Water Burn, c'est plusieurs années avant qu'ils fassent Bad Touch et ce genre de choses. Fire Water Burn qui les a aidés à se faire connaître à l'époque. Tout ça, c'est du rock alternatif. Enfin, moi, j'écoutais pas mal ce genre de choses à l'époque parce que j'avais pas encore tout à fait. Basculer dans le métal à 100%. Voilà. Ça existait déjà, les Thunderdome. Ah bah putain, oui, malheureusement, ça, c'est quelque chose. C'était ça. La pleine époque. Ouais. Oh la vache. Ah bah ça, mes cousins, ils étaient. Parce que j'écoutais ça aussi, mais c'est pas par moi. En fait, c'est parce que j'avais un pote qui écoutait beaucoup de musique comme ça et j'en profitais aussi. Mais ça j'aimais bien aussi. Mais on reste. Là, on est dans le rock tout à fait accessible. On n'ayez pas peur. C'est pas du métal. Ça va pas crier. Ça va pas être méchant. Bah d'ailleurs, il y a eu. Pour dire, Case Choice, On les voit même dans Buffy contre les vampires, hein, vraiment. Ils chantent dans la série. Ah, ouais. Il y a eu Evil Empire, je crois, l'album là, de Rage Against the Machine. Bulls on Parade. Ah ouais, bah ça. Ça dégage, ça. Oh, ouais. Je l'ai pas écouté en 96, par contre, je l'ai découvert beaucoup plus tard. Mais vraiment beaucoup plus tard. Album exceptionnel. Hein. Alors, Evil Empire, moi, que je plaçais plus dans le métal, mais bon, faire l'après, c'est. Oh bah. Oui, c'est nu. Oui, oui, mais c'est connu. Donc, pas mon album préféré, mais voilà. Les RATM, c'est à écouter pour, bon, historiquement, parce que déjà, avec leur position politique très forte dans les textes, et musicalement. Quoi, ils font de la politique, je savais pas. C'est vraiment un des premiers groupes à avoir matiné le rock et le chant rappé, et à l'avoir rendu surtout aussi populaire, et qui va ouvrir la voie vers des groupes qui sortiront les années après, de tout ce qui va devenir du new metal dans ces années-là, de toute façon, parce que là, on y est en plein. Linkin Park. De toute façon, on va en parler après. Non, Linkin après, Park, Papa Roach, et on pourra parler, notamment de Korn après. Voilà. Je disais ça parce que c'était l'année dernière, je crois, Tom Morello a dû faire une sortie encore politique, comme il en fait souvent, quoi. Et quelqu'un a dit ah putain, comment il a sorti ça en mode Rage Against the Machine qui se mettent à faire de la politique, moi ça me plaît pas, je veux retrouver le groupe de mon enfance et tout. Et j'étais là, enfin, t'as des oreilles ou comment ça se passe là? Non, il comprend peut-être pas l'anglais. Mais c'était un anglais qui disait ça. C'était un anglais. C'était. Ah bah il comprend pas grand chose. C'est juste des gens qui n'ont pas compris, enfin qui comprennent pas la vie en fait. Je pense c'est juste. Voilà, je mets dans le chat parce que je pensais à ça quand je faisais mon truc à la bouche tout à l'heure. En 2008, les Rage Against the Machine ont voulu donner un concert. On leur a, alors je ne connais pas trop les circonstances, je ne me souviens plus. On leur a interdit d'accéder à la scène. Et donc, sur le coup, ils étaient en train d'accéder. C'était pas le concert pour Occupy Wall Street ? Je crois. Quand ils ont voulu faire un concert improvisé comme ça et qui se sont fait arrêter par la police. Et l'idée, c'est que ils ont un mégaphone, que Tom Morello prend le mégaphone, il fait la guitare à la bouche et pendant ce temps, Zach est en train de chanter. Et c'est une version a cappella de Bulls on Parade, justement, en 2008, pendant que le groupe tente de monter sur scène pour. Et voilà. Et ça, c'est vachement. Et ça peut être mis dans la playlist. On remarque que c'est une chanson de 96, ça s'est passé quelques années plus tard. Et c'est, voilà, c'était un moment particulier pour cette chanson de cette année-là. Un peu. Une petite chanson dont je vais parler, parce que, alors Epel va me rejoindre parce qu'on s'en souvient bien, mais je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir. Voilà. C'est l'année de sortie de. Alors on va parler d'un truc joyeux, d'un album de Nick Cave and the Bad Seeds qui s'appelle Murder Ballads, des ballades mortuaires. La chanson est sensationnelle. Ouais, Where the Wild the Roses Grow avec Kylie Minogue. Que déjà, donc, le ténébreux, dans tous les sens du terme, Nick Cave. Et à la voix la plus grave. Alors, la plus grave, non, ça dépend, non. Parce que... C'est Tom Waits qui a la voix la plus grave. Ou Barry White. Et après cette année-là, il y a eu aussi un album de typo négative, pour ceux qui aiment les voix graves. Et donc, sur le coup, ce contraste entre Nick Cave et Kylie Minogue, et donc de cette chanson qui raconte la rencontre entre un homme et une femme qui, elle, pense qu'il est en train de tomber amoureux d'elle et qui, lui, a juste pour dessein de l'assassiner. Voilà. Ah ouais, voilà. C'est pas tout à fait les mêmes plans de vie. Ouais, je et vois avec un clip qui peut se montrer. Mais c'est une chanson qui... Enfin, voilà, je veux dire... C'est très joli. C'est une très très jolie chanson, hein. Vraiment. La mélodie, elle est excellente. Je trouve qu'il y a un tempo très amérindien. Tu sais, dans le côté très indien... d'un rythme de tribu indienne, je trouve. Il y a un côté très western, de toute façon. Nick Cave et les Bad Seeds, c'est très. Ils pouvaient même faire des certaines musiques un peu folk, hein, quand même. Je pense que ça fait partie vraiment des chansons les plus connues de Nick Cave aujourd'hui, avec peut-être. Il y a eu un single sorti quelques années après qui s'appelait Into My Arms, dans lequel on voit des visages en noir et blanc pleurer. Le clip, voilà. Et il est aussi connu pour la chanson Red Right Hand qu'on retrouve dans Scream. Voilà. Une des chansons du film, d'ABO de Scream. Et j'étais complètement sous le charme de cette chanson. J'avais acheté le CD de titre, justement, à l'époque. Le CD de titre. Coucou les jeunes, c'est ouais. Un CD de titre. Oui. Ça se posait, hein. C'est vrai. Et je le dis toujours. Voilà. Mmh. Et bien oui, je confirme aussi, si vous avez l'occasion, même l'album entier Murder Ballads en vrai, hein. Bon, même si c'est pas super joyeux. Tu veux du joyeux? Oui. Marilyn Manson, Antichrist Superstar, c'est 87. Alors, on va en parler maintenant. Pouf, il est là. Pouf, il est là. Il est là. Il est là. Là, là, là. Voilà. Avec Les enfants sont couchés, son arrière absolument fantastique. Les enfants sont formidables. Voilà. J'espère que. Ah oui. Il n'a jamais écouté. Il avait oublié ses vêtements, mince. Alors, moi, en fait, j'avais oublié, c'est vraiment le genre de truc que j'ai oublié que j'avais écouté. C'est pour dire. Juste pour dire, y a un autre album donc, qui est sorti, bah, que je fous, tu dois connaître aussi. Le Life is Peachy de Korn. Bah, moi, à la limite, j'étais même prêt à parler de ça, mais c'est parce que tu as dit que tu veux du joyeux. Donc, non, mais c'était, c'était juste pour ces deux albums, parce qu'ils ont, une histoire commune chez moi. C'est que, ils sont sortis presque au même moment, les deux. Et un jour, je vais avec mes parents, comme toujours, on montait à la ville de temps en temps, et on va au Virgin Megastore de Bordeaux. Et au Virgin Megastore de Bordeaux, il y a le truc des nouveautés. Et parmi les nouveautés, donc, il y a ces deux albums-là. Et le même jour, j'ai acheté en live de Deftones, enfin, peu importe. Et il se trouve que ces deux albums-là, achetés au pif ce jour-là de 96, ben, vont faire partie des albums qui vont me marquer au niveau de la musique, je veux dire, qui vont commencer à me faire aller, mais méchamment, vers le métal. Puisque là... méchant. Méchant, pas en trop encore. Alors, Marilyn Manson, qu'est-ce que c'est? Marilyn Manson, Antichrist Superstar, c'est le second? Second? Troisième? Il me semble, oui. Je suis pas certain. Oui, parce que Portrait of an American Family et celui-là, sachant que l'autre, c'est un album de remix, peu importe. Nouvel album de Marilyn Manson qui donc verse dans le Metal Indus. Alors, c'est tellement Metal Indus que qui c'est qu'on retrouve qui a chapeauté le projet derrière et qui l'a porté à bout de bras? Un petit inconnu du nom de Trent Reznor. Nine Inch Nails, tout ça. La collaboration se passera tellement bien qu'ils ne voudront plus jamais travailler ensemble de toute leur vie. Hein? oui, Antichrist Superstar, c'est quoi? C'est une chanson extrêmement connue quand même, The Beautiful People, que tout le monde a entendu, je pense, au moins une fois dans sa vie. Tourniquet aussi, à quoi dessus? Voilà. Et ou des chansons comme Antichrist Superstar que j'ai mis dans la playlist alternative, dans laquelle Marilyn Manson reprend une imagerie à mi-chemin entre le nazisme et l'église, dans lequel donc il déchire une Bible devant des grands drapeaux rouges avec le signe Marilyn Manson avec son éclair dessus, façon en train d'haranguer la foule comme un despote qui nous exhorterait de détruire la Bible, qui est quand même un grand moment. Et à l'époque, alors aujourd'hui ça pourrait genre faire rire, mais à l'époque les Américains ils rigolaient pas. Genre les associations catholiques, elles faisaient en sorte que Marilyn Manson ne puisse pas donner des concerts dans certaines villes. C'était vraiment la personne, l'homme à abattre. En même temps, il s'enlevait des côtes, c'est normal. Alors, je ne sais pas si l'histoire de l'autofellation en s'enlevant les côtes est vraie ou pas, mais... En tout cas, ce que je sais, c'est que voilà, moi, j'ai que ce Mais soit... en tout cas, on ne sait pas si c'est vrai, mais c'est très à la mode chez certains youtubeurs. Oh. Donc, Désolé. Que ce soit des titres comme le sous-titre qui ouvre l'album, Irresponsible Hate Anthem, enregistré façon live, qui est vraiment très brut de décoffrage, jusqu'au dernier titre, Man That You Fear, qui est sans doute un de mes morceaux, si c'était mon morceau préféré de l'album, avec... On parlait d'ambiance sombre avec Nick Cave, Man That You Fear, il met 100-0 à l'album de Nick Cave au niveau d'une ambiance glauque et sombre. Ah, et oui. on sent qu'il y a un gros, qu'il y a Trent Reznor derrière, qu'il y a un gros travail de prod. L'album est très bien produit, très bien enregistré. Et on est vraiment sur l'ancien Marilyn Manson qui va un peu se modifier après avec l'arrivée de John 5 sur Mechanical Animals. Mais bon, ça c'est aussi pareil, c'est pour plus tard. Mais John 5 aussi, bon, on aura l'occasion d'en reparler un jour, mais un guitariste totalement, comment dire, sous-estimé. Quand tu vois que le mec, il est capable de jouer, il a joué avec Marilyn Manson, il est fan de musique country, et je ne sais plus quel genre aussi, très particulier. Et il se retrouve avec Rob Zombie maintenant. Ouais. Ouais, donc oui. Et donc l'autre, le second album, donc le Life is Peachy de Korn, rapidement. Qui n'est pas mon album préféré. Life is Peachy de Korn, c'est un petit peu, alors je vais parler comme métalleux encore, c'est l'équivalent du Iowa de Slipknot. C'est-à-dire, c'est le second album. Tout le monde a les yeux rivés vers eux. On attend de voir ce qu'ils vont faire. Et ils sortent ce qui restera l'album le plus noir, le plus opaque, le plus difficile à entrer de toute leur discographie. Issues, non ? Je trouve que Life is Peachy est encore plus noir, plus sombre et plus... Là, le... Discutable. On retrouve notamment ma chanson préférée, moi, c'est Good God, que j'aime toujours beaucoup. La chanson la plus connue de l'album, c'est Adidas, ouais, qui est l'acronyme de All Day I Dream About Sex. C'est son clip absolument fabuleux dans lequel le groupe est ramassé et mis dans des sacs mortuaires après un accident de voiture. Et qui, à la fin du... on a des caméras dans les sacs mortuaires à la fin du clip et ils se mettent à se réveiller et à bouger. Voilà, bon, bref. C'est l'empire scorn. La joie. Convivial et gay. La joie. Très convivial. C'est le thème de cette émission. Voilà. La joie. Mais voilà, il faut s'imaginer que c'est clair que moi, à l'époque, ça fait partie. Et donc là, on est totalement dans ce qu'on a appelé le new metal et ce qui va se développer avec du chant parfois rappé, avec même une reprise Wicked de qui ? Alors, c'est une reprise de qui déjà, Wicked ? Bonne question. Attends, bouge pas. On entend Chino Moreno Ice Cube. C'est une reprise d'Ice Cube. Donc on a carrément des liens directs, des ponts directs vers d'autres genres musicaux que le métal n'allait pas chercher d'habitude. Est-ce que c'est un album que je conseille à écouter en entier? Pas forcément. C'est vraiment, il y a vraiment des morceaux un peu strange. Wow. Le dernier Kill You par exemple, qui est donc une ode à sa belle-mère qui le persécutait étant enfant en lui mettant notamment du tabasco dans son thé quand elle lui faisait un thé quand il était malade. Ah bah ça dégage après le... Ah ouais. Voilà. C'est un peu le même principe que le Vicks Vaporub, mais voilà. Mais que serait un album de Korn sans un peu de drama personnel, Jonathan Davis, en tout cas pour la première époque. Sachez qu'en tout cas que Korn est aujourd'hui est quand même... habillé oui, bien revenu, ils continuent, ils sont voilà, ils ont connu une grosse période creuse il y a une dizaine d'années. Là, ça va quand même beaucoup mieux. C'est un groupe qui tournerait encore s'il n'y avait pas eu Covid, mais qui va bien. Et voilà. Après, si vous aimez Korn, il y a l'album éponyme, il y a Follow the Leader, et voilà, ouais. Issues à petite dose, et puis bon. Je pense Follow the Leader qui viendra après et objectivement plus réussi. Mais on en a parlé de toute façon pour l'année. 80. On en a déjà parlé, donc. Voilà. Pourquoi tu me dis de couper, toi ? Ben, vas-y, t'as quoi à dire ? Alors, tu veux le casque ? Moi, je sais. Faut le dire. Alors, mon assistante souhaiterait que je mentionne l'album All by Myself. J'allais dire, elle veut parler de la Céline. Ben voilà. La note. Alors, la note. Raconte l'anecdote de la note. Ah ben non, merci. Et donc, sur le coup, oui, la fameuse note de sur la fin du Anymore, de All By Myself, qui est cette fameuse note que combien il y a un être humain et demi sur Terre capable d'atteindre, que Céline atteint pour la première fois, c'est l'album qui l'a fait. Ben bref, en gros, Céline Dion, pour vous situer, c'est quelqu'un qui a déjà une voix exceptionnelle et qui, en plus, là, montre qu'elle écrase les autres, mais... comme ça, voilà. Et donc, oui, si c'est vrai, cette fameuse note, alors je ne sais pas quelle est la note, les musiciens pourront répondre, mais oui. D'accord, je ne savais pas. C'est une reprise, mais c'est une chanson qui est notable pour, voilà, c'est dépasser la fameuse note du Anymore à la fin. 7 sur 10, merci, Matt Ball. Alors, reposez vos petites plaquettes. Tu as quelque chose d'autre à ajouter sur cet album qui est un album en anglais dont nous, enfin moi perso, bof, voilà, bof. Merci Pupi, bof. Pas... Tu veux aussi parler des Fugees ou ça va aller? Ben, c'est pour Bozic ça, les Fugees. Je confirme, j'ai toujours l'album. Donc c'est l'année, oui, parce que voilà, je te fais le pont, c'est l'année de Killing Me Softly, vous dites ça. Ah, celle-là, elle a tourné beaucoup à la radio aussi, hein, je la connais. Hein. C'est le seul moment où son micro n'a pas saturé, c'est quand il a chanté. C'est exactement ça, c'est pour ça que j'ai rien dit. Mais par contre, il a raison, et ça tournait en boucle. Je veux dire... oui. Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est une reprise de Roberta Flack aussi, c'est pas la chanson originale. Ah, je savais pas. C'est une reprise de Roberta Flack. Donc, ouais, c'est un album que j'aime déjà la chanson, mais c'est un album que je trouve fabuleux. Et si je peux vous conseiller quelque chose, c'est aussi de. d'écouter bon, l'album solo de Lauren Hill, qui est magnifique, mais les albums solo de Wyclef Jean. L'album solo de Lauren Hill qui a été classé dans le top 10 des meilleurs albums du siècle ou je sais pas quoi par Rolling Stone récemment quand même. Ce que je peux comprendre, l'album, ouais. il est fabuleux. Après, je préfère quand même The Carnival de Wyclef Jean, mais bon, après ça c'est autre chose. Oui, mais c'est un album qui a super bien marché. Hein. Je comprends toujours pas pourquoi d'ailleurs. Bah non, mais disons qu'avec l'époque, c'était particulier. Hein. C'était pas le genre de truc qui était écouté véritablement à l'époque. Hein. Tu prends un album qui est sorti exactement au même moment, qui est le California Love, le All Eyes on Me de Tupac avec California Love. Mis à part California Love, il n'y a personne qui se rappelle une autre chanson. Hein. Oui. Et pourtant, c'est un double album. Hein. Ah ouais, alors, merde, c'est con. California Love. Ouais, bah oui, non, mais c'est pour ça. C'était pas vraiment les chansons des artistes que vous pouvez écouter à l'époque. Et pourtant, l'album s'est super bien vendu. Oui. Et c'est comme il est, je crois qu'il est dans les 450e meilleur album de tous les temps. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal, hein. Ouais. Hein. Ce qui est pas mal. Hein. Dans ces eaux-là, je crois, je suis pas sûr exactement, mais c'est ça. Oui, donc les Fugees, très bien. Très bien. L'album de Pras aussi, il faut l'écouter parce qu'il est bien. Pras, bah, vous devez connaître Ghetto Superstar. Hein. Sans doute, après, c'est vrai que ça fait partie de l'époque aussi où les titres des chansons, je les connais pas. Donc, Ah, mais je suis sûr que tu connais. Tu tapes Ghetto Superstar, tu écoutes la chanson. Ouais, je pense que je dois connaître, ouais. Bah, on parlait de musique de film tout à l'heure, mais quand même, il y a un truc qui a bien cartonné, c'est Gangsta Paradise. Ah, bah voilà, j'attendais que t'en parles. Bah ouais, parce que par contre, pour moi, Gangsta Paradise, je sais que c'est une musique d'un film que je n'ai jamais vu, mais la musique en elle-même, je sais pas pourquoi, elle m'a toujours marqué, quoi. C'est peut-être le truc qu'on fait des caisses, tu vois, j'en sais rien, je sais pas, mais je la trouve très marquante, cette musique. Et bah déjà parce que tu dis merci à Stevie Wonder. Ouais, et elle est... Elle repasse dans ma tête souvent, cette musique, en fait. Tu vois, elle m'a... quand je dis qu'elle m'a marqué, c'est elle m'a marqué. Donc, Gangsta's Paradise. Super, franchement super. Le film, c'est Esprit Rebelle. Hein. Esprit Rebelle. D'accord. Bah, mais tout le monde s'en rappelle parce qu'il y a Michel Pfeiffer dedans, en fait. Bah oui, et la chanson. Et la chanson. Non, mais moi, le premier... Que j'avais pris le CD de titre encore de celle-là. Bah ouais. Moi, je l'écoutais au lycée parce que j'avais un de mes potes qui emmenait un gros poste pour qu'on puisse l'écouter. Ouais. Donc, c'est de très bons souvenirs. Bah ouais, c'était pas mal ça, franchement. Bah, tu peux pas te louper quand tu reprends Pastime Paradise de Stevie Wonder. Faut vraiment être nul pour se louper. Hein. Bah, sans doute, ouais, je pense. Mais, Alors, mais moi, par exemple, je connais plus cette reprise que l'original. Tu vois. Enfin, clairement. Oui, mais c'est normal. Et puis, ça fait partie des chansons de Stevie Wonder que tu vas pas entendre le plus, même à la radio. Alors qu'elle est quand même connue. Hein. Bah, je voudrais évoquer aussi, dans la série, les albums suivants de groupes qu'on a beaucoup entendus et qu'on les attendait au tournant. Un album que j'ai beaucoup aimé cette année, une petite anecdote par rapport à ça, c'est le To the Faithful Departed des Cranberries. Donc les Cranberries qui ont explosé avec Zombie et leur album précédent, qui sont attendus au tournant. Parce que sur le coup, on se demande s'ils sont capables de faire autre chose. C'est un album que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Salvation, When You're Gone, Free to Decide, I Just Shot John Lennon. C'est un album que j'ai beaucoup écouté à l'époque, que je trouve très cool et qui, bon, toujours pareil, on n'est pas du tout dans le métal. Petites anecdotes pour rigoler, le single de Free to Decide a une espèce de machin là, hop, qui s'ouvre en relief quand vous. D'accord, ça c'est pas mal. Oui, c'est des pliants. Et ils avaient sorti une box jaune qu'il fallait remplir avec les singles que vous achetiez à l'époque, que j'ai quelque part par là, mais que j'ai pas réussi à retrouver en 15 jours, ce qui est quand même un exploit. Et juste pour les rendez-vous manqués, il y avait ce petit coupon, dans ce qu'album est sorti dedans, qui dit donc, hop, le CD aujourd'hui, les concerts demain, Et à l'arrière, on peut voir en date du 3 novembre 1996, Bordeaux, la patinoire Mériadec. Le concert était prévu. Sachez que, donc, à cause d'un souci de santé de Dolores, ce concert n'aura jamais lieu. Et je me ferai donc rembourser ma place à l'époque et je ne verrai jamais les Cranberries en live, sur le coup. Et merde. Voilà. C'est terrible. C'est ballot. C'est pas cool. Voilà. Mais j'avais ma place. Mais bon. En parlant de jamais voir en live, bah allez, je le sors, hein, je le fais péter. Il est là. Ah. Putain d'album hein, quand même ça. Hein. Vinyle, wow. Ah vinyle bah oui, d'époque hein. Ou vinyle réédition? Vinyle d'époque. Oh. Acheté à Amiens, alors que j'étais en vacances au pif, je suis rentré dans une boutique où il y avait plein de disques. Je suis dans un bac. The fuck, sans les conner, j'ai d'accord, ok. Je monte le prix, le gars me dit 20 balles, d'accord, vas-y, tiens, j'ai jeté le billet sur le comptoir, je suis parti. Le... Quoi. J'ai avant qu'il change d'avis. Le digipack limité de l'époque qui est sorti en même temps que l'album. Il y a un truc avec, je crois. Ouais. La réédition Roots of Sepultura avec un second CD avec ouais. Plein de bonus. Ouais, c'est celui-là. La nouvelle réédition spéciale 25 ans de Roadrunner avec un autre CD bonus avec des contenus totalement différents de la première. Ouais, voilà. c'est ce que j'ai vu. Il y a une reprise de Marley dedans, il y a des trucs, ouais. Voilà. Et donc, cet album, en fait, je l'ai eu en 96, je l'ai acheté dans mon Leclerc au pif. Au pif. En vrai, je ne sais plus qui m'en avait parlé. Je lui ai dit, bon, vas-y, je vais perpéter. Je suis rentré, j'ai foutu ça dans ma stéréo. Et j'avais mis le son un peu trop fort, tu sais, quand tu vois comment démarre route, tu te demandes s'il y a du son, bien du coup, boum. Ok, d'accord, super. Et en vrai, c'est un album que j'aime beaucoup. Il y a pas mal de trucs dedans qui sont très intéressants, les percus. Les thèmes aussi sont assez particuliers, surtout avec Ratamata, qui est très marrante en fait. Enfin, qui n'était pas amusante, on va dire, au sens propre du terme, mais voilà, qui fait référence à Zombie Dos Palmares pour... parce que c'est voilà, aller voir qui est cet homme. Il y a pas mal d'instruments aussi très particuliers, il y a du berimbau, il y a pas mal de trucs, enfin c'est un album très complet. Et c'est un album qui, quand dans le début des années 2000 on a commencé à avoir la DSL et que je piratais des clips sur genre Napster et compagnie, ben en vrai j'ai regardé les clips, voilà, et je suis tombé sur le clip Attitude qui est très très particulier, ce clip. L'un de mes clips préférés probablement de tous les temps. Ah oui. Et le clip est très marrant parce qu'en vrai, à cette époque, je regardais déjà en fait l'UFC. Et ça représente, voilà, ça représente un combat de MMA si tu préfères. Mais un combat de MMA avec Royce Gracie. Voilà, dedans, tu vois toute la famille Gracie, tu vois notamment Elio, qui déjà à cette époque était déjà une légende. Et il y a pas mal de trucs, en fait. Le clip, je trouve fabuleux. Et surtout, la famille Gracie, elle est mentionnée, en fait, dans les remerciements de l'album. C'est un truc que j'ai découvert, en vrai, quand j'ai acheté, en fait, le vinyle. Et voilà, quoi. C'est vraiment un album que j'adore, qui est vraiment excellent. Voilà. Ben, je vais compléter en disant que oui, The Roots of Sepultura, c'est un album qui fait le lien entre ce qu'était le métal avant, le speed trash des premiers temps, de Schizophrenia, de Morbid Vision, des premières époques Sepultura. Ils ont commencé à muter avec surtout l'album Chaos AD, donc finalement ouais. Roots, c'est jamais que l'évolution de Chaos AD, c'est pas extrêmement surprenant. Par contre, sur le coup, c'est un album qui aussi sera le dernier du groupe Sepultura dans sa formation originelle, à peu près que Max Cavalera se soit engueulé avec Andreas Kisser et son propre frère à la batterie et qui se barrera pour former Soulfly de l'autre côté. C'est un album qui est tellement à la croisée des chemins entre le death thrash d'un côté et de l'autre côté le new metal qu'il a une chanson qui s'appelle Look Away dedans, qui n'est pas la chanson la plus connue ni forcément la meilleure, où on trouve trois personnes au chant, donc le Max Cavalera qui est là, un type qu'on connaît qui s'appelle Mike Patton, chanteur de Faith No More, et Jonathan Davis de Korn, on D'accord. retrouve ces trois chanteurs sur un seul titre qui finalement ben, est là pour venir apporter, montrer que cet album c'est un album charnière de en gros il y aura un avant et un après Roots of Sepultura, et même si le premier Korn est vraiment connu comme étant un des premiers vrais albums de New Metal, cet album là va vraiment faire le lien entre les groupes et le lien entre les générations et le lien entre, entre ces époques là. C'est un album aussi que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup écouté. Je me souviens, je l'ai mis dans la playlist alternative, c'est le premier truc de la playlist alternative, je me souviens de leur passage à Nulle Part Ailleurs qui m'a vraiment marqué avec un Max Cavalera avec les cheveux rouges à l'époque. Ouais. J'ai mis uniquement le moment où ils jouent donc Roots, Bloody Roots et Ratamata au, en live, mais il y a toute l'interview qui est avant. Si vous regardez la, la personne qui a applaudi, il y a toute l'interview avant de, donc, de Max Cavalera. Moi ce soir-là, j'étais devant Nulle Part Ailleurs, j'étais devant ma télé, j'ai vu ça. Et c'est pour dire, voilà, c'est un album qui est vraiment. Vraiment fantastique. Après, après, tu mentionnais le virage qui avait été fait avec Chaos AD, mais il y a un autre truc avant qui était un petit projet qui s'appelle Nail Bomb, que perso, oui. ma vie, je ne sais pas si tu connais. L'album de, oui, le projet Cavalier. Ouais. Voilà. Et donc, sur le coup, c'est un album. Alors, attention, public non métalleux, warning. Là, par contre. Ouais, non, non. C'est... voilà. Mais de toute façon, rien que le clip de Roots va vous mettre dans le bain. Et si Roots, vous sentez que vous avez envie de vous taper la tête contre le mur au bout de 30 secondes, essayez pas l'album entier sur votre clip. À la limite, je dirais presque mes attitudes, le tempo de la musique est déjà un peu plus sympa. Tu commences avec des percus, avec voilà, des trucs. Ben, à mon avis, c'est déjà un truc peut-être un peu plus accessible. Quoi. Attitude que justement Max Cavalera reprendra avec Soulfly sur le premier album des années après et s'amusera à booster le tempo comme un âne. Voilà, juste pour le plaisir. Bah, tu les as déjà vus en live, Soulfly ? Oui, plusieurs fois. Deux fois, ouais. C'est... Ouais. C'est, comment dire, je sais plus qui c'est, je crois que c'était Stevie Ray Vaughan aussi, où tout était 25-30% plus rapide lors des lives, parce que tu sais pas si le mec il avait pas le temps ou s'il voulait caser un maximum de trucs en 2 heures. Mais ouais, ah mais c'est ça, un peu ça. Donc pour la petite anecdote, on a vu Soulfly dans une dans une péniche aménagée qui s'appelle Livebot à Bordeaux, où en gros c'est dans la cale d'une péniche avec on était 400 environ et on était tellement près qu'on pouvait attraper le micro de Max. Et d'accord. Plus jamais. Et tu l'as pris du coup. C'était une chaleur absolument ahurissante. On s'est même avec les bouchons, on s'est pété les oreilles. Plus jamais. Mais c'était une expérience. Ah, toi aussi. toi aussi tu es sorti de ces concerts. Mais défoncé au niveau des oreilles. Ah là, d'accord. C'était pas bien, fallait pas. Là, c'était. Ouais. Le deuxième live que j'ai fait, depuis ce temps-là, je fais les acouphènes et j'avais les bouchons. Il faut mettre. N'oubliez pas vos protections. Quand vous allez voir certains lives, suivant les circonstances, il faut. Ouais. Complètement. Protégez-vous, oui. Merci, Pipi, protégez-vous. Ne faites pas ça chez vous. Enfin, voilà. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter d'un point de vue musical, un truc CD dont il voudrait parler. Oui, on peut pas partir. Vas-y, on peut pas partir. Sans une reprise des YMCA. Fait par les Schtroumpfs. Quoi ? Ah, alors je pensais que j'allais niquer tout le monde avec mon World's Apart featuring Gigi Gold, mais d'accord. Ah, mais oui, moi j'aime danser, c'est ça, moi. Ben oui, putain. Je l'ai. Tu l'as ? Mais oui. Enfin, je l'ai dans ma tête, ça y est. Ah oui, je croyais que tu me dis j'ai l'album. Je l'ai dans les mains. J'ai flippé d'un coup, là. Non, parce que vous ne pouvez pas partir sans ça. Il y a eu l'album des Schtroumpfs, en fait, carrément. Ouais. Ils ont fait plein de reprises. Ben oui. Donc, moi, j'aime. Moi j'aime danser. Ça, ça y est, ça revient. Et l'album, c'était. Attends, je vais retrouver. C'était la Schtroumpf Party, c'est ça ? Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Putain, c'est ça. La Schtroumpf Party, je l'ai. Je sais pas quoi, ça faisait des voix horribles. C'était de la merde. Pardon, mais. Il y avait aussi. Mais il y avait plein de reprises. Mais des. Putain, no. Oh là, je l'ai déjà retrouvé sur YouTube. Ah putain, Boris. Ah, la vache. Je savais que j'allais vous faire plaisir avec ça. On pouvait pas partir sans sur les films sans ça. Moi, ça me fait mal. Ah la vache. Ah merde, ah, je pensais que j'avais tué le game, mais en fait, non, quoi. Bien joué, bien joué. Non, c'est 96, ça, là, je trouve parti. 96, c'est une année très, très, très, très prolifique, très en sale, une gueule horrible. Hein. Et encore, hein, je dis pas tout ce qui est sorti, parce qu'il y a vraiment des trucs sales. Hein. Je vais m'arrêter sur celle-là, on peut faire autre chose. Hé, hey, non, tu nous arnaques, c'est 95. Ah, ah, ah. Le single. Ah, le single, peut-être pas. Ah, c'est... Le single, c'est 96, il me semble. Ah ouais. Ah. Et Philly Winter aussi avec son Shame on You ou pas? J'en ai parlé tout à l'heure vite, je l'ai fait passer comme ça. Le problème, c'est quand on parle de Philly Winter, je repense à Bernard Tapie dans Les Guignols qui disait « Elle est comme une mobilette de banlieue, elle est entièrement quittée. » Oh, mais c'est dégoûtant. Mais je te promets, hein, tu balances le nom, je repense à ça à chaque fois et je ris. Je me dis « Putain, c'est terrible. » Bon. 26-10-96, hein, le single. D'accord. Oui. D'accord. Ok. Voilà, donc moi aussi j'aime danser. Oh non. Voilà. Terrible. C'est tout pour moi. Mais voilà, parce que. Putain. Ben, ouais, y a des, ah mais non, des mais parce que. Forts. Ah mais c'est vous, j'ai compris pourquoi. Mais c'est parce que c'est le 1 qui est sorti en 95. Mais il y a eu la Schtroumpf Party 2. Oui. Et il y a eu la Schtroumpf Party 3. Oh là là là là. Non mais c'est horrible. Quelle horreur! Je pensais pas te tuer comme ça, moi. Pardon. Ah oui, mais parce que je me souviens des chansons. Putain, mais c'est terrible. C'est horrible. Toutes mes confuses. C'est horrible. Je me souviens presque toutes celles que je vois en plus. Putain, j'ai dû l'avoir. Ça veut dire que j'ai eu la... Je pense que j'ai eu l'album, quelqu'un dans mes connaissances l'a eu. Peut-être toi. Désolé. On peut passer au film. Bah oui, parce que là, parce que moi, je me dis, après, il y a des albums que j'ai pas cités, de groupes que j'écouterai plus tard. J'aurai l'occasion d'en parler dans d'autres années. Il y a un album d'Opeth, de Cradle of Filth, de Blind Guardian, de Stratovarius cette année-là. Mais tout ça, j'écoutais pas encore à l'époque, donc ce serait tricher. Je ne vais pas en parler. Voilà. On aura l'occasion d'en venir plus tard. Et donc, les films. Alors. les films. Quels sont les films qui vous... Mais ouais, mais le truc, c'est... Je me suis dit au début, il y en a vachement... Mais non, finalement, si je prends ceux qui m'ont vraiment marqué, ceux dont j'ai vraiment envie de parler, est-ce qu'il y en a tant que ça? Et ouais, ça a quand même été une année très productive, hein, en film. Hein. Il y a vraiment des films, beaucoup qui m'ont marqué, mais qui n'ont pas forcément marqué l'histoire du cinéma, pour rejoindre ce que tu disais, hein, forcément. Et du coup, bah ouais, il y a quand même eu des films très marquants, Beyond. Mais je sais lequel tu vas dire en premier. C'est à toi de le dire, Beyond. Bah oui. Ah bon ? Celui que tu avais mentionné tout à l'heure, qui se terminait par la musique. Alors, on va aller faire un petit coucou parce qu'il va avoir besoin de beaucoup de courage en ce moment. C'est donc le Bernie d'Albert Dupontel. Oui. D'accord. Ouais, ok. Donc... Albert Dupontel, le sale gosse, un des sales gosses du cinéma français, qui sort son premier long métrage et qui frappe un grand coup, on va dire un coup presque aussi grand que celui qui avait frappé Poulvord à l'époque avec C'est arrivé près de chez vous. Oui, c'est vrai, c'est t'as raison. Un coup de pelle. Un coup de pelle. Un coup de pelle. Et, ouais. Et justement, il sera question de pelle dans le film. Mais ne spoilons pas. Oui, il sera aussi question de petit oiseau. Oui, bon. Et donc, sur le coup, ce film, Bernie, c'est Dupontel. Le gars qu'on sait déjà pour son humour particulièrement subversif et pas franchement enfant friendly, qui fait un long métrage dans lequel il se dit on va bosser tous les potards à fond et on va faire n'importe quoi. Et. À l'époque, c'était financé, c'est sorti et ça a fait un carton. Moi, ça m'a marqué, mais un point. Enfin, voilà, Bernie, c'est. Enculé, sans prendre un bébé. J'ai un cousin qui adore ce film aussi. Hein. Oui. Et je ne l'ai jamais vu, moi. Alors que pourtant, je suis sûr que j'aimerais. Ben, alors il faut le voir une fois, tout en sachant que, voilà, alors là, par contre, warning mille fois aux gens qui. Qui aime ni la vulgarité ni. J'en ai vu des extraits. C'est grand n'importe quoi. Mais c'est plus que de la vulgarité là. Il y a des fois c'est. Ouais. Et sachant ceux qui aiment, je veux dire ceux qui aiment les films subversifs et qui regardent les films de Lachaud, ils vont être pas bien avant la fin. Hein. Et Et donc, sur le coup, moi, coucou Albert Dupontel quand même, parce que son film Au revoir les cons est censé sortir dans quelques jours. Bah, à mon avis, c'est mort, ouais, c'est compliqué, ouais. Autant dire que c'est le pire moment possible, imaginable qu'il soit. Je l'ai vu en avant-première, j'ai passé un super moment, mais j'ai vraiment très peur pour l'avenir de son film, sur le coup. Et ça fait chier. Voilà. Et donc, sur le coup, Dupontel fera plein d'autres choses cool après. De toute façon, j'aurai l'occasion de reparler parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Que ce soit le fantastique Enfermé dehors est tout à fait sous-estimé. Merci, Jamais de bol, qui est vraiment un film génial. Ou le Vilain avec Catherine Froh, l'espèce de huis clos dans lequel elle joue sa mère, enfin, qui est vraiment très très bien aussi. Moi, j'ai préféré Enfermé dehors. Mais bon. Ouais. Ah, mais Enfermé dehors, il est fou visuellement. C'est quelqu'un, c'est un ami de Terry Gilliam et tout ça. Et il joue dedans d'ailleurs, dans un caddie. Voilà. Ou alors le dramatique Au revoir là-haut, qui lui a des touches beaucoup plus dramatiques qui fait plus. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est en train de devenir un petit peu un espèce de nouveau Jean-Pierre Jeunet dans la façon dont il fait les films. Je trouve pas que ce soit quelque chose de péjoratif personnellement. Mais là, voilà, Bernie, il est brut, il est très brut de décoffrage. Il peut surprendre, il peut malmener tout du long. Mais c'était vraiment, vraiment un film qui m'a beaucoup marqué. C'est un film qui est fait pour choquer, hein, ça se voit. Hein. Mais tu sais, parce que là, c'est, comme tu dis, c'était son premier film. Et Dupontel, il était quand même très connu, tu sais, pour ses sketchs qui prenait pas de gants, hein, quand même. Tu sais, quand ouais. C'était quand même, c'est extrêmement sa façon d'aborder ses personnages. Hein. Et ses films, c'est la même chose. Quoi. Petite parenthèse, oui, Monsieur Chou, tu voulais. Je pense que je vais vous quitter en fait. Je suis très fatigué et j'ai super faim et j'ai un peu mal au dos. Donc si ça vous dérange pas en fait. On faisait juste un petit tour de film. Non mais quand même. Non mais ouais. C'est juste que là, j'ai rien avalé depuis midi et je commence un peu à avoir de double. Ah ouais, bah ouais, effectivement. Ou alors, à la limite, on fait un truc, comment dire, je coupe mon micro, je reste avec vous et je coupe la webcam, comme ça je mange tranquille. Je préfère. C'est possible. Ok. Ah bah, voilà. Totalement. Oui. On fait comme ça. Allez, je reviens dans une minute le temps de. Il n'y a pas de soucis. Du coup, vous avez l'image. Ah, du coup, c'est ouf parce que vous avez l'image de Bozic qui nous a demandé de mettre pour lui en bas à gauche, et vous avez l'image actuelle de Bozic qui a pris la place de Monsieur Chou. D'accord. Et Bozic qui en plus est là, donc il prend deux places, mais il n'est pas là. C'est quand même. Je confirme, je suis toujours là. Ah, si, il est là. Moi, sur le coup, moi, je vais parler d'un film qui m'a marqué. Je sais plus si je l'ai vu exactement à l'époque ou pas, mais on va rapidement parler. Je pense que, vas-y, tu vas vouloir en parler aussi éventuellement. C'est Une nuit à l'enfer. Ouais, mais il n'est pas sorti en 97 chez nous. Ah bon ? C'est fort probable, si. J'ai commis un impair ? Je crois que c'est en 97 chez nous. Après, j'aime le film. Hein. J'ai un amour fou pour le film. Et je me sens moins seul. On l'aura tous fait. Ouais. Il me semble que c'est 97, Une nuit en enfer chez nous. 96 aux États-Unis, ouais. C'est non. Ah non, 96 en France. 26 juin 96 en France. Non. Bah ouais, moi je l'ai pas vu aussi, mais je l'ai vu plus tard. Moi. Avec un avec un acteur pas trop connu en plus, hein. Oui. Bah oui. Donc qu'est-ce que c'est donc Une nuit en enfer? C'est un film de Robert Rodriguez, scénarisé par Quentin Tarantino. Et oui, George Clooney avec Harvey Keitel, avec, enfin, voilà, c'est voilà. George Clooney avec un tatouage. Et c'est vraiment le premier film pour moi qui a, parce qu'autant Desperado j'étais passé à côté, c'est vraiment le film qui m'a fait aimer Robert Rodriguez et le cinéma de Robert Rodriguez. Ouais, c'est surtout Selma Hayek qui t'a fait aimer ce film. Bah, elle danse bien. Alors, c'est surtout Satanico Pandemonium qui t'a fait aimer ce film. Pense bien au Selma Hayek. Alors, d'accord, mais alors personnellement, moi je retiens plus le Rose McGowan dans Planète Terreur, mais c'est une autre histoire. Est mon Rodriguez préféré, Planète Terreur. Vraiment, encore aujourd'hui, je trouve. Mais non, voilà. Moi je vais peut-être surprendre en fait avec Une nuit en enfer. Moi, la première fois, je ne l'ai pas aimé, en fait. Parce qu'en fait... Alors, moi, j'ai surkiffé, mais... ouais, mais pour un truc bizarre, c'est que de toute façon, c'est assez logique. Le film, on en avait déjà parlé, le film est coupé en deux, hein, clairement. Oui. Et c'est voilà. Ça, c'est magique. Et bah ouais, bah moi ça m'a complètement perdu, ça m'a pas plu. L'autre film qui m'avait fait le même effet, alors que tout le monde l'acclame, mais moi ça me gêne ce genre de truc de coupure, j'ai pas l'impression de rester devant le même film, c'était pour La Ligne Verte, tu vois. Bah moi ça m'a troublé, tu vois. Ah ouais. Et là, Une Nuit en Enfer, c'est la même chose, c'est que donc tout commençait comme un Tarantino, j'étais content, j'avais l'impression de retrouver un réservoir d'op, quoi, tu vois, un truc vraiment cool, et puis à la fin... Et là, tout de suite, ça part en live, mais je peux comprendre, c'est l'idée de que ça casse justement la narration et tout, mais il aurait quand même fallu distiller le... Enfin, que ce soit pas aussi brutal, quoi. J'ai l'impression de vraiment de pas... C'est l'inverse. C'est parce que c'est brutal que je trouve ça fabuleux. Ah ouais, ouais, bah moi, ça m'a pas plu, ce truc-là. C'est ça, ouais, que tu t'installes, tu dis, oh, ça va, propos, ça a son rythme, et tout à coup, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais quoi? C'est genre, on ne pas ce que tu es en train de regarder d'un coup. Tu vois, c'est même pas pour dire... Ouais, c'est bizarre, mais bon, je comprends qu'on puisse aimer, hein, sans déconner. Bah, mais moi, disons ça... que les gens qui sont habitués à regarder des films d'horreur tout le temps sont contents. Moi qui en regardais tant. Oui, bas. C'est ça, oui. T'as la grosse surprise là que tu t'y attends pas, que tu vois. Voilà. Je ne l'ai pas vu. Mais alors, justement. Oui. Non, j'allais dire, Pell, je te conseille de regarder le dernier pub avant la fin du monde. Mais je l'ai vu. C'est vrai? Mais je l'ai vu. Et alors, Moa, tu tombes pile dans le truc. Hein. Ah ouais, ça m'a pas plu à cause de ça aussi. Ah, c'est terrible, vraiment, parce que c'est bon, mais vu, j'étais là en mode... T'as un problème avec les films, en fait, qui changent... Bah, qui changent de narration. On en est là, quoi. Moi, ça me plaît pas. Je veux dire... Non, je comprends pas ça. Papy Pell n'est pas content. Oui, non. Voilà. Mais je veux dire, par contre, le dernier pub avant la fin du monde, lui, il a encore autre chose. C'est que j'ai pas trouvé ça très bon en plus. Parce que Nuit en Enfer. Ah, c'est pas le meilleur des trois, clairement. Je pense. Enfin, ouais, de franchement, mon avis, il est pas terrible. Hein. Ouais. Oh, si, il est bien, par contre. Côté de Hot Fuzz. Et attendez qu'il joue à Last of Us 2, on va rigoler. Alors, j'ai toujours pas fini. Parce qu'il n'y a pas ce qu'il reproche là dans Last of Us 2, par contre. Tiens, le dire. Ah bon? Non. C'est, je sais, ce qui, je non. comprends ce qu'il reproche. Et dans Last of Us 2, il n'y a pas ça. D'accord. Y a pas non, mais il y a un truc qui va lui faire très mal aux fesses. Joue... Mais non, mais je sais ce que c'est. Mais ça, c'est okay. Pas pareil. C'est, la même... c'est le même univers. Oui, c'est ça, en fait. C'est même pas... C'est que tu changes d'univers. Mais moi, ça me gêne, moi. Vraiment, ça... Mais en fait, dans Une Nuit en Enfer, tu ne changes pas particulièrement d'univers. Hein. Ouais, ça, je sais pas. Il y a plein de petits trucs qui te... Il y a plein de petits indices, il y a plein de petits trucs qui te montrent que tu vas... Que tu alors, vas tu vois, si ça se passe comme ça, il faut que je le revoie. Hein. Parce que justement, c'est, je veux dire, s'il y a des indices et trucs, au final, tu t'y attends un peu. Rien quand t'arrives devant le Titi Twister. Moi, je sais. Rien que déjà t'arrives devant, tu sais que ça va être n'importe quoi. Tu vois Tom Savini. Moi, j'ai envie de dire, j'ai pas vu du coup Une Nuit en Enfer, mais il y a quand même un indice, c'est quand t'as Quentin Tarantino et Rodriguez dans le truc, tu vois, tu te dis, il va se passer quand même un truc à un moment, sans doute. Bah, non, mais en plus, tu vois, quand tu vois Tom Savini, c'est un des plus grands maquilleurs de tous les temps en termes de, ouais. De l'horreur, quand tu le vois lui. Je sais. Mais alors justement, je voulais savoir, quand vous avez vu le film, vous saviez, vous, que ça allait partir là-dessus? Parce que moi, déjà, ouais. Quand j'ai vu le film, je savais pas que ça allait être une histoire de l'empire. Je m'attendais à un truc gore parce que j'avais vu Desperado et que ouais. Je savais que ça... Desperado part en couille, mais total. Desperado, c'est un grand n'importe quoi. Je m'attendais à n'importe quoi. Pas comme ça. Et juste pour compléter sur... Oui, vas-y. Non, franchement, Pell, en plus, l'affiche du film, il est écrit « Il n'y a plus de limite ». Ah, voilà. Je ne sais pas. Juste pour dire, donc oui, quelques années après, donc Rodriguez réalisera Sin City avec Frank Miller. Ah, très bien, avec ça. Avec le maestria qu'on connaît. Et surtout, il réalisera un diptyque moins connu parce que plus confidentiel, mais que je vous conseille Machete. Très chaudement, Machete et Machete Kills, qui aussi dans le n'importe quoi. Et ben oui, avec Danny Trejo, donc dans la. Machete n'envoie pas de texto. pour le coup, Machete, c'est vraiment réussi, hein, en vrai. C'est vraiment bien. Ah, ça fait mal. Et je tiens à dire encore une fois que Alita Battle Angel est un film vraiment réussi compte tenu des contraintes que Rodriguez avait. Et voilà. N'oubliez pas Spy Kids aussi de Rob Reggers, parce qu'on a tendance à oublier qu'il a fait aussi une série pour les trois Spy Kids. Et pour Battle Angel Alita, pour avoir vu le film chez toi, Viand, grosse surprise, je m'attendais pas à voir un truc aussi bien en fait. Mais bah ouais, le film Gun, mais il est réussi. Hein. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais, ouais, vraiment bien. Alors, un jour. Non, mais vraiment. Faut aussi le prendre dans son contexte, mais même hors contexte, en fait, le film est réussi. Je regrette juste la, entre guillemets, propreté de la ville. De la ville, ouais. Des personnages et tout. Enfin, il y a des tripes qui volent et tout, mais globalement, c'est trop propre par rapport à ce qui est censé être la ville. Mais sinon, j'ai bien aimé. Ouais, ouais, c'est vraiment bien. C'est. Mmh. Et je suis un lecteur du. Moi, j'ai lu les mangas, Gun. Du coup, alors justement, je me rappelle avoir un peu détaillé toutes les différences par rapport au truc, mais quand même, c'est cool. Je les avais lus, ouais, moi-même, j'avais fini de les lire genre un an avant, donc c'était encore assez frais. Et effectivement, tu vois les changements, tu vois ce qu'il y aura probablement pas. Enfin, bon, de toute façon, apparemment, il n'y aura pas de suite. Mais je trouve ça dommage parce que c'était prometteur, quoi. C'est dommage. Et j'ai adoré le casting de Vector. Putain. L'acteur, je l'adore, mais quand je l'ai vu arriver, et je me suis dit, oh putain, mais ouais, ça pouvait être que ça pouvait être que cet acteur-là qui jouait ce perso-là, ça pouvait pas être autrement. C'était lui, quoi, voilà, point. Mais bon, bref. On digresse, là, parce que c'est pas la même année, là. Ouais. Non. En tout cas, oui, Une Nuit en Enfer. Ok. Cette année, je vais parler d'un film rapidement, on va pas passer des heures dessus et je pense que je sais pas, je suis pas sûr d'avoir d'autres personnes qui vont me suivre. J'ai vu au cinéma énormément de films cette année-là et un qui m'a le plus marqué, c'est le Breaking the Waves de Lars von Trier. Pas vu. Donc Lars von Trier, c'est un Danois c'est le film qu'il a plus révélé. Après il a vraiment explosé avec Dancer in the Dark avec donc Björk quelques années plus tard. Là, c'est un film qui fait donc avec comment est-ce qu'elle s'appelle, Emily Watson dans son rôle principal. On retrouve Jean-Marc Barr aussi dedans, qui donc assoit son style, c'est-à-dire caméra sur épaule, zéro effet spéciaux, très proche des gens. Lars von Trier filme des drames. On dira même souvent qu'il a tendance à s'acharner considérablement. Il faisait déjà le dogme à l'époque. Bonne question. Non, parce que quand tu me dis caméra à l'épaule et tout. C'est... Oui. Bah, c'est quoi, c'est dogme. Et donc oui, voilà, on a toujours tendance à dire que Lars von Trier a tendance à beaucoup s'acharner sur ses personnages, souvent féminins principaux, ce qui est vrai. L'histoire rapidement, c'est Bess donc qui rencontre Yann, qui elle se marie. Elle vit en Écosse, dans un petit village très rigoriste, très religieux. Il se trouve que son mari va avoir un accident du travail qui va quasiment le mettre dans un état quasi impotent. Et il va lui demander de vivre des situations extra-conjugales. Et elle va se persuader qu'à chaque fois qu'elle va vivre autre chose avec quelqu'un d'autre que son mari, il va aller de mieux en mieux. Et malgré tout, elle va se faire de plus en plus montrer du doigt et détester dans le village dans lequel elle vit. Parce que les gens vont évidemment voir très très pieux, vont voir d'un très mauvais œil ce qui est en train de se passer. C'est un film qui est long, c'est un film qui est lent, c'est un film qui dure plus de presque 2h40, je crois. C'est un film qui est dur à regarder, c'est un film qui est vraiment et qui finit pas bien, clairement, sans trop en dire. Si vous avez le courage de supporter 2h40 de caméra à l'épaule et de drame. Voilà. C'est mieux à le voir en VO. Tu viens de résumer la carrière de Lars von Trier. Voilà, c'est ça. Et moi, il m'a marqué. Voilà, c'est un film que j'ai aimé et que je me rends compte que c'est un film qui est très dur, encore même aujourd'hui, mais que... voilà. Sachant qu'en France, il est juste interdit au moins de 12 ans, ce qui me fait toujours beaucoup rigoler, parce qu'en vrai... Et des films comme ça... Voilà. Et qui a, oui, il a reçu le Grand Prix du jury au Festival de Cannes en 96. C'est sans doute comme ça que j'avais eu envie d'aller le voir. Parlez de films joyeux, allez-y, dépêchez-vous. Ah, moi j'en ai un. Pour une fois, j'ai un film. Vas-y. Ah, c'est un film d'animation. Écoute, est-ce que vous voyez... Non, pas du tout. Non. Bah, le film Baby and Butthead, c'est Front l'Amérique. Décembre 96. Ça, j'avoue que j'ai pas vu. Bah, en vrai, moi, j'aime beaucoup Baby and Butthead parce que c'est très con. Et puis, c'est moins con que ça n'y paraît, en fait, quand tu regardes. Certainement. Comment ? Oui, oui, c'est certainement moins con que ça n'y paraît, mais c'est clair. C'est marrant parce que quand tu parlais des clips, tu t'enregistrais tout ça, MTV et tout, moi je pensais que tu allais parler de Baby et Butthead. Ah ben j'avoue. Voilà. Moi, mais bon, c'est une série d'animation que j'aime beaucoup en fait, parce que bon, c'est tellement con. Puis c'est deux ados un peu attardés, fans de métal et de hard rock, donc ça me fait toujours beaucoup rire. Donc t'as parfois ces clichés, puis c'est deux losers, quoi. Enfin, Le film n'est pas exceptionnel non plus, mais bah, ils ont quand même ouvert la voie en fait à plus tard le film South Park et aussi le film Simpson, le film Bob l'éponge. En fait, tu vois qu'ils ont tenté des trucs. Et puis en fait, je me souvenais plus en regardant la page IMDb, je me souvenais plus qu'il y avait dans la VO, il y avait Bruce Willis et Demi Moore en fait qui faisaient des voix en fait pour le film. Ah. Je me souvenais pas du tout de ça en fait. Ou alors c'est parce que en même temps, je le vois assez régulièrement. Que j'ai le coffret ultime Mike Judge collection ou anthologie, je sais plus trop quoi. J'aime beaucoup en fait Baby Set, peut-être ça m'a toujours fait rire. Et voilà quoi. D'accord. J'en garde plutôt un bon souvenir, sauf de la VF qui est catastrophique. Je suis désolé. Ils l'ont doublé. Hein. Ouais. Il faut pas essayer de ça. c'était passé sur Canal, je crois, en plus. Et je l'avais vu en VF, mais je me suis dit, putain, c'est de la merde, c'est quoi ce truc? C'est absolument horrible. Et alors que, voilà, des années après, avec l'arrivée de la DSL, j'ai commencé à regarder énormément de trucs en anglais, pour une raison qui m'échappe d'ailleurs. Mais bon. Voilà, donc j'aime beaucoup, ouais. Je tenais moi en parler vite fait, puis bon, sans que ça soit joyeux, c'est tellement con que voilà. D'accord. Si vous avez l'occasion, regardez-le en VO. Ouais, ouais. Bon, je vais faire rapidement, je vais être rejoint aussi parce que je ne vais pas être seul, une petite spéciale Brad Pitt pour deux films qui sont sortis en 95 aux États-Unis, mais qui sont sortis en 96 chez nous. Et donc sur le coup, je vais les traiter comme un seul, mais c'est deux films, mais je vais en parler en même temps. Deux films dans lesquels on jouait Brad Pitt, qui sont donc L'Armée des Douze Singes de Terry Gilliam et Seven de David Fincher. Alors, comment dire que ces deux films, ça a été un coup de poing dans la gueule et un crochet dans le bide, clairement. Et voilà, L'Armée des Douze Singes de Terry Gilliam, qui vraiment, vraiment, enfin, un film de science-fiction, un film d'anticipation, un film avec, les voyages dans le temps et on touche au temps, tout ça. Et je sais, il faut pas dans les films, ça marche pas. Mais voilà, avec un Bruce Willis quand même en rôle principal, avec Brad Pitt qui tient le rôle d'un espèce de type dangereux, sans trop en dévoiler. C'est un film qui pour moi marche encore très très bien aujourd'hui, très noir, qui colle très bien à l'univers de Terry Gilliam. Enfin, je sais même pas, tout le monde a vu De la Mer des Océans, j'espère. Hein. Non, je l'ai vu, mais pas en 96. Je l'ai pas vu. J'étais loin aussi. Il fait partie de mes films que je veux regarder. Enfin, pardon, des films que je veux regarder, mais que je n'ai pas eu le temps de regarder encore. D'accord. Mais alors, faudra pas trop en parler. Alors. Okay. Et donc, je crois qu'on m'a spoilé la fin, mais ouais. J'ai oublié. Du coup, je vais même pas essayer de réfléchir, en fait. Et ensuite, donc, le Seven de David Fincher, donc avec Morgan Freeman. Que j'ai pas vu non plus. Et avec, comment elle s'appelle l'actrice? Gwyneth Paltrow. Oui, merci, Gwyneth Paltrow. Donc, clairement, on est dans le début de la carrière de Fincher. Fincher, moi, j'avais déjà vu à l'époque le Alien 3, déjà. Et je l'ai vu au cinéma aussi, hein, Seven. J'avais avoir 15 ou 16 ans. Et pareil, ça fait partie de ces cinéastes que sur le coup je vais aduler immédiatement et plus jamais quitter. Alors Seven, évidemment, c'est une mise en scène absolument ultra précise, intelligente, bien foutue, une photographie absolument hallucinante avec énormément de sombre, de noir, de pluie. La pluie, en fait, la pluie au départ était même pas prévue. C'est juste qu'elle s'est retrouvée pendant le tournage en mode, ben, elle est là, donc on va faire avec, et qui sur le coup colle parfaitement. Et la pluie de New York, c'est pas la petite bruine de Bretagne. Hein. C'est dans le film, Beyond, il voit pas à travers les vitres de la voiture quand il pleut là-bas. C'est ça, oui, il pleut. Oui. Et donc, voilà, c'est ça, j'ai oublié son nom à la photographie, on retrouve, c'est Darius Kondji qu'on retrouve, hein, qui aussi, en termes de boulot, a fait des choses absolument fantastiques et qui, là, signe, enfin, pour moi, un de mes films préférés sur lesquels il a travaillé. Donc Kevin Spacey en John Doe, qui est un des tueurs les plus emblématiques, enfin pareil, les plus à la fois les plus emblématiques et les moins emblématiques, parce que ce qui fait sa force, c'est qu'évidemment c'est monsieur et madame, c'est monsieur tout le monde littéralement. Oui. Et sa fin complètement nihiliste et complètement t'as bien dit, voilà. Me spoiler le film que j'avais évité de me faire spoiler depuis 20 ans, quoi. Super. Voilà. Alors c'est par contre, là, j'ai rien dit. Là, j'ai juste parlé d'une ambiance. T'as dit le nom de l'acteur qui était le tueur. Mais c'est pas. Enfin, c'est pas caché. C'est pas eu joué à suspect. Ça. Ah, d'accord. Tout va bien. Justement, c'est ça qui est drôle. C'est que le film, il est pas sur la recherche de l'assassin. Tu sais pas qui c'est. Il pop et c'est tout. Quoi. Tu vois, c'est pas du tout ça la surprise. Mais par contre, à l'époque, ça a été une surprise en réalité. Parce que David Fincher ne voulait pas qu'on sache qui était l'acteur qui jouait l'assassin. Et son nom n'était pas mentionné sur les affiches, Beyond. Ah oui, c'est pas mal ça. Kevin Spacey, son nom n'était pas affiché sur les affiches exprès. Ouais, je sais pas si tu t'en rappelles. C'est le genre de truc qu'on verrait maintenant avec toutes ces batailles d'ego et tout, où il faut absolument que... Ouais. Parce que, je vais parler de films modernes qu'on connaît, mais par exemple, tu as le dernier Thor Ragnarok, où en gros il y a un personnage qui apparaît au milieu de nulle part, que tu sais pas vraiment si ça peut être lui ou pas, machin, et en fait, t'avais le nom de l'acteur sur toutes les affiches de films, tu voyais même le perso posé à un moment sur une des affiches du film, tu vois, et du coup, tout l'effet, parce que le film il construit un truc où tu te dis, qui ça peut être, on sait pas, et tout, et puis le film il construit un truc super sympa, mais en fait, vu que tu sais qui va apparaître dans le film, ça tombe complètement à l'eau, mais à cause de la promo du film, c'est dommage. Je viens de vérifier, donc c'est confirmé, hein, c'est écrit, l'acteur Kevin Spacey n'est pas crédité même dans le générique du début. Ouais, ça c'est intéressant ça. Pour que je joue au moment que parce qu'il était déjà célèbre, hein, cet acteur-là, pour que vraiment en plein milieu du film, on se dise, ah c'est lui alors. Mais du coup, alors qu'on le voit même pas dans le film, donc du coup, c'est pas un spoil, tu vois, maintenant, hein, mais c'est rigolo quoi, de se dire, il voulait jouer là-dessus quand même. Quoi. D'accord. Oh bon, à l'époque, ça m'avait pas, c'était pas le, c'est pas ce qui m'a marqué, moi, la qualité de la réalisation et c'est ça qui est, et l'ambiance du film, c'est ça qui était vraiment plus important. Et donc Fincher qui deviendra le réalisateur qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit Fight Club, le côté Fight Club qui vaut encore qu'aujourd'hui, ou je le répéterai jamais assez, si vous n'avez pas vu Gone Girl. Allez, regardez Gone Girl, c'est un ordre. Voilà, c'est juste pas possible, on peut pas passer à côté. Gone Girl est excellent. Ouais. Avec Ben Affleck, hein, il me semble, c'est ça. Ben Affleck. Ouais. Ah, vraiment bien. Et Rosamund Pike. Ah oui. Et en plus, donc, Seven aujourd'hui est disponible dans une édition Blu-ray qui est complètement pétée. Il fait partie de ces films qui a été... énormément restauré au fil des ans, recadré, réétalonné sous la direction de Fincher, et aujourd'hui l'édition Blu-ray est fantastique, et techniquement c'est un film pour moi était extrêmement important dans la façon dont j'aborde le cinéma, ce que j'aime dans le cinéma et tout ça, les choses. C'est pas mal quand même. Moi, je le mets pas dans mes préférés, même si je reconnais toutes ses qualités indéniables artistiquement, je veux dire. C'est un chef-d'œuvre, hein, réellement, quoi. Mais c'est trop pesant comme sim, quoi. Je veux dire, c'est, tu vois ce que je veux dire, c'est pas, je veux dire, c'est pas pour tout le monde en vrai, quoi. Seven, c'est vieux, tu vois. Voilà, ça, c'est le genre de film, je le reverrai pas deux fois à cause de ça. Bon, t'as un film joyeux, toi, dans l'année 96? Moi, bah, alors attends, je prends mes petites notes. Oui, un film plus rigolo, Trainspotting. Non, je rigole. Je vais dire. Non, celui dont je voulais parler, moi, c'est un film qui m'avait. Et en plus, je crois que tu l'adores, Beyond, Un air de famille, de Cédric Clapiche. 96. Il est sorti en 96? Oh, je suis passé à côté. Vas-y, vas-y. Bon, bah, alors, Cédric Clapiche, hein, voilà, ça fait partie du cinéma français, moi, que j'adore. Hein. En plus, il y a un casting complètement ouf. Alors, à la base, c'est une pièce de théâtre, hein, Un air de famille, de Bakri Jaoui, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bakri. Et donc, en fait, bah, tout le film est rempli de scènes cultes, mais vraiment des dialogues, mais... C'est ça la force des films de Bakri Jaoui, c'est que justement, comme ce sont des pièces de théâtre, ce sont des films qui ont des dialogues, mais incroyables. C'est un bien de... C'est surtout comment on part d'une situation normale et comment on va aller de plus en plus vers tout qui va péter. Mais, non, en fait, mais toujours, voilà, c'est... Alors, tu fais bien d'en parler, c'est souvent plus des huis clos, hein, évidemment, comme c'était des pièces de théâtre, à l'origine, forcément, ça reste dans des cadres très refermés. Là, ça fonctionne vraiment bien, parce que tu découvres, oui, comme tu dis, à l'origine, c'est juste une réunion de famille entre des frères et des sœurs et la mère. C'est le 35e anniversaire de Yolande, l'épouse de Philippe, un des fils. Ils se réunissent dans un bar qui s'appelle Le Père Tranquille, qui est tenu par le fils aîné Henri, et toute la famille se réunit juste pour les 35 ans de Yolande, voilà, ouais, qui est jouée par Catherine Froh. C'est juste ça, le pitch de départ. C'est tout. Ouais. Et on se trompait que ça va être des querelles familiales. C'est vrai que c'est beaucoup... pas forcément être très alléchant, mais c'est tellement bien raconté que ça fonctionne vraiment bien. Il faut pas se dire, ah, c'est un film français, on va s'emmerder et tout. Non, c'est vraiment ça marche. Avec voilà, oui, moi aussi des, hein, c'est beaucoup trop luxueux pour un chien. Mais c'est pas pour le chien, c'est pour toi. La scène qui m'a le plus marqué et que j'ai re-regardé à nouveau sur YouTube, là, justement en faisant des films. Vient de là, dont je voulais parler, c'est la scène de Agnès Jaoui qui parle à sa mère à la fin. Mmh. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais celle-là m'avait retourné, quoi. Mais vraiment, oui. C'est un film qui est... Elle explique ce qu'est la vulgarité. J'ai trouvé ça complètement fou, quoi. Mais vraiment... C'est un film qui est juste, qui est vraiment juste tout du long. Et ouais, ça tombe toujours juste, ça tombe toujours bien. Et Donc, ouais, c'est vraiment un très très chouette film. Et justement, là, juste, bah, on n'a pas eu notre moment carnet noir, hein, comme on pourrait dire, mais justement, l'acteur qui faisait le fils prodigue de la famille, hein, celui qui a un rendez-vous, qui passait à la télé, tu sais, c'est 2 minutes à la télé, mm-hmm, je ne sais pas si tu te rappelles, bah, il est décédé la semaine dernière, en fait. Voilà. Ah, d'accord. Merde. Ouais. Pourquoi Beyond, il est parti? Il y a quelqu'un d'autre, non, qui est parti. C'est Buzz qui est parti. Discord. Ouais, non, c'est Buzz qui nous laisse, parce qu'il est déjà minuit et quart. Bon. Ah. Voilà. Donc Clapiche qui connaîtra son heure de gloire quelques années plus tard avec l'auberge espagnole, évidemment. Hein, bah mais du coup, ça casse le layout. Bah de la merde, je laisse comme ça le layout. Démerdez-vous. Arrêtez de partir. Voilà. C'est pas très grave, ça. Ok. De toute façon. Mais je veux dire, il y a eu aussi. Attends, il y a eu quoi après Un air de famille? Il y a eu Chacun cherche son chat la même année. Ah ouais, bah sur celui-là, je l'ai adoré. Je t'en parle souvent de ce film-là, d'ailleurs. Mmh. Vraiment un truc. Mais non, il y a un autre film de Bakri Jaoui, mais je ne sais pas si c'était Clapiche qui l'avait fait, une autre adaptation. Il y a eu Un air de famille, et après il y a eu Cuisine et dépendance, est-ce que c'est lui? Voilà. Non, c'est pas lui, c'est pas Clapiche. Bah alors là, franchement, ceux qui ont aimé Un air de famille, ils vont aimer Cuisine et dépendance, hein. Ça, c'est clair. Mais c'est, ouais. Non, c'était en 1991, c'était avant d'ailleurs. Oh là là. C'était avant. Ah, et le film est sorti en 93. Ah oui, c'était bien avant, d'accord. D'accord, là, ok. Ouais. Cuisine et dépendance, c'est très très. Et plus drôle, hein, en réalité. Mais... Okay. Donc voilà, j'avais noté Bernie aussi, hein, évidemment. Bien. Voilà. Mm-hmm. Quoi ? On est cassé ? Ah ouais, on est cassé, c'est rigolo. Bah oui, c'est ce que je dis. C'est plus pire à un moment, ça, j'avais pas vu. Bon, Bostik est parti, il veut qu'on parle vite fait que de quand même d'un des très très gros cartons de cette année-là qui est Independence Day. Bah ouais, c'est super important. Hey, regardez, bordel, je me suis pas mis là, voilà. Je me suis pas mis ici pour pas parler de ce film, bordel de merde. Il faut savoir un truc, je vais vous raconter ma vie. Bah, c'est le premier film que j'ai vu au cinéma. Ah ouais, bah, voilà. Alors, attention, premier film, pas dessin animé. J'avais dû voir Le Roi Lion, je crois, avant, et peut-être un autre. Oui, oui. Mais du coup, bah forcément, je vais dire, j'étais marqué, peut-être même traumatisé, j'en sais rien. Mais c'était trop bien parce qu'il y avait des trucs qui explosaient, et puis il y avait des extraterrestres, et puis America fuck yeah. Ça, j'avais pas compris ce passage-là d'ailleurs. Moi, je voyais juste les explosions. Donc, et je pense qu'on peut dire que ce film est pas bien. En vrai, c'est de la merde. C'est de la merde. Et Mars Attack qui a un même thème mais parodie qui est 100 fois mieux. Ah bah Mars Attack, c'était, je l'ai vu aussi, c'est rigolo. Mais grosso modo, ce film n'est pas bien. Mais moi, je l'adore. Ouais. Je l'adore. Ouais, et je suis allé voir la suite qui est sortie il y a 3 ans ou 4 ans, je sais plus. Enfin bref. On fait une suite. Ah merde. Mais ouais, mais parce que moi, je suis très partagé en fait. Je trouve pas que ce soit un si mauvais film que non, ça. Je dis pas que le film est mauvais. Ouais. Attention, je dis pas que le film est mauvais. Ouais. Je dis qu'il est pas bien. Très premier degré. C'est tu vois là. Oui, oui, d'accord, oui. Ok. Par exemple, mais en termes de. Parce qu'après, j'ai revu d'autres films plus tard et tout. Par exemple, en termes. Juste visuellement. Il y a des images que je trouve très fortes quand même, mine de rien, dans le film. Bah, celle que j'ai mise, parce que tout le monde connaît le truc avec la mise en blanche qui explose, mais moi, un des trucs qui m'avait fait flipper, c'était ça, là. Quand justement, t'as les soucoupes qui sortent des nuages et que t'as le ciel qui s'embrase au-dessus des villes et tout, ça m'avait vraiment marqué, moi, personnellement, en tant que petit enfant. Mais moi, je pense que même maintenant, je trouve que c'est des images très très fortes, moi. Après, bon, bah, c'est un film d'action, quoi, hein. Bon, on trouve quand même aussi un casting 3 étoiles quand même. Bah ouais, bon, ouais. Smith, Bill Pullman, Jeff Goldblum, enfin c'est vraiment du. Ils ont mis la max quoi. Ouais. Mais oui, le film. En plus, je veux dire, ok, le film il a des faiblesses, mais je veux dire, ça sera. C'est, je veux dire, la narration elle est fluide quoi. Il y a pas de, tu sais, il y a pas de cassure, c'est bien filmé. C'est, tu vois, il y a des trucs. Enfin, le film fonctionne en vrai. Bah en fait, le film fonctionne parce que c'est un blockbuster. Qu'il n'y a pas de grosse réflexion, qu'il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas de temps mort spécialement, en fait. Hein, et il ne raconte pas d'histoire. Donc, en fait, du coup, tu suis le mouvement et ça marche très bien. Voilà, c'est un. Mais il a pas, le film n'a pas de fond, quoi. Voilà, c'est ça le truc. À part. Enfin, vraiment, c'est. Et c'est plus tard où j'ai appris à ne pas aimer le film. C'est que c'est vraiment le fond, c'est finalement, ouais, America fuck yeah, quoi. Enfin. Et c'est ça qui a du coup, un peu cassé le film pour moi derrière. Alors que quand t'enlèves ce morceau-là, bah, t'as un film d'action et. Voilà, c'est tout. Ça va pas plus loin. C'est juste. Et les effets spéciaux étaient vraiment révolutionnaires, quoi. Par contre, là. T'en prenais plein ta gueule, quoi. Enfin, c'était un truc de malade. Avec juste une toute petite apparition dans le film, un rôle tout à fait secondaire d'un jeune qui s'appelle Miguel dans le film, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui est un acteur préféré de Greg Araki, le réalisateur indépendant américain, qui s'appelle James Duval, qui est, voilà, juste qu'on voit pendant quelques secondes, qui entre deux films de Greg Araki est venu tourner là pour Independence Day. Parenthèse perso. Par contre, je suis d'accord avec ce que dit Jamais de Bol et ce qu'a dit Monsieur Chou, mais il est sorti l'année d'après chez Mars Attacks. Ouais. Par contre, Mars Attacks, ça, c'est chef d'œuvre pour moi. Hein. Alors, en France, j'adore. En tout cas, en France, ouais. Parce que l'ai vu aussi au cinéma. Moi, et pareil, j'allais pas tous les mois au cinéma à cette époque-là. Pareil. C'était genre plusieurs semaines de côté d'argent de poche. Hein, voilà. Ouais, j'aime beaucoup Mars Attack. C'est vraiment un film que j'ai vu au ciné et que j'adore, qui est vraiment très sympa. Il y a même pas mal de petits acteurs sympathiques aussi qui ont des petits rôles dans le film. Et voilà. Ah, yeah. Mais tu vois, Mars Attack, il a quand même la particularité, c'est d'avoir quand même presque qui donne l'obligation d'avoir vu Independence Day presque pour comprendre la parole. Oui, c'est vrai. C'est vrai, moi, c'est la même raison. Parce que c'est vraiment la parodie, en fait. Ouais, parce que si t'as pas vu Independence Day, tu comprendras pas les trois quarts des allusions du film, quoi. C'est mais vraiment. C'est abusé. Bah, on en parlera peut-être quand on fera l'année 97. J'espère bien. J'espère bien. Et bah oui, c'est marrant parce que moi, au contraire, je suis en 96, c'est vraiment l'époque où. Mais c'est vrai que j'étais au collège, presque au lycée, et le mercredi après-midi, vu que je rentrais pas chez moi, j'allais au cinéma quasiment tous les mercredis. J'avais genre, tu sais, les abonnements et. Bah moi, j'avais 8 ans, je rappelle. Hein. Ah, oui, d'accord, oui, forcément. Juste pour parler, parce que t'as parlé de films français, belge. Je vais rapidement parler de films français, de deux autres films français que j'ai beaucoup aimé cette année-là. Je vais parler du Ridicule de Patrice Leconte. Oui. Avec Jean Rochefort, Julie Godrès, Charles Berling, Fanny Ardant. Oui, un bon casting. Dans ce film qui montre des joutes verbales à la cour de Louis XVI. Louis XIV c'est pas Louis XIV, je sais pas. Louis XVI. Louis Croivet-Bâton, c'est pareil. La mort, Louis Croivet-Bâton. et donc sur le coup, c'est un film aussi pareil que je trouve vraiment très bien écrit, vraiment très juste et vraiment très agréable à regarder encore aujourd'hui, qui est vraiment un film français. C'est-à-dire, j'ai l'impression que aucun autre pays au monde aurait pu faire ce film. Je ne sais pas si je suis clair, Pelle. Si... De toute façon, il a fait beaucoup de comédies très françaises, ouais. Mais vraiment, elles étaient réussies pour le coup. Hein. Ces films, c'est vraiment bien. Et... Non, ça, je vois ce que tu veux dire. Oui, bonne nuit, Pulpi. C'est bon, on attend. On va chercher bonheur. Parce qu'on va pas tarder, je pense aussi. Et l'autre film français que je voulais évoquer aussi rapidement, parce qu'on l'a vachement oublié, et quand même, je voulais faire un shoot-out. Alors non, ce n'est pas Pédale Douce, mais c'est Le Huitième Jour. Ah oui. Avec Daniel Auteuil. Qui est ce genre de films qui sont vraiment passés à trave avec les années complètement. Voilà. Et qui est donc le Huitième Jour, c'est l'histoire de Daniel Auteuil qui se retrouve avec la garde d'un enfant né trisomique et qui va devoir apprendre à le connaître et à vivre avec lui. Et, c'est le Rainman français, en fait. C'est le Rainman français dans une certaine mesure. C'est un film qui est drôle, qui est émouvant, qui est touchant et qui fonctionne aussi encore aujourd'hui. Et qui, je trouve, et ça fait partie, j'ai l'impression qu'il passe jamais, que plus personne n'en parle jamais, qu'il est complètement tombé dans l'oubli. Voilà, et je trouve ça dommage. Oui, c'est vrai, t'as raison. En plus, le comédien trisomique avait été récompensé pour son jeu. Hein. C'était vraiment... Oui. C'était... Ouais, c'est un joli film. Voilà. Comme quoi, si un jour... Vous tombez dessus, vous avez envie de le regarder. C'est un film que j'ai aimé. Qu'est-ce qu'il y a encore de... Est-ce qu'on a encore des trucs? Est-ce que vous avez encore des trucs? Alors, moi, là, je pense que. On est fini. Ah, bah, enfin, j'en ai, mais il est tard, quoi. Donc, bon. Moi, en tout cas, je suis au bout de ma vie. Après, si vous voulez faire encore une demi-heure d'extra, vous me le dites. La sortie du renouveau du slasher avec le Scream de Wes Craven. Je voulais mentionner Scream aussi, mais que j'ai vu aussi en 96 et qui, pareil, bon, c'est compliqué parce que Scream c'est un petit peu comme Nightmare on Elm Street, c'est-à-dire que c'est des films qui, lorsqu'ils sont sortis, ont eu un très gros impact. Quand on les voit aujourd'hui, ça fait un peu ridicule, et pourtant, il y a encore des choses qui fonctionnent très très bien aujourd'hui. Est-ce que tu aimes les films d'horreur? Et rapidement, un autre film aussi absolument méconnu, mais que je place partout, donc je vais en parler encore une fois, sorti en 1996, un film qui s'appelle Joe's Apartment, qui est également connu sous le titre Bienvenue chez Joe ou L'appartement de Joe, qui est une comédie américaine. Imaginez le pitch, le héros emménage dans un immeuble qui est infesté par des cafards, mais des cafards qui chantent et qui dansent. Alors, voilà. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment un film qui a fait un bide total, qui a totalement marché et qui est un film que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avec, voilà, mais prenez le film tel qu'il est, c'est-à-dire un type s'installe à un endroit où il y a des cafards qui chantent et qui dansent. Cherchez pas. C'est comme ça. Voilà. D'accord. Et ça, c'est voilà, c'est un film social, c'est un film qui est assez, qui raconte une histoire beaucoup plus classique derrière ça, comme les logements insalubres et une certaine situation aux États-Unis, et qui le fait au travers de ces petites bébêtes. Voilà, qui est un film que j'aime beaucoup. Il y a. C'est tout sur... oui. Sinon, il y a. J'en parlais vite fait, mais je crois que c'est le premier film avec Robin Williams que j'ai vu. Non, c'était peut-être Hook, mais en tout cas, il y a Jack qui est sorti en 96. C'est le film où je sais plus c'est quoi le nom de cette maladie qui te fait vieillir plus vite que la normale, quoi. Ouais. Et c'est un film qui m'avait marqué parce que quand j'ai vu Gosse. Et je me suis dit, putain, ouais, c'est horrible ce qui lui arrive, quoi. Mais où t'as des, t'as des conneries à la con, parce que du coup, vu qu'il vieillit plus vite, genre, les gamins, ils ont 10 ans, et du coup, ils lui demandent d'aller acheter des magazines porno, enfin, ce genre de conneries. Enfin, toutes les conneries qui te passeraient à la tête si t'étais un gamin et que t'avais un corps d'adulte, je suppose. Là, j'ai trouvé la fin super, super marquante, quoi. J'étais pas habitué à. Enfin, bref, je raconterai peut-être pas la fin pour. Ceux qui veulent pas savoir, même si on se doute de ce qui se passe. Et j'avais bien aimé ce film. Après, il faut savoir, c'est une maladie qui existe vraiment, hein, et qu'elle a été un peu entre guillemets romancée. Parce qu'en fait, quand tu es atteint de cette maladie-là, tu deviens plus comme les personnages dans Akira, le film d'animation. Les petits bonhommes bleus. Là. Voilà. C'est-à-dire que tu vieillis plus vite, certes, mais c'est ton corps grandit pas plus vite, quoi. C'est-à-dire que t'as un gamin qui a une tronche de quelqu'un qui a 80 ans, quoi. Donc voilà. Un peu romancé sur la maladie, mais sympa, quand même. Donc, un film avec Robin Williams et Jennifer Lopez, notamment. Et un film réalisé par un inconnu. Oui. Oui. Francis Ford Coppola. Voilà, je sais pas, connais pas. Voilà. Donc quand même, le gars, il se pose là, quoi. Bonjour. C'est ça. Okay. Puis pareil, dans le genre de film comédie, entre guillemets, il y a Mathilda, voilà, par Denis DeVito. Mathilda est sorti l'année suivante, je vais vérifier, il est sorti en 97 en France. T'es sûr que c'est 97 en France ? Et c'est 97 en France, ouais. Ah bon, alors on en parlera plus tard. Et je l'avais noté, Mathilda, parce que c'est aussi un film que j'aime beaucoup. Pourquoi parce qu'il sort de nulle part. Enfin, je l'ai vu il y a récemment, mais le film sort de nulle part. Il est horrible. Le film est horrible. En fait, le film il est marrant, mais il est horrible. La fin me fait toujours. Que c'est un film pour enfants. C'est vraiment Ouais, non. La fin me fait toujours halluciner, en fait. Enfin, tout le film me fait halluciner, mais la fin, tu commences à se résoudre, tu te dis mais quelle horreur. Quelle horreur. Bref, voilà. Ouais, on a largement dépassé, il est minuit 30. Alors on va faire le petit tour habituel, c'est-à-dire merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui ont participé, c'est mon petit bloc-notes, ce soir dans le chat. Et voilà, on espère qu'on vous aura fait revivre des souvenirs pour ceux qui ont vécu 96 et pour les autres, envie de découvrir certaines choses, n'hésitez pas, voilà, j'ai balancé le lien des playlists tout à l'heure sur le chat, je les mettrai en commentaire sous la vidéo YouTube, pour que les gens revivent un petit peu de ces années-là que nous on a vécu en direct. Et sur le coup, coucou à tous ceux qui nous écoutent sur tous les supports, coucou aux gens sur YouTube, abonnement, petite cloche, tout ce genre de choses. Et je crois que c'est à peu près tout. Ouais. Effectivement. On a bien dépassé là. Cette petite année 1996. Ouais. Bon, encore une fois, on a raté plein de trucs, hein, mais... C'est normal. N'oubliez pas d'être exhaustif, encore une fois. On a parlé de ce dont nous, on se souvient, on avait envie de parler. Attends, on n'a même pas parlé de Mission Impossible. Oh, c'était un... Bon, bref. Allez. Allez. Et sur le coup, on se retrouve dans 15 jours, normalement, avec un autre sujet. Ouais. Et on va souhaiter une bonne nuit aux gens et à bientôt. Bah, voilà. Ça marche. Allez. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? C'est parfait. Vélo. Ornithorin. Oui. Bah, ça coupe pas. Ah, ornithorynque donc.